un peu de pourriture noble en suspension. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Nous balayerons cette pourriture. Tu sens pas cette odeur de pourriture, là? Ah mon Dieu, c'est ma mère. Pourriture. Ah, mais ton connard, Alberto, là, c'est une pourriture, tu sais. Le podcast Pellicule et pourriture noble se propose d'être le centre de recueil de tous ces films conspués, molestés, tous ces films curieux donc hypnotiques, tous ces sophnies, et de les remettre en lumière, de les analyser et d'apporter quelques précisions pour voir ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû être, et voir aussi tout ce qu'ils ont de sauvable. Pour cela, votre hôte, Monsieur Gravelax, s'appuie sur toute la documentation disponible pour vous permettre, vous cinéphages, de revoir avec un esprit plus affûté ces bobines imparfaites, voire très imparfaites, mais appréciables. Pour sa cinquième incursion dans le terrain cinématographique curieux et singulier, Pellicule et pourriture noble, et votre autre, Monsieur Gravelax, revient sur le cas d'un métrage qui est le digne représentant d'un genre bien spécifique, le film de bagarre, le film de loupard, à savoir Rue Barbare de Gilles Béat, sorti le 4 janvier 1984 sur les écrans français, adapté du roman de David Goudis qui à la base s'appelait Épave, écrit en 1952, soit une bonne trentaine d'années avant le film. Ce dernier regroupe à lui seul différentes variations de ce que fut le polar français dans les années 80, notamment dans sa première moitié. Plusieurs thématiques sont abordées, comme le film de vengeance, le film de rédemption ou de révélation d'un personnage à lui-même, les films aussi de vigilante, comme Un justicier dans la ville avec Charles Bronson. Il y a aussi les films de banlieue de l'époque, qui sont l'eau de marginaux, comme Les Blousons Noirs, Les Loubards. Bref, le film nous replonge dans une période de transition entre ce qu'était le film policier hexagonal des années 70, avec son ton plus hard-boiled, plus axé sur le grand banditisme, avec des codes d'honneur et des stratagèmes de bandits pour faire un casse ou mener à bien un plan, à une sorte de mise à jour dans les années 80, une mise à jour qui a pris le temps de digérer la fin des Trente Glorieuses, d'incorporer le chômage de masse et la paupérisation qui en découle, et qui d'ailleurs peut être un argument dans la construction d'un personnage, comme c'est le cas dans Rue Barbare, où une des raisons pour lesquelles le personnage qui va être incarné par Bernard Giraudot, à savoir Daniel Chetman, ce personnage ne part pas de son quartier du fait de sa pauvreté entraînée par la famille dont il a la charge. On verra que cette raison n'est pas la seule, et qu'il a d'autres motivations implicites qui le poussent à rester dans ce quartier. Si je resitue Rue Barbare dans le contexte cinématographique de l'époque, notamment le polar, il est à noter que la période est prolifique. Elle fonctionne à peu près avec les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs, qui sont quasi interchangeables, tout comme les seconds rôles qu'on va retrouver à de nombreuses reprises et à peu près dans les mêmes rôles. Ce qui va faire la différence entre ces métrages, c'est l'implication des équipes et leur investissement. Comme point d'ancrage, nous pouvons prendre comme base le film « Les guerriers de la nuit » de Walter Hill, qui est sorti en France à la fin du mois d'août 1980. Et d'ailleurs, certains qualifieront Rue Barbare de « Guerriers de la nuit » version bagnolée. Dans le prolongement, on peut citer aussi deux autres métrages qui sont à peu près dans la même ambiance, mais qui sont sortis après la sortie française de Rue Barbare, à savoir donc Les Guerriers du Bronx d'Enzo Castellari avec Fred Williamson et Mark Gregory par exemple, qui certes date de 1982 mais qui est sorti le 1er août 1984, donc 7 mois après Rue Barbare. Et aussi donc en novembre 1984 pour la France, le film donc Les Rues de Feu avec Michael Paré, Jane Lane, Willem Dafoe et Eric Moranis par exemple, mais qui fut un échec, mais qui peuvent avoir quelques thématiques communes avec Rue Barbare. Pour que vous fassiez une idée plus claire de ce qu'était donc ce cinéma du polar français au début des années 80, je vous ai dit ce système un petit peu interchangeable et d'acteurs et de réalisateurs, je me suis permis de faire, et c'est ce qui va servir aussi d'introduction principale à cet épisode sur Rebarbare, je me suis permis de faire une liste des polars français sortis en 1984, une année que vous allez découvrir comme étant très prolifique dans ce domaine. Vous allez voir que ces films ont les mêmes thématiques que celles que j'ai déjà évoquées pour Rebarbare. Je vais me permettre de remonter légèrement sur 2-3 films assez symboliques et assez connus. Je commence par Légitime violence de Serge Leroy, avec Claude Brasseur et Thierry Lhermitte notamment, qui est sorti le 1er septembre 1982, et qui a comme thème la vengeance, avec donc le personnage joué par Claude Brasseur, qui cherche à retrouver les tireurs qui ont causé la mort de sa famille lors d'une fusillade dans une gare. Et donc c'est d'après un scénario de Manchette. Il y a aussi Tir groupé de Jean-Claude Missian, avec Gérard Lanvin, Véronique Jeannot et Michel Constantin, qui sort en septembre 1982. Là aussi c'est le thème de la vengeance qui prédomine, avec le personnage de Gérard Lanvin qui cherche à retrouver les assassins de sa compagne, jouée par Véronique Jeannot. On retrouve Serge Leroy pour L'Indique, avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte à nouveau et Bernard-Pierre Donadieu qu'on va retrouver dans Rebarbare, qui sort en avril 1983, où on a la thématique de la difficulté de sortir de son milieu. Donc notamment, le film L'Indique nous fait suivre le parcours de Thierry Lhermitte, qui joue donc le rôle d'un bras droit d'un truand, qui lui est joué par Donadieu, et qui essaye d'échapper à l'emprise de ce dernier pour vivre la vie qu'il souhaite. Avant de passer à l'année 1984, et pour la blague, puisqu'il vient de sortir en Blu-ray, je peux citer rapidement Le Faucon de Paul Boujna avec Francis Huster, Agnès Jaoui, Marouchka Detmers et Vincent Ladon, qui est sorti en septembre 1983, et où deux personnages qui se sont déjà croisés par le passé, avec l'un qui a causé un trauma à l'autre, se retrouvent pour une nouvelle et dernière fois. Il y a clairement une thématique similaire, même si la forme n'est pas la même, le fond est à peu près similaire à Rebarbare. Voilà pour ce qu'il en est si on se place un peu sur ce qui se fait au début des années 80, donc avant Rebarbare, sur ce qu'on peut appeler le terrain du film policier de série B. Mais s'annonce donc une grosse année 1984 qui est à examiner, ce que je vais faire de suite de façon la plus concise possible. Cela pour arriver à la conclusion qu'on est un peu dans une fin d'époque, une époque qui finira quand même les stars du genre ne feront plus recette. Je renvoie bien sûr à l'épisode de Pellicule et Pourriture Noble sur Ne réveillez pas un flic qui dort avec Alain Delon et réévoquer une nouvelle fois le film Le Solitaire de Jacques Deray avec Bébel. Donc des films de 1987-1988. Pour cette année 1984, ouvre donc le bal Rebarbare, qui va être l'objet de cet épisode, donc qui sort le 4 janvier 1984. Une semaine après, et là aussi ça rappelle des souvenirs, sort Canicule d'Yves Boisset, auquel on a déjà consacré un épisode entier et dont le scénario est aussi, comme Rebarbare, coécrit par Jean Vautrin, et qui évoque un personnage seul dans un milieu hostile et qui combat l'instinct de mort qui plane au-dessus de lui, le côté instinct de survie, et finalement Tchett aura ça également, lutter contre une sorte de mort lente qui le menace. Le même jour, donc le 11 janvier 1984, sort aussi Ronde de nuit, à nouveau de Jean-Claude Missian avec Gérard Lanvin et Eddie Mitchell. Là par contre la thématique c'est plus l'idée de corruption en général qui va se dégager du film, c'est sous-jacent dans Rebarbare avec notamment la corruption des forces de police. Donc je poursuis ma liste dans l'ordre chronologique, je fais un petit détour américain pour signaler la sortie de Rusty James, donc le 15 février 1984, de Francis Ford Coppola avec Matt Dillon et Mickey Rourke, et on retrouve la thématique du film de bande. Ensuite, retour en France le 22 février 1984 avec À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, avec Eddie Mitchell, Carole Laure et Michel Serrault, alors que je ne considère pas comme de la série B, c'est un peu le haut du panier. De toute façon, dans la liste que j'évoque, il y a forcément des films un peu plus hauts. Et d'ailleurs, ce film pourra être lui-même l'aspirateur d'un autre sous-genre, le film d'un homme seul face à une bande, malgré lui. Poursuivons avec L'Addition de Denis Hamard avec Richard Berry et Richard Bohringer, qui sort début avril 1984, et où on a les thèmes de l'honneur, de la défense ou la survie dans un milieu hostile, de la délinquance, et un chef dominant ou un chef qui contrôle l'ensemble et qui va jouer des alliances pour satisfaire et appuyer son pouvoir. Donc là, si je lis juste le résumé du film, c'est l'histoire donc d'un comédien qui se retrouve en prison pour avoir voulu défendre l'honneur d'une fille accusée de vol. Une semaine après, donc toujours en avril 1984, on a donc Le Juge de Philippe Lefebvre qui sort avec Jacques Perrin, Richard Bohringer à nouveau et Daniel Duval, qui raconte donc l'histoire d'un juge qui veut démanteler un réseau de trafiquants à Marseille et son chef Roca, qui est joué par Daniel Duval. Donc ensuite, toujours en avril 1984, on a Les Fauves de Jean-Louis Daniel qui sort, donc avec Daniel Auteuil, Philippe Léotard, Jean-François Balmer, Farid Chopin. Et donc quand je parlais d'Amor l'arbitre de Mocky, on est dans la même configuration du fait qu'on a un homme qui voit lâcher derrière lui une horde de fous furieux pour un crime qu'il n'a pas commis. pour faire une autre référence très rapide, j'avais parlé du fait que Philippe Sedbon avait été à l'origine de ce scénario. Donc Philippe Sedbon, c'est notre épisode pilote de Cross, auquel je vous renvoie aussi. Poursuivons, donc là par contre on fait un petit saut, en août 1984 avec La Triche de Yannick Bellon, où on retrouve Victor Lanoux et Xavier Deluc, dont j'en avais parlé pour Canicule et pour Ne réveillez pas un flic qui dort, qui est un polar assez novateur pour l'époque, avec l'homosexualité comme sujet central, ce qui peut être considéré comme un angle original, car la série B justement véhicule à cette époque plutôt des clichés sur le sujet. Donc j'embraye avec Liste Noire d'Alain Bonneau, Alain Bonneau qui avait réalisé Une sale affaire avec Victor Lanoux et Marlène Jobert en 1981. Liste Noire donc est avec Annie Girardot et Paul Crochet, il sort là aussi en août 1984, et on a une trame à peu près similaire à Légitime Violence, avec cette fois Annie Girardot qui recherche les assassins de sa fille qui est morte lors d'un hold-up. Et elle est aidée dans cela par un policier qui est très complaisant et lui laisse des facilités pour se venger. Fin août 1984, on voit débarquer À coup de crosse de Vicente Aranda avec Bruno Kremer et Fanny Cottençon, qui est une coproduction franco-espagnole qui raconte donc l'histoire d'une prostituée, donc jouée par Fanny Cottençon, qui fomente une vengeance contre le policier, joué par Kremer, qui la maltraite et qui s'est servi d'elle pour tuer son amant qui était truand. Donc là aussi, on a comme thématique commune avec le barbare des rapports violents comme règle de vie entre les personnes, plus l'idée aussi de vengeance, même si c'est une vengeance qui est vraiment en fin de métrage pour Rue Barbare. On passe donc à la mi-novembre 1984 avec L'Arbalète de Sergio Gobbi, alors toujours avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson et Marcel Bozuffi. Là, on a le thème de la guerre des gangs et la guerre des bandes. Et donc, le film raconte l'histoire d'Auteuil, qui est un ancien loubard qui est devenu flic et qui est amené par sa hiérarchie à réintégrer un gang de blousons noirs tout en s'opposant à un flic raciste joué par Bozuffi. Et enfin, l'année 1984, sur le terrain du polar hexagonal, se termine par Un été d'enfer de Michael Schock avec Thierry Lhermitte, Véronique Jeannot et Daniel Duval, où un ancien coureur à moto, joué par Lhermitte, fait des piges, entre guillemets, ou des petites missions pour son oncle, qui est détective privé, et qui essaye de démonter un réseau de trafiquants. Si j'exclus Le Faucon, j'ai pris 3 films avant 1984, là je me permets d'en prendre 3 après 1984, avec tout d'abord Urgence de Gilles Béat, donc le réalisateur de Rue Barbare, toujours avec Bernard-Pierre Donadieu, mais aussi avec Richard Berry, Jean-François Balmer et Fanny Bastien, qui sort donc le 30 janvier 1985, donc quasiment un an après Rue Barbare. Le film nous raconte l'histoire d'un journaliste joué par Richard Berry qui doit protéger une femme qui est détentrice d'un projet d'attentat par un groupe néo-nazi dont le chef, Lucas Schroeder, est interprété par Pierre Donadieu, donc encore un rôle de méchant. Il y a aussi Spécial Police de Michel Vianney, avec toujours Richard Berry, Carole Bouquet, Fanny Cottençon, Jean-Pierre Malot, où c'est donc l'histoire d'un inspecteur à la scientifique, Richard Berry, qui vient en aide à Carole Bouquet, dont le frère vient de se faire assassiner et qui appartenait à une organisation politique secrète. Et enfin, je pousse jusqu'en août 1985 avec La Baston de Jean-Claude Mission, avec Robin Renucci, Dominique Pinon, Véronique Genest, et qui nous raconte l'histoire d'un ancien cambrioleur qui accepte un dernier casse pour avoir l'argent pour soigner son fils atteint d'une grave maladie. Chose promise, chose due, je m'arrête ici pour l'évocation de cette liste, mais je tenais à faire ce contexte général et montrer la prolifération de films de ce genre-là à cette époque. Et donc naturellement, je m'arrête là, puisque sinon on va atteindre un point de non-retour, à savoir l'évocation de La Nuit du Risque de Sergio Gobbi avec Stéphane Ferrara. Et comme je n'ai pas envie qu'on se fâche dès le début de l'épisode, je vais stopper là tout de suite. Surtout qu'on a encore beaucoup de choses à voir sur Rue Barbare qui, comme on peut le constater, va se hisser plutôt dans le haut du panier de cette cuvée 1984. Déjà du fait qu'il se base sur le solide roman d'un des maîtres du genre, David Godis, qu'il est adapté soigneusement par Béa et Vautrin, qui savent prendre des libertés avec ce roman et s'en détacher pour le conformer un petit peu, pour le mettre aux normes de la France des années 80 et au contexte de la France de cette époque. Même si dans le film, ce n'est pas forcément précisé que l'action a lieu en France. Et il y a enfin le fait que les acteurs principaux se sont bien investis dans leur rôle, avec par exemple Bernard Giraudot et Bernard-Pierre Donadieu, qui ont énormément répété le combat final, et d'ailleurs ce sera l'objet d'une partie des suppléments de cet épisode. Comme je l'évoquerai aussi, on peut lui reprocher le fait qu'il a mal vieilli, ou qu'il est trop daté ou trop typé années 80, notamment au niveau du look, au niveau de l'argot utilisé. Mais on peut lui reconnaître quand même une véritable honnêteté pour une série B qui le place au-dessus du tout venant de l'époque. Enfin, cela, c'est le déroulé du film qui va nous éclairer un petit peu plus sur ce point. Comme vous commencez à y être habitué, on passe donc sans plus attendre à la présentation rapide de l'équipe du film après la diffusion de la bande-annonce de Rue Barbare. Thank you. Shetman. Vous avez 10 minutes pour accompagner votre femme. Papa est devenu fou. Ma boule. Il a trouvé le fusil, il veut me flinguer. Tu me fatigues, Paul. Non, me laisse pas tomber, petit frère. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Comme t'es droitier, je vais te planter la main gauche. Ça fait mal. On va se tirer, je te le jure. Où on va? Dans le sud. Non, ne frappe pas! Check! Oui, check! Qu'est-ce que vous diriez de venir rejoindre mon équipe, travailler avec moi, tous les trois, la main dans la main? Mais moi, j'ai que des petits dans mon équipe. Le doyen, il a 7 ans. Comment tu veux que je gagne avec une équipe comme ça? Je faisais équipe avec un mec vraiment costaud. Il s'appelait Tortue. Comme une tortue. Pareil. Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe. Belle équipe. On n'est peut-être pas obligé aussi de tous y aller. Ah si, tout le monde, la fine équipe. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, ouais. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Pour ce qui est de l'équipe du film, je vais surtout développer la carrière du réalisateur donc Gilles Béat, donc qui est né en 1949 à Lille, qui a commencé par des petits rôles pour la télévision entre 1970 et 1974, et qui passe à la réalisation en 1978 avec le drame Arrow, qui raconte donc l'histoire du trauma que traverse un soldat qui revient de la Première Guerre mondiale dans son village. Les acteurs donc sont Laurent Mallet, Jean-Claude Bouillon, Valérie Mérès. Il enchaîne donc en 1980 avec son second film, le drame Putain d'histoire d'amour, avec Richard Berry qui fera 63 000 entrées, avec donc aussi Ariel Dombal, Jean-Pierre Castaldi, Christophe Lambert. Et donc Richard Berry y interprète Paul, un joueur de casino qui a été quitté par sa femme et qui part à la recherche d'une stripteaseuse qui l'a volé. À titre d'anecdote, et sur la page Wikipédia donc, du film, il y a une critique de Télé 7 jours qui peut se résumer ainsi. Pas vraiment d'intrigue, mais beaucoup d'atmosphère. Subtil et original, on aime ou on déteste. Le troisième film donc sera Rue Barbare, qui fera 2 millions d'entrées, et qu'on va traiter dans cet épisode. Le quatrième film, je l'ai évoqué, c'est le thriller Urgence, avec Richard Berry, Bernard-Pierre Donadieu, Fanny Bastien, qui fera donc 840 000 entrées. Le film est toujours écrit avec Vautrin au scénario, et j'ai déjà évoqué le résumé du film, donc je n'y reviens pas. Le cinquième film est un film d'aventure de 1986, un film franco-argentin qui fera quasiment 1,5 million d'entrées, où Béa retrouve Bernard Giraudot, et c'est donc Les Longs Manteaux, basé sur un roman de Georges Arnaud, celui qui a écrit aussi Le Salaire de la Peur, et un film donc où on retrouve aussi Robert Charlebois par exemple. Et ça nous narre donc l'aventure de Loïc Murat, joué par Bernard Giraudot, qui se trouve en Bolivie, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et qui va aider la fille d'un opposant à la dictature, et on va être à la frontière argentino-bolivienne. Voilà. Par contre, les choses se gâtent pour le sixième métrage, Charlie Dingo, donc toujours écrit avec Vautrin, et avec donc au générique Guy Marchand, Caroline Cellier, Laurent Mallet, Nils Arestrup, qui a pour sujet le récit donc du marin Charlie qui harcèle son ex-femme, qui est remariée à un certain William, donc joué par Nils Arestrup. Et ce film est un bide très sévère, D'après les chiffres que j'ai pu recueillir, il fait 9000 entrées la première semaine et BA aura du mal à s'en relever. Ce qui fait qu'il va s'orienter pendant 2 années vers la télévision, entre 88 et 89. Par exemple, il fera un épisode de Ray Bradbury présente. L'épisode, c'est Tyrannosaurus Rex avec Daniel Secaldi et Chris Campion. Il fera aussi un épisode de la version télé de la série noire. L'épisode s'appelle donc Le Manteau de Saint-Martin, avec Jean-Claude Dauphin, Corinne Dacla, qui est dans Rue Barbare, Robert Derry. Aussi un épisode de la série Haute Tension, voilà. Il s'intéressera aussi à la réalisation d'épisodes pour la série Copland avec Philippe Carrois et Pierre Dux. Et donc l'année 1990 voit le retour de Gilles Béat derrière une caméra pour Dancing Machine, un film qu'on a déjà évoqué également dans l'épisode bonus XXL sur la carrière d'Alain Delon dans les années 90. Donc ce film avec Alain Delon, Claude Brasseur, qui va faire donc 583 000 entrées, et où clairement il n'est pas le maître à bord, puisqu'on avait vu que c'était un projet avec plusieurs personnes à son bord, Delon lui-même, Paul Lussulitzer, Patrick Dupont, Marc Serron et Didier Decoin. Donc le succès relatif ou l'échec relatif de ce film fait que la carrière de Gilles Béat commence à être menacée, même si on a vu là aussi que la période du début des années 90 pour le cinéma n'est pas une période très, très gaie et du fait de la baisse de la fréquentation des spectateurs. Il enchaîne pourtant l'année suivante, en 1991, avec le drame Le Vent de la Toussaint, où il retrouve donc Étienne Chico, qui était déjà dans Dancing Machine. Il y a aussi Patrick Bouchité et Eva Darlan. Ça nous raconte donc l'histoire d'un médecin vétéran de la guerre d'Indochine qui s'est expatrié en Kabylie, où il est partagé entre son amour pour la sœur d'un groupe de rebelles et son devoir de patriote. Par contre, en recherchant le nombre d'entrées, j'ai trouvé zéro trace pour ce qui est du box-office. Donc ça n'a pas dû être un grand succès. C'est à partir de là que la carrière de Gilles Béat s'oriente définitivement vers la télévision, d'abord vers les téléfilms. Alors, je les cite rapidement, voilà, Le Dernier Mot avec Jacques Weber en 91, Le Jour du Serpent avec Jean-Claude Bouillon, Les Kilos en Trop avec Marc Jolivet, Une Tempête avec Fanny Cottençon, Maxime Leroux, L'Immeuble, toujours avec Fanny Cottençon, La Femme Dangereuse avec Christine Boisson de Rue Barbare justement, L'Auberge de la Jamaïque, tiré d'un roman de Daphné du Maurier dont Hitchcock avait tiré un film également, Le Cavalier des Nuages avec Richard Berry et Nadia Farès, et enfin Une Mère en Colère avec Carmen Mora. Donc tous ces téléfilms couvrent la période 1991-1996. Puis donc on entre dans la période des séries télé avec des épisodes donc réalisés pour Inspecteur Moretti, 2 épisodes de Julie Lescaut, 1 épisode d'Une Femme d'Honneur, 2 épisodes de Commissariat Bastille avec Smaïne, 2 épisodes de Navarro, 5 épisodes de Commissaire Moulin, 9 épisodes de Cordier jugé flic, 4 épisodes de Paris Enquête Criminelle, c'était entre guillemets les experts à la française avec Vincent Pérez. 3 épisodes de Père et Mère, où il retrouve donc Christian Roth, qui est aussi dans Rue Barbare, qui joue le rôle de Monocouille, un des membres de la bande de Hagen, joué par Donadieu. 1 épisode de Commissaire Cordier, 2 épisodes de RIS Police Scientifique. Et donc 2009 voit le retour pour la dernière fois à l'heure où je parle derrière la caméra d'un film pour le cinéma, donc Diamant 13, un polar avec Gérard Depardieu, Asia Argento et Olivier Marchal. Ce film donc a du mal à rencontrer son public puisque on arrive à donc un box-office à 100 000 entrées. Voici donc pour Gilles Béat, c'est le principal point que je voulais développer. Je passe donc aussi vite que possible sur le reste, à savoir donc le co-scénariste Jean Vautrin ou Jean Herman. Et là par contre je vous renvoie à l'épisode de Canicule, où j'ai développé sa carrière. Hein. On avait vu qu'il avait eu à peu près, pas forcément 3 vies, mais 3 occupations, entre 58 et 75, une vie de réalisateur, puis à partir de 76, plutôt une vie de scénariste. Pour vous éviter de faire l'aller-retour avec l'épisode de Canicule, je dis donc qu'il a été scénariste du Grand Escogriffe, de Ficou Voyou, du Guignolo, de L'Entourloupe, de Garde à Vue, du Marginal, de Canicule, d'Urgence, de Bleu d'Enfer d'Yves Boisset et de Charlie Dingo par exemple. Et enfin une 3e vie d'écrivain, par contre sous le nom de Jean Vautrin. Alors que sa carrière de cinéaste et de scénariste, c'est plutôt Jean Herman. Pour ce qui est de l'acteur principal, on a donc Bernard Giraudot, donc 1947-2010, puisqu'il nous a hélas quitté à l'âge de 63 ans. On verra, et ce n'est pas pour faire du sensationnel, c'est pas le but du tout. Le but, c'est vraiment de se centrer sur le film, mais que Rue Barbare, à chaque coup j'ai pu faire la carrière de quelqu'un qui intervient, bah, beaucoup sont hélas décédés plus tôt que prévu. Je serais amené éventuellement à l'évoquer rapidement, mais c'est une sorte de, pas forcément de malédiction, hein, mais de choses un peu, comment dire, un peu atypiques, voilà. Alors rapidement pour ce qui est de Bernard Giraudot, donc il commence sa carrière plutôt en 1973 avec forcément des rôles de figuration ou de rôles vraiment secondaires. Alors on peut citer par exemple sa participation au polar italien La Poursuite Implacable de Sergio Solima avec Oliver Reed et Fabio Testi, Il y a aussi sa présence dans Deux hommes dans la ville de José Giovanni avec Gabin et Delon. Delon qui le reprendra pour Le Gitan, alors toujours de José Giovanni. Il participe également à Bilitis de David Hamilton, au Juge Fayard de Boissé, et vraiment commence à prendre du galon en 1979 avec sa participation dans le film Et la tendresse bordel de Patrick Schulman. Également, il va occuper un véritable second rôle dans Le Toubib avec Delon et Véronique Jeannot, Le Toubib donc de Pierre Garnier de Fer. Il participe aussi en 1980 à La Boum, de Claude Pinotto. En 1981, il tête d'affiche de Viens chez moi, j'habite chez une copine de Patrice Lecomte, de Croque la vie de Jean-Charles Tachéla avec Carole Laure et Brigitte Fossé, et aussi de Passion d'amour d'Ettore Scola. En 1982, il occupe un rôle important dans Le Grand Pardon d'Alexandre Acadie. Il est tête d'affiche donc dans Meurtre à domicile avec Annie Dupéré. Et enfin, juste avant Rue Barbare, il occupe là aussi un rôle important, le troisième rôle ici, donc du Ruffian, toujours de José Giovanni avec Lino Ventura et Claudia Cardinale. Puis donc 1984, Rue Barbare, L'année des Méduses qui le fait vraiment exploser, puis Les Spécialistes avec Gérard Lanvin qui le fait aussi occuper le sommet du box-office français à cette époque-là, Bras de fer avec Christophe Malavoy, Les loups entre eux, toujours de José Giovanni, Les longs manteaux que j'ai déjà évoqués, et puis peu à peu il va s'orienter vers des projets plus personnels, plus atypiques et qui lui tiennent vraiment à cœur. On peut penser par exemple à Poussière d'ange de Niemans, je l'avais évoqué pour le retour, c'était le réalisateur du retour de Casanova avec Delon, avec vraiment un côté vraiment des projets à peu près mystérieux. Après donc pour la suite de sa carrière, je cite rapidement Le fils préféré de Nicole Garcia en 1994, Ridicule de Patrice Lecomte en 1996, et donc juste dire aussi qu'il met fin à sa carrière au cinéma en 2004 avec Chuck D, un film notamment qui prend comme cadre la boxe. Pas que, mais la boxe surtout. Après, il ne faut pas mettre de côté non plus sa carrière au théâtre entre 1971 et 2005. Le fait aussi qu'il a fait énormément de téléfilms. On peut penser à Dans la tête d'un tueur en 2004. Quelques séries télé. Et surtout aussi, il a été réalisateur. Par exemple, pour le cinéma, c'est Les Caprices d'un fleuve en 1996. Pour la télé aussi, il a aussi réalisé L'Autre d'après André Chédid, donc là on était en 1991, et aussi des séries documentaires, Les Carnets de voyage de Bernard Giraudot, avec donc 4 épisodes entre 1992 et 2003. Donc une carrière bien remplie et quelqu'un qui est parti trop tôt, et notamment aussi il avait un grand rôle dans la prévention et la lutte contre le cancer. Il était atteint et voilà, il a fait beaucoup pour participer et sensibiliser l'opinion publique à ce sujet. Je passe donc rapidement à Bernard-Pierre Donadieu, 1949-2010. Il est parti quelques mois après Bernard Girondeau, quasiment six mois après. Voilà, ils se sont suivis. Donc lui, pareil, un cancer également, malheureusement. Je ne développe pas plus, c'est juste le fait qu'ils sont partis trop tôt. Donc il a commencé au théâtre dans l'équipe de Robert Hossein à Reims, en même temps qu'Adjani et Gérard de Sarthe dans la même équipe. J'allais dire, il a commencé comme tout le monde par des figurations. Les plus notables sont à partir de 1975, donc dans Docteur Françoise Gaillan avec Annie Girardot, dans Le Locataire de Polanski, dans Monsieur Klein de Joseph Losey avec Delon, dans Le Corps de mon ennemi de Henri Verneuil avec Belmondo, dans Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, dans Les uns et les autres de Lelouch, dans Le retour de Martin Guerre aussi, où il incarne justement Martin Guerre, et surtout ce qui va le faire exploser et justement faire remarquer aux yeux de la profession, c'est son rôle de l'inspecteur auxiliaire Farge dans Le Professionnel. Et bien sûr, voilà, on lui en veut tout le temps, puisque c'est lui qui tire sur Belmondo et qui le tue à la fin du film. Bon, ça, je suppose que je peux spoiler. Au bout de plus de 35 ans, je suppose que je peux m'autoriser cela. Et puis, donc, par la suite, il a au cinéma donc, les rôles comme ça, un peu de méchant. Juste avant Rue Barbare, donc, il y a L'Indique de Serge Leroy, je l'ai déjà évoqué, avec Daniel Auteuil et Thierry Lhermitte. Il participe également à La vie est un roman d'Alain René. À La mort de Mario Ricci, un film avec Gian Maria Volonté, à Liberty Belle de Pascal Canet, puis donc arrive Rue Barbare qui va lui permettre par la suite d'interpréter des rôles de méchant, de hors la loi, de subversif. Et on le verra dans le bonus qu'il aimait bien ce genre de rôle. Donc il y a Rue Barbare, Urgence, Les loups entre eux, il y a aussi des choses un peu. Enfin voilà, il y a quand même une belle filmographie, Max Mon Amour de Doshima, La Passion Béatrice de Tavernier, L'homme qui voulait savoir. Alors, qui est un film magnifique, si vous ne l'avez jamais vu, essayez de vous le procurer. C'est vraiment un trésor de films psychologiques, c'est une pépite. Si vous n'en aviez pas connaissance, voilà, c'est cadeau. Il y aura donc aussi Justinien Trouvé ou Le Bâtard de Dieu en 1993, donc de Fechner. Un peu moins glorieux, la participation à Versailles Torix, et enfin en 2008, sa dernière participation pour un film au cinéma, Faubourg 36 de Christophe Baratier. Il a aussi énormément tourné pour la télé, notamment beaucoup de films historiques, donc beaucoup de téléfilms pour le Yves Boisset de télé. Il a tourné dans Dreyfus, le rôle du colonel Henri. Il a aussi incarné Charlemagne, Napoléon, Jean Jaurès, Jean Monnet, et assez notable, le rôle de Salengro, de Roger Salengro, en 2009. Il tourne un dernier film pour la télé en 2010, c'est Jeanne de Verre pour Marcel Bluval. Et également, ce que je peux vous conseiller comme téléfilm avec lui, c'est À droite toute, qui a été tourné en 2008 et qui parle bien d'un mouvement d'extrême droite durant le Front Populaire. C'est très bien tourné, c'est assez passionnant. Deuxième cadeau. Et donc, il a eu aussi une activité de doubleur, notamment celui d'Harvey Keitel, de Michael Rooker, de Chas Palminteri et de Brendan Gleeson. Donc ensuite, je passe à Christine Boisson, donc née en 1956, qui incarne Manu Larouge dans le film. Pour Bernard Giraudot, c'était Chetman, notre héros principal, et Bernard Pernodadieu, c'était Hagen, le méchant principal, voilà, ou le grand méchant du film, même s'il faut relativiser cette appellation, on verra qu'il faut aller un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, dans la nuance. Alors pour Christine Boisson, elle commence en 73 par une carrière d'abord de mannequin, et puis quelques apparitions, notamment dans Emmanuel, avec Sylvia Christel, dans Le jeu avec le feu d'Alain Robrier, en 1975 elle a une figuration dans Flick Story, de Jacques Deray, avec Delon, puis elle a une phase théâtre avec son entrée au conservatoire, pour apprendre vraiment le métier d'actrice, et elle aura donc une carrière au théâtre entre 1975 et 2012, où elle interprétera des pièces de Victor Hugo, de Tchekhov, de Musset, de Shakespeare, de Racine, d'Harold Pinter, de Ionesco, de Tennessee Williams par exemple. Vraiment, elle se fait remarquer au cinéma en 1980 avec le film Extérieure nuit de Jacques Brel. C'est un premier rôle avec à ses côtés André Dussolier, Gérard Lanvin et Jean-Pierre Santier, qu'on retrouvera dans le rôle de Cobra dans Rue Barbare, où elle incarne Cora, une chauffeuse de taxi spéciale au passé trouble et qui a envie d'un nouveau départ et qui va embarquer principalement un homme, mais aussi l'ami de ce dernier, dans une sorte de grande nuit, et je ne dis pas la fin. Il y a aussi donc sa participation dans un rôle important en 1982 dans le film donc Identification d'une femme d'Antonioni, où elle croise donc Thomas Millian et Marcel Bozuffi. Elle a le premier rôle féminin, celle d'une comédienne dont Nicolo, donc, qui est joué par Thomas Millian, tombe amoureux après la disparition mystérieuse de l'aristocrate avec laquelle il avait une liaison. Et ce film est présenté au Festival de Cannes en 1982. En 1983, elle participe au film Liberté la nuit de Philippe Garrel avec Emmanuel Riva, qui raconte donc l'histoire d'un instituteur qui aide le FLN, puis qui a une relation avec une jeune pied noire. Mais par contre, c'est un film qui sortira en mai 84, donc après Rue Barbare. C'est là où elle en est quand Rue Barbare sort, et elle enchaînera par la suite pour le cinéma avec Le passage de René Manzor, que j'ai déjà évoqué là aussi pour l'épisode spécial sur Alain Delon, avec Radio Corbeau d'Yves Boisset, avec Claude Brasseur par exemple, avec Il y a des jours et des lunes de Claude Lelouch, Les marmottes d'Eli Chouraki, et elle participe aussi au film La vérité sur Charlie de Jonathan Demme, de 2002, avec notamment Mark Wahlberg et Tandy Newton, qui est un remake en fait de Charade, de Stanley Donen, un film donc de 63, un classique. Et enfin, les derniers efforts, façon de parler hein, bien sûr, elle participe donc au film Le bal des actrices en 2009, le film de Mai Wen, Une affaire d'état aussi, d'Éric Valette, et enfin à la série Reporter, une série de Canal+, entre 2007 et 2009. Souvent c'est ça, si on lui demande des rôles de femmes fortes, des femmes qui peuvent faire changer les choses, qui peuvent influer sur le destin ou sur le comportement des autres. J'enchaîne avec Corinne Dacla, donc née en 1963, qui commence donc à l'âge de 14 ans donc dans Diabolomante, puis en 82 dans Le grand frère de Francis Giraud avec Gérard Depardieu et Jean Rochefort. Elle joue aussi le rôle d'Éponine dans Les Misérables de Robert Hossein, c'est la version avec Clint Ventura. Elle fait la figuration dans Enigma de Jeannot Schwark, un thriller avec Martin Sheen, Brigitte Fossé, Sam Neill ou encore Michael Lonsdale. Puis, donc, enchaîne sur Rue Barbare. Par la suite, elle aura donc un rôle dans le film Désordre en 1986, donc le film d'Olivier Assayas, où apparaît Chen Dao par exemple, dans La Puritaine de Jacques Doyon, où elle peut croiser Michel Piccoli, Sabine Azéma ou encore Sandrine Bonner. Elle est aussi du film donc Héroïne de Paul Myersberg avec Oliver Reed et Xavier Deluc, un thriller inspiré de l'affaire Patricia Hearst. Enfin, en 1989, elle incarne l'ex-femme de Patrick Bruel dans le film donc L'Union Sacrée d'Alexandre Arcadi. Puis on constate qu'elle est absente du cinéma dans les années 90. Elle revient en 2000 pour le film L'Envol de Steve Suiza, un film avec Isabelle Carré. Elle a incarné surtout à la télé L'Avocate, donc c'est une série entre 1995 et 1999. et on la voit une dernière fois en 2003 pour un épisode de Julie Lescaut. Juste pour dire aussi un petit point pub, autant, enfin, selon l'écho que je peux avoir, après ça dépend quand vous croisez la route de ce podcast, mais Corinne Daclat a arrêté sa carrière d'actrice et tient désormais, j'espère que c'est encore le cas, une librairie pour enfants. Et en effet, en cherchant un petit peu, donc c'est un peu l'instant pub, mais l'instant pub vraiment de bon cœur, c'est donc la librairie à Paris, donc Les Enfants sur le Toit. Et quand j'avais cherché, enfin c'était pour l'année 2017, j'étais tombé sur un article où elle avait quand même quelques difficultés et avait été soutenue par le public, entre guillemets, par le public ou la clientèle. À la limite, c'est ça aussi, c'est encore éventuellement un appel si vous avez un livre pour enfants ou pensez à la librairie, donc Les Enfants sur le Toit de Corinne Daclat, qui joue donc le rôle dans Rue Barbare de la femme de Bernard Giraudot, c'est-à-dire Eddie ou Edith. Ensuite, j'enchaîne rapidement sur Jean-Pierre Calfon, donc né en 1938, qui a été déjà évoqué rapidement dans Canicule, qui donc a fait du théâtre entre 1959 et 2014, des pièces d'Ibsen, de Shakespeare, de Pinter et de Sartre. Donc il va faire le rôle de Paul, le frère de Tietman dans Rue Barbare, et notamment le rôle d'un ancien chanteur, on va dire ça, qui a eu son petit succès, Rocky Malone, voilà. Et juste pour dire que dans la vraie vie, au milieu des années 70, Jean-Pierre Calfon a eu un groupe de punk, donc le Calfon Rock Show, voilà. Donc il peut s'y retrouver. Alors rapidement pour sa carrière, comment ça s'est passé? Elle débute en 59 par des figurations, puis peu à peu, il participe par exemple à Anne Lelouch, en 64, Une fille et des fusils. En 69, il participe au week-end de Jean-Luc Godard, à la bande à Bono, avec Jacques Brel par exemple, à L'amour fou de Rivette, en 72 au film La Vallée de Barbet Schroeder, en 79 à La guerre des polices de Robin Davis avec Claude Brasseur, Claude Rich et Marlène Jobert, en 1980 on le retrouve chez Yves Boisset dans La femme flic avec Miu Miu. En 1981, c'est là vraiment où il va multiplier les second rôles assez marquants et dans des films assez prestigieux pour cette année, à savoir donc pour l'année 1981, Une étrange affaire de Pierre Gagné de Fer avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin et Nathalie Baye, dans Les uns et les autres de Claude Lelouch, dans 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil avec Patrick Devers, dans E4, maîtresse de la nuit de Daniel Schmid avec Bernard Giraudot, dans le rôle titre, dans Vivement Dimanche de François Truffaut, dans Liberty Belle où il y a déjà Bernard Pernonadieu, puis donc arrive Rue Barbare, et on va dire qu'on le connaît surtout pour des rôles de personnages troubles, donc encore une fois dans Canicule, encore une fois je le conseille dans Total Western d'Éric Rochant, qui est un film de 2000, dans Le Déclic en 1985, tiré de Milo Manara, et qui est réalisé bizarrement, c'est ce que j'ai découvert, par Jean-Louis Richard, qui était le colonel Martin dans Le Professionnel. Par rapport au sujet du film, c'est un peu spécial de le retrouver à la réalisation du Déclic. Enfin, je vous laisse, si vous ne le connaissez pas, je vous laisse découvrir le sujet du film, tout au moins. Et on le retrouve aussi, donc, Jean-Pierre Calfon dans Le Cri du Hibou de Chabrol. Alors, il faut citer voilà, le Jour et la Nuit de Bernard-Henri Lévy. Des choses pas très heureuses, quoi. La participation à Gamer en 2001, un film sur le film français sur le jeu vidéo, mais qui est pas très voilà. Bon, bah, je vous laisse voir aussi. Après, c'est subjectif, mais on le retrouve dans des choses un peu plus glorieuses, comme J'ai toujours rêvé d'être un gangster de Samuel Benchetrit en 2008, et surtout dans la série Mafiosa où il joue le rôle de Toussaint entre 2008 et 2013. Je poursuis avec Michel Auclair qui joue le rôle du père de Daniel Tietman, donc Georges. Alors de son vrai nom, Vladimir Vujovic, il est né à Koblenz en Allemagne, d'une mère française et d'un père serbe. Il nous a quittés donc à 65 ans d'une hémorragie cérébrale. Ses dates, c'est 1922-1988. Alors au départ, il se destine à la médecine, puis il s'oriente vers le conservatoire. D'ailleurs, il fera du théâtre entre 1941 et 1979, voilà, avec des pièces de Claudel, de Shakespeare, d'Arthur Miller, de Racine, de Molière, d'Ibsen ou encore de Victor Hugo. Donc merci Wikipédia. Pour le cinéma, c'est vraiment l'après-guerre où il débute, avec sa participation par exemple au film Les Malheurs de Sophie, au film Les Maudits de René Clément, à Manon de Clouzot, donc ça c'est 1948, à Justice est faite d'André Cayat, donc là c'est 1950, puis assez rapidement, si j'évoque les réalisateurs avec qui il a tourné, donc dans les années 50, il a tourné avec Julien Duvivier, Henri Decoin, dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, dans Drôle de frimousse de Stanley Donen, et par exemple avec Gabin, dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy. Dans les années 60, c'est avec Molinaro, Jacques Deray, André Hunebelle ou encore Gilles Grangier qui le tourne. Dans les 70, c'est avec Jean-Paul Rapneau pour Les Mariés de l'an 2, par exemple, avec Belmondo. Dans Le Chacal de Zinman, il tourne aussi dans 7 morts sur ordonnance, dans Le Juge Fayard, dans Le Coup de Sirocco, et aussi dans Le Toubib avec Delon et Giraudeau. Il a toujours fait partie à peu près, on va dire, des gueules, on va dire ça, qui peuplaient l'écran, toujours à peu près en second rôle, mais avec toujours autant de professionnalisme et avec toujours le plaisir de le retrouver. Et donc dans les années 80, on le retrouve dans 3 hommes à abattre de Doré avec Delon, dans Pour la peau d'un flic avec Delon encore, dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann, dans 1000 milliards de dollars, dans Enigma de Squark, où il y avait déjà Corinne Dacla qui faisait de la figuration, dans Le bon plaisir de Francis Giraud avec le trio Catherine Deneuve, Michel Serrault, Jean-Louis Trintignant, et puis donc 2 semaines plus tard sort Rue Barbare, qui sera quasiment son antépénultième film, puisqu'il y aura encore 2 métrages après Rue Barbare et 2 téléfilms. Voici pour les principaux acteurs que je tenais à développer. Plus rapidement, donc les seconds rôles qui sont peut-être un peu moins connus et où vous apprendrez peut-être des choses. On a fait donc le frère, le père, la femme de Chetman. Il nous reste la belle-sœur, donc la femme de Paul, la femme de Jean-Pierre Calfon, qui dans le film s'appelle donc Carla et qui est jouée par Nathalie Courval, qui est née en 1942 et qui est en fait la femme de Gilles Béat, qui a fait principalement sa carrière dans la comédie dans les années 70, avec donc par exemple un passage, alors c'est souvent des seconds rôles ou de la figuration. Alors par exemple, si on prend les titres qui vous évoqueront certainement des souvenirs, on a donc le film de Lautner, Quelques messieurs trop tranquilles, Gérard Pires avec Elle court la banlieue, Kayat avec Il n'y a pas de fumée sans feu, un film avec Mireille Darc, Annie Girardot, Michel Bouquet, Bernard Fresson. Un peu moins glorieux, et là ça rappelle vraiment une époque. Je fais un aparté rapide sur si vous avez donc le film au TV, je vous conseille de voir dans les documentaires ou dans le pass les interventions de Christophe Beer sur les comédies navrantes ou désolantes. Et voilà, c'est assez instructif. Donc on a par exemple Le Soldat du Rock, Ça va être ta fête. Un bon film donc avec Michel Galabru forcément, Roger Carrel, Pierre Tornade, Par ici la monnaie de Balducci avec Galabru encore, Henri Guibert, Robert Castel, Patrick Topalov, Attention les yeux de Gérard Pires qui l'a repris, où elle joue le rôle de la femme de Claude Brasseur. On trouve aussi Robert Castel, Guy Marchand, André Pousse, Jean-Pierre Darras et Anémone. Elle participe à Tendre Dracula, avec quand même Peter Cushing, Bernard Ménez, Miu Miu et Julien Guillaumard, donc une production Claude Berry et Fechner. Dans Catherine et compagnie, de Michel Boiron, avec Jane Birkin, Patrick Devers et Jean-Claude Brialy. Et enfin, on s'aperçoit qu'à partir de 78, où son mari passe à la réalisation, elle va suivre son mari sur 3 films. Sur Arrow, son premier effort, que j'ai déjà évoqué. Puis donc, je peux évoquer rapidement le Cause toujours tu m'intéresses d'Edouard Molinaro avec Jean-Pierre Marielle et Annie Girardot. 84, donc c'est sa participation à Rue Barbare, plus un an après celle dans Urgence, qui marque un petit peu un tournant dramatique. 87, elle participe à Association de malfaiteurs de Claude Zidi, à Dernier été à Tanger d'Arcadie. Et enfin, en 91, Toujours seule, un film avec Annie Girardot. Puis après, elle s'oriente vers la télé dans les années 90. Et enfin, le théâtre de boulevard, avec notamment L'amour foot de Robert Lamoureux ou Un vrai bonheur de Didier Caron. Donc encore une fois, dans la carrière de Nathalie Courval, Rue Barbare représente un petit peu une parenthèse plus sérieuse, plus dramatique. Toujours dans les seconds rôles, il y a le bras droit d'Aguen, que Hugo ou Cobra, qui est donc joué par Jean-Pierre Sentier, qui nous a quittés là ceci, à l'âge de 55 ans, donc un cancer, 1940-1995, qui était assez polymorphe dans son art, puisqu'il a touché à la peinture, au bâtiment, au théâtre, au one-man show. Alors théâtre notamment entre 1969 et 1994, mais il en a fait surtout dans les années 70. Il a participé à des films tels que ceux de Laurent Henneman, comme La Question, produit par Tavernier donc en 1977, toujours de Laurent Henneman, Le Mort aux Dents, donc un film de 79, avec Jacques Dutronc, avec Michel Piccoli, Michel Galabru, Nicole Garcia. Il participe, comme je l'ai évoqué, à Extérieur Nuit de Jacques Brel, avec Christine Boisson, au film Un assassin qui passe de Michel Vianney, à Debout les crabes, La mer monte, mais qui est en fait un retour d'ascenseur avec le réalisateur de ce film-là, puisque lui-même, Jean-Pierre Sentier, a réalisé 3 films, et où donc justement le réalisateur de Debout les crabes, La mer monte, a participé en tant qu'acteur, donc c'est un retour d'ascenseur. Il a participé donc aussi au Juge, donc de Philippe Lefebvre, à Poussière d'ange en 1987 avec Bernard Giraudot, à la maison assassinée de Georges Lautner avec Patrick Bruel en 1988, à Drôle d'endroit pour une rencontre de François Dupeyron avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, donc là on est en 88. Il a également un rôle dans Camille Claudel, et il va beaucoup naviguer aussi avec des téléfilms. Et à noter qu'il obtient le Molière du meilleur second rôle en 1993 pour son rôle dans L'Église, tiré de Céline. Et comme je vous ai dit, il a réalisé 3 films qui montrent un petit peu son côté déjanté ou spécial. Voilà, donc par exemple, il y a le film Le Jardinier qui date de 1980 avec Maurice Benichou et Jean-Roger Milhaud. Le film aussi le Bruit court en 1983. Et enfin, en 1991, son dernier film, Le Coup suprême, où Giraudot participe et aussi Paul Crochet. Dernier acteur que j'évoque, c'est Pierre Frag, qui joue le rôle de Tempo, ou Benvenuto Tamporini, alors qui est né en 1929, qui est mort en 1986 à 57 ans, encore un cancer, l'œsophage. Et il fait donc de la figuration d'abord chez Louis Malle, dès le film d'études de ce dernier, qui s'appelle Crézéologie. Il participe aussi voilà, à Ascenseur pour l'échafaud, aux Amants, enfin les Amants. Il tourne chez Robert Enrico, chez José Giovanni, chez Alain Corneau, chez Chabrol, chez Bertrand Blier, chez Lozé, chez Patrice Chéreau, chez Gérard Jugnot ou Claude Zidi. Il a fait aussi quelques Maigret pour la télé entre 77 et 83 et beaucoup de théâtre de 1957 à sa mort en 1986. Voici pour ce qui est des acteurs. Je passe rapidement aussi sur les producteurs du film qui sont deux. Il y a Jean Hardy qui a fait en fait 3 productions dans sa vie entre 84 et 85, donc Rue Barbare. Mais ensuite il y aura donc Stress, un film de Jean-Louis Bertuccelli avec Carole Laure, avec Guy Marchand et André Dussolier. Et Signé Charlotte, qui sera donc le seul film pour le cinéma de la sœur d'Isabelle Huppert, qui d'ailleurs joue dedans, donc Caroline Huppert, avec Neil Harold Strip également. Et juste avant, il avait signé les scénarios de Flic de choc, un film de 1983 de Jean-Pierre Dezania, avec Jean-Luc Moreau et Chantal Nobel, et aussi celui du film érotique Aphrodite avec Valérie Caprisky. Ça, c'est juste avant Rue Barbare pour les deux derniers que je viens de citer. Dans la production, il est assisté d'Adolphe Viezzi, donc 1944-1990, mort à 46 ans, qui a une petite vingtaine de productions à son actif, entre 67 et 90. Par exemple, on peut citer L'Argent des Autres, avec Jean-Luc Trintignant, Catherine Deneuve, Michel Serrault et Claude Brasseur, en 78. Un Si Joli Village avec Victor Lanoux et Jean Carmé, donc ça c'est 79. Coup de torchon de Tavernier en 81. Rue Barbare forcément. Stress, et Signé Charlotte que je viens d'évoquer. Les Longs Manteaux, encore une fois de Gilles Béat, La Passion Béatrice de Tavernier, et enfin la dernière production, ça sera Daddy Nostalgie, toujours de Tavernier, avec Dick Bogart et Jane Birkin, en 90. Rapidement, pour le directeur de la photo, c'est Jean-François Romain, qui est né en 1943, qui est toujours actif, qui a plus de 80 crédits à son actif, que ce soit aussi bien du long-métrage, du court-métrage, du documentaire. Il a fait la photo, donc, par exemple, des Bronzés, du Coup de Sirocco, de 37 de Le Matin, du Solitaire avec Belmondo, de Quelques jours avec moi de Claude Sauté, d'IP5, de Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sauté, du Bossu de Broca, de Belphégor, du Prix à payer. Et ces dernières années, il est beaucoup occupé avec les films de Daniel Auteuil, à savoir donc La fille du puisatier en 2011, puis Fanny et Marius, et le dernier qui va sortir tiré d'une pièce de Florence Zeller, Amoureux de ma femme, avec donc Gérard Depardieu, Auteuil, comme je l'ai dit, et Sandrine Kiberlin. Pour le montage, c'est Geneviève Vory qui a 27 films à son actif. Elle a donc monté en 1960 Le Trou de Jacques Becker, Carambolage en 1963 de Marcel Bluval avec Briali, Michel Serrault, Louis de Funès. Et puis finalement, à partir du moment où Gilles Béat a commencé le cinéma, donc 1978 avec Arrow, elle a quasiment monté que ce qu'a fait Gilles Béat, y compris même pour la télé, notamment l'épisode de Ray Bradbury. Et une chose pour montrer que Béat est assez fidèle en amitié, c'est pour les costumes par exemple, c'est Dominique Combel qui s'en charge, et en fait elle a fait quasiment toute la filmographie de Béat, même jusqu'à Diamant 13. Elle a fait un écart juste par exemple avec les costumes de Bonjour l'Angoisse en 1988 de Pierre Tchernia et ceux de L'Union Sacrée d'Arcadie. Et enfin donc les bagarres ou les scènes de combat, les cascades, elles sont réglées par Daniel Vérité qui a été cascadeur ou coordonnateur des cascades sur plus de 350 films, et il a commencé avec Copland sauf sa peau, donc c'est 1968, et il est encore actif, donc c'est vraiment une longue expérience, ça fait donc 50 ans qu'il est dans le métier. Et je termine, enfin, j'ai fait plus long que prévu, j'en suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à évoquer. Je termine juste sur l'écrivain David Goodis, qui est donc américain, qui paraît qu'il est décédé à 50 ans, donc entre ces dates, c'est 1917-1967. Sa ville, en fait, c'est Philadelphie, en Pennsylvanie, et on suppose justement que Rue Barbare se passe dans une ville de Pennsylvanie. Comme ceux qui débutent, ils peuvent avoir parfois un peu de mal. Il va connaître vraiment, lorsqu'il va aborder la trentaine, le succès assez rapide avec le roman Cauchemar, donc en 1946, qui va être adapté l'année suivante sous le titre Les Passagers de la Nuit avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Et donc à partir de ce film, il signe un contrat de 6 ans avec la Warner, mais qui ne va aboutir sur aucune transformation. Ça ne dépassera pas le seuil de la rédaction. Côté privé, il divorce, il retourne à Philadelphie chez ses parents pour s'occuper d'eux, ainsi que de son frère qui est schizophrène, plus lui qui a un problème avec l'alcoolisme. Et en fait, c'est la France qui va lui redonner un peu de crédit et un peu de succès, avec notamment l'adaptation de Tirer sur le pianiste par Truffaut en 1960. Et finalement, la France va faire perdurer son œuvre, même après sa mort. On peut penser donc au film Le Casse d'Henri Vernet avec Jean-Paul Belmondo en 71. En 72, au film La course du lièvre à travers les champs de René Clément, donc une adaptation par Jacques Rizot. Et dans le film, donc, il y a Jean-Luc Trintignant, Robert Ryan et Léa Massari. Et juste avant Rue Barbare, ce qui a incité Béa à s'intéresser à Goodies, c'est l'adaptation par Benex de La Lune dans le Caniveau, donc là on est en 1983, et il y aura aussi Descente aux Enfers avec, en 86, avec Claude Brasseur et Sophie Marceau, et enfin Sans Espoir de Retour de Samuel Fuller, donc en 1989, adaptation de Jacques Brel, voilà. Puis depuis, plus rien, juste à signaler que donc son œuvre a eu vraiment un second souffle par la France, et adaptation qu'il y a eu de ses films dans l'Hexagone. Voici donc pour ce qui était de l'équipe du film. J'ai fait un peu plus long que prévu, mais j'espère avoir mis en relation un petit peu ces personnes et voir d'où elles venaient. Et c'est aussi pour montrer que c'est un film de bande et un film de gueule aussi, et des gens qui viennent parfois d'horizons divers. Bref, j'ai essayé de dégager ce qui était intéressant pour chacun d'entre eux. Et on passe sans tarder au déroulé du film, après justement le générique d'entrée du film. We'll be right back. Après ce générique, nous avons le droit à un panneau disant « Un homme, Daniel Chetman, avait décidé de ne plus jamais s'occuper des affaires des autres. Pourtant, ce soir-là, et trois petits points. » La première scène du film nous fait voir une rue peu, voire pas éclairée, la rue d'un quartier populaire. On peut distinguer le café Au Bon Accueil, qui fait le coin. Puis on distingue une femme enceinte qui se balade avec ses sacs de course à la main. Elle a une démarche hâtive, ce sont les talons que vous pouvez entendre dans le début du générique. On et elle voient une main dépassant des panneaux d'un terrain vague avec une petite voix appelant à l'aide. La femme enceinte voit donc la main et s'en détourne rapidement, l'air inquiet. De même, une voiture de police passe à proximité de la victime sans s'arrêter pour autant. En contre-champ, dans le sens opposé, un masque de soudeur à la main, arrive un homme qui va s'avérer être le héros du film, Daniel Chetman, joué par Bernard Giraudot. Il est aussi interpellé par la petite voix pour qu'il lui vienne en aide. Lui est beaucoup plus hésitant dans son refus de prime abord. Il dépasse la petite voix, il lui fait donc dos désormais, puis donc on a le premier plan du film sur son visage, qui est celui de quelqu'un qui regarde d'abord devant lui pour voir si personne ne regarde. Il jette un coup d'œil vers la victime, puis devant lui à nouveau, et s'avance vers la jeune femme au sol. Il écarte les panneaux du terrain vague, extrait la blessée de l'endroit où on l'avait laissée, et la rétablit en position debout. On s'aperçoit qu'elle est d'origine asiatique. Les premiers mots qu'elle dit, c'est qu'elle a voulu couper par le chantier, puis qu'elle est tombée. Il lui demande si elle est du quartier, elle dit oui, mais qu'elle n'est arrivée que depuis une semaine. D'où le fait qu'il ne la connaisse pas, lui, dont on saura qu'il a passé toute sa vie dans ce quartier. En la relevant, on et il aperçoit que sa robe est grande ouverte. Au coin de la rue, une sorte de voiture-taxi les observe. Chetman sait que désormais il est surveillé. Pour ma part, en ayant fait un zoom sur la voiture, on peut imaginer que Hagen, donc le principal méchant du film qui sera joué par Bernard-Pierre Donadieu, se trouve sur la banquette arrière, comme le costume blanc que l'on observe laisse supposer. On revient donc à Chetman qui allume une cigarette, qui demande à la victime d'origine asiatique si elle habite loin. Elle dit qu'elle réside chez son oncle qui tient le restaurant Wong. Chetman connaît ce restaurant, c'est ce qu'il dit, je le connais par cœur. Il va dire à la jeune femme, maintenant que j'ai fait la connerie de m'arrêter, il y a deux solutions. Soit je te plante là et tu te débrouilles, soit je me file gaiement dans les emmerdes. Il va pour partir, se retourne et dit, bah viens, amène-toi cauchemar d'Asie. C'est la position que le personnage de Chetman ou de Chet va avoir beaucoup durant le film, à savoir une sorte de refus quasiment par réflexe, puis le fait de revenir sur sa décision et d'aller du côté résigné dans le sens où il veut continuer à faire le bien autant qu'il le peut sans que ça lui attire d'ennui. Mais on va voir que c'est déjà cet événement qui installe le personnage, qui installe la situation et qui va être le point de départ de son malheur ou du twist de sa vie. Après cette phrase, la voiture d'Hagen rallume ses phares et redémarre en faisant marche arrière. Après quelques pas, la femme dit qu'elle peut rentrer seule. Chetman lui donne un conseil à cette occasion pour que son oncle ne se rende pas compte qu'elle a été agressée. Il revient ensuite à son point de départ pour rentrer chez lui. Donc c'est ainsi que s'achève la première scène du film. Si je prends l'ajout qu'apporte le roman de Godis, on peut voir première chose que la rue ou la ville, ce serait une ville de Pennsylvanie. Dans le roman, elle a un nom. Ruxton Street, Ruxton R-U-X-T-O-N, et le roman donc commence par la chinoise qui lutte pour se rétablir et revenir à la réalité. Elle a mal au bras gauche, dont elle se demande s'il n'est pas cassé, on verra après qu'il sera contusionné, et elle ressent une autre douleur, qui est, on peut le supposer, celle du viol qu'elle vient de subir, et qui lui donne une envie de mort qu'elle va combattre. Puis arrive donc le personnage de Chet, qui dans le roman est un homme qui a les cheveux blond clair, qui a les yeux gris, dont le diminutif sera aussi Chet, mais autant dans le film c'est Daniel Chetman, autant dans le roman c'est Chester, donc diminutif Chet Lawrence, donc Chester Lawrence. Pour plus de simplicité, j'appellerai Chet les deux. Alors il va arriver tête baissée, il avance à grandes enjambées, lente et lasse, qui représente un peu son caractère et la vision qu'il a de la vie, le côté fatigue que lui apporte ce quartier qu'il ne peut pas quitter. Au départ, il prend la jeune asiatique pour une soularde. Il n'est donc pas parti pour la secourir, il va donc la dépasser puis revenir sur ses pas car il est intrigué par le désespoir sourd qu'elle a dans son regard. Il lui demande donc ce qu'il s'est passé. Elle dit donc qu'elle a été attaquée, il remarque ses blessures, le fait qu'elle ne soit pas ivre, il la relève, s'aperçoit qu'elle pleure, mais avec une retenue, une dignité et un orgueil qui amènent le respect de Chet. Le fait qu'elle soit tout en contrôle lui amène de l'intérêt. Il va pour repartir, mais lui demande quand même si elle habite dans le coin. Comme dans le film, elle est dans le quartier depuis une semaine, chez son oncle, mais c'est non pas un restaurateur, c'est un blanchisseur. On verra que pour le film, ce sera un raccourci scénaristique. J'en parle simplement maintenant, mais j'y reviendrai plus tard. Chet propose donc d'aller prévenir son oncle, mais elle ne veut pas qu'il soit au courant. Alors Chet lui donne le même conseil que dans le film, d'essayer de masquer ses blessures, et aussi d'aller voir un docteur. Elle refuse, en voyant l'état de sa jupe, qui lui fait remonter à l'esprit le souvenir du viol. Et le souvenir premier qui lui vient à l'esprit, c'est une main qu'elle s'est vue mise au travers de la bouche, avec les paroles « Allons, sois gentil maintenant, sois gentil ». Une nouvelle fois, Chet va pour repartir, il pense intérieurement « Continue, ne t'arrête pas », et il retourne dans le rôle de spectateur qu'il semble s'être fixé depuis longtemps. Donc là, je cite une phrase du roman « Cette rue s'imbibée de sang humain presque chaque nuit, et depuis très longtemps, il avait décidé que ce sang ne serait jamais le sien. » Voilà, fin de citation. Il se rappelle des fois où il avait subi une violence et où son sang avait été versé. Par exemple, lors de ses 15 ans, il avait voulu se séparer de deux bagarreurs et il s'était fait taillader et transpercer l'estomac, ce qui lui avait valu 3 mois d'hospitalisation. Maintenant, il applique une politique qu'on pourrait appeler de stricte neutralité vis-à-vis de la rue. Et quand je dis la rue, c'est la rue avec un R majuscule. Il y a vraiment une réification du béton pour en faire quelque chose de vivant. Elle est réifiée comme un serpent. D'un côté, elle dévore tous ceux qui la touchent, ou tous ceux qui y habitent. Et de l'autre, vu du ciel, vu comment elle est décrite, l'ensemble des rues forme en effet une forme de serpent. Et d'ailleurs, il y a des phrases qui reviennent souvent, notamment le « son ennemi, c'était la rue ». Et quand il y a la rue, c'est la rue avec un R majuscule. Et par la lecture du roman, on a assez vite des images qui viennent à l'esprit. Si je cite encore une phrase ou deux du roman de Godis, c'est sur le climat, avec cette phrase « Le pavé de Ruxton Street est toujours humide de crachats, de pu, d'urine, de vin répandu, de whisky et de déjections diverses. Les eaux de la rue sont toujours des eaux grasses. » Voilà, fin de citation. Donc cette rue, elle nous est décrite comme étant constituée de cabanes en bois, d'immeubles délabrés, de fenêtres brisées, de portes disjointes, de 3 salles de billard, 4 estaminets et d'innombrables hôtels misérables où coule l'alcool de contrebande et où on joue aux jeux d'argent. Bref, si on conclut cette première scène, on voit que Chet va être confronté en permanence avec son paradoxe, d'un côté le fait que la rue ne le corromperait plus jamais, mais qu'il ne pourrait jamais s'en évader. Il est décrit comme un funambule sur une corde sans fin au-dessus du serpent. Et en fait, des responsabilités le ramènent toujours à cette rue, avec des personnes qui sont dépendantes de lui. Sa mère qui était veuve, sa sœur qui était infirme, mais qui depuis sont mortes, donc on ne les retrouve pas dans le film. Par contre, là, ça permet un peu d'épaissir le personnage et de voir un peu plus son passé. Et justement, à la mort de cette famille proche, il pensait que c'était le moment de partir de cette rue, que c'était le signal. Puis, c'est ce qu'on va voir par la suite, il y a eu le mariage avec, dans le film c'est Edith, ou Eddie en pseudonyme, dans le roman ce sera Edna, E-D-N-A, qui nous est décrite comme une gamine maigre qui habitait à 3 maisons de chez lui. Et c'est ce qu'on verra, c'est-à-dire que quand dans le roman on voit qu'il n'a plus de famille, alors que dans le film il a un père et un frère, dans le roman, en fait, ce sont ses beaux-frères et beaux-pères. Voilà, c'est sa belle famille. Tandis que dans le film, c'est sa famille. Ça permet aussi de faire des raccourcis et d'adapter pour faire les choses plus rapidement. Bon. Mais je décrirai cette situation quand ces personnages arriveront. Voilà, je donnerai plus de détails. Par contre, là, on passe à la scène suivante. Pour la deuxième scène, on a affaire à un passage qui est écrit spécialement pour le film, ou du moins qui va être réadapté. Je vais y revenir sous peu. Donc on continue à poursuivre le chemin de Chet, qui se fait interpeller par celui qui s'appelle, si on prend son nom dans la totalité, Benvenuto Tamporini, mais son surnom c'est Tempo. Il est donc joué par Pierre Frag, dont j'ai décrit la carrière. Et donc Tempo se trouve en haut d'un échafaudage sur le terrain vague où a été retrouvée la blessée. Et ça donne lieu à ce dialogue entre Chetman et Tempo. J'ai tout vu, Chet. Cette fille-là, cette fille que t'as ramassée, la chinoise, ben c'est pas un accident, c'est un viol, c'est Hagen. Je veux pas le savoir. Et moi, Benvenuto Tamporini, pauvre imbécile, marchand de merde, et qu'on me crève les yeux, j'ai tout vu. Qu'est-ce que tu foutais là? Oh, bah, j'étais là, quoi. Pauvre con. Tu griffais du ciment sur le chantier, c'est ça? Ah, écoute, Chet, je crois qu'Hagen, il m'a vu. Et le taxi, c'était sûrement pour ça. Mais tu crains rien, Tempo. Qu'est-ce que t'es ici? Pas grand-chose, tu fais partie des meubles. Hagen, c'est que tu fermes ta gueule et moi, pareil. Pas pareil. Il y a eu cette histoire entre toi et lui. 10 ans. 10 ans que je m'occupe plus des affaires des autres. J'ai vu des types battus à mort. Assommés à coups de baramine. Et même s'ils appelaient au secours, je me suis toujours débiné. Vrai ou faux? Vrai. Alors écoute-moi, Tempo. Si demain Hagen a envie de te saigner dans le ruisseau, je bougerai pas d'un pouce. Tu entends? Je te jure que je bougerai pas. Ok. Ok, Chet. Seulement ce soir, il y a eu cette chinoise. Du taxi, t'as vu lui parler. Ça va raviver des souvenirs. Tout ce que j'ai fait, c'est de lui faire traverser la rue. Dix ans que tu viens de foutre en l'air. Mais elle serait pas piégée, va. Alors fais comme moi, et la trouille. C'est ce que veut Hagen. Une rue remplie de trouillards. Bah, c'est réussi. Justement. Tu sais pourquoi je me suis planqué? Tu sais pourquoi je ne suis pas redescendu de l'échelle? Pour qu'il sache bien que j'avais peur. Comme ça, tranquille, Temporini, tu comprends? Tranquille. Écoute-moi, fiston. Laisse croire à Hagen que t'as peur de lui. J'ai pas peur de Hagen. Et donc voilà, en 2 minutes de dialogue, sont installées en fait les règles de la rue. La principale de ces règles, c'est la peur. On voit que ce personnage de Hagen, qu'on a seulement distingué, et encore, il faut avoir vu le film peut-être pour faire le lien direct, mais ce personnage, pour l'instant, voilà, on ne connaît que son nom, et on voit la peur qu'il installe. Et l'idée, c'est que pour les personnes qu'il connaît, qu'il fréquente, et sur lesquelles il installe son pouvoir et sa domination depuis des années, la seule de ses règles, c'est de montrer qu'on a peur. De lui montrer qu'on a peur de lui, qu'on a peur des conséquences. C'est ce que dit à peu près Temporini. Mais après, la deuxième information de cette scène, c'est ce qu'en fait Chet. Le fait que ça fait 10 ans qu'il applique sa propre règle en intégrant celle de la rue. Et que le but, c'est de ne pas faire de remous. Et il pense qu'il va pouvoir même arranger cela avec Hagen, en disant qu'il n'y a rien eu de précis avec la jeune chinoise. Mais en même temps, on voit qu'il n'a pas peur d'Hagen. Et on comprend aussi qu'il y a un passif entre deux et qu'il reste en suspens. Et on voit aussi que Temporini est beaucoup plus pessimiste que Chetman sur les conséquences qu'aura eu le geste de Chetman. En deux scènes, on a donc deux enjeux pour ce personnage. Celui que j'ai décrit dans la première scène, avec le fait qu'il appartient à la rue, mais qu'il essaye le moins possible de se faire influencer par elle. Et de l'autre, deuxième enjeu, il a en lui-même un équilibre à faire entre sa tranquillité, qui est due à un côté un peu fataliste, sur le fait qu'il ne peut pas changer la rue, et en même temps sur sa dignité. Le fait qu'il dise ne pas avoir peur d'Hagen, ça montre déjà qu'il ne joue pas forcément tout à fait la règle du jeu. Il essaye de jouer sa propre règle, je répète encore une fois, en s'arrangeant avec sa conscience, et c'est justement quand sa conscience va être dérangée qu'il va devoir agir. Mais bon, ça c'est pour plus tard dans le film. On passe à la scène suivante. Si on en revient au film, Chetman rentre chez lui. On voit que quand il entre, le miroir est de travers, la vaisselle est en désordre, qu'il y a des taches de nourriture qui jonchent la nappe, que la porte de l'étagère ne ferme plus. Il va donc au congélateur, prendre un glaçon pour se l'appliquer sur la nuque et le visage, et le jette sur la table quand il voit le désordre laissé par sa belle famille. Si on regarde bien le décor, même la cage de l'oiseau est renversée. Chetman la remet en place et siffle avec le volatile. Et il semble même avoir une meilleure communication avec l'animal qu'avec les membres de son foyer. Par la suite, il se déshabille et part se doucher. En ouvrant le rideau, il voit que son père, George, qui est joué par Michel Auclair, se trouve justement dans la douche, qu'il est assis, habillé, comme s'il était puni. Il dit que son autre fils et que sa belle-fille l'ont encore battu. D'ailleurs, on entend en arrière-plan sonore la dite belle-fille qui l'insulte, notamment de drogué, de salace, car il aurait encore essayé d'avoir un rapport avec elle. En effet, dans le film, il semblera d'ailleurs tout le temps excité par la chaleur, par la promiscuité, par ce qu'on appellerait aujourd'hui les perturbateurs endocriniens. Là aussi, il aura une réplique qui reviendra assez souvent sur le fait qu'il ne se sent pas à sa place dans cet environnement, et pourtant, il n'arrivera pas à le quitter non plus. Chet va donc dans la pièce où il y a sa belle-sœur, Carla, qui continue à traiter son beau-père, notamment de vieux cochon, et donc Carla est jouée par Nathalie Courval, que j'avais évoqué dans la présentation de l'équipe du film et qui est la femme de Gilles Béat, le réalisateur. Carla a un haut léopard, c'est une blonde frisée, maquillée, avec les boucles d'oreilles. Et dans la pièce, il y a un poster de Rocky Malone, qui est donc le nom de scène du personnage joué par Jean-Pierre Calfon, Paul Chetman, et qui rappelle un peu ses heures de gloire. Carla demande donc à Chet de fermer le dos de sa robe. À cette occasion, on sent une attirance de Carla pour Chet, mais qui n'est pas réciproque du tout. Elle profite de cette occasion pour poser la main de Chet sur son sein, lui demander de l'embrasser, et lui lui répondra « Un très beau va te faire foutre ». Elle va dire que Paul, donc joué par Jean-Pierre Calfon, s'est absenté depuis 2 jours pour se droguer. On voit que Carla part tapiner, il n'y a pas d'autre mot, pour gagner un peu d'argent. Elle va d'ailleurs dire à Chet « Ce n'est pas ce que tu gagnes qui me fait vivre ». On voit donc par ce dialogue que Chet a une famille qui vit assez crochée. Avant qu'elle ne franchisse donc le seuil de la porte, George, le père, essaye de négocier une passe avec sa belle-fille. Pour attirer son attention, il lui fait croire qu'il a de l'argent planqué quelque part. Et c'est quand Chet apparaît dans l'encadrement de la porte qu'elle s'en va. On voit donc que même dans le foyer qui doit être généralement un refuge pour tout un chacun, tout est déglingué, sans piliers et sans abri réconfortant. On peut déduire par là même que l'atmosphère du quartier a pollué ce logis. Et on verra plus tard qu'Hagen et ses trafics influencent fortement la vie de cette famille, et notamment le triangle George, Paul, Carla. Je peux apporter quelques ajouts du roman. Tout d'abord, rappeler que dans le roman, ce n'est pas la famille de Chet, mais la belle famille de Chet, ce trio, qu'on nous indique que Chet travaille 6 nuits par semaine, qu'il rentre épuisé chez lui, et qu'il les voit vautrer en train de, entre guillemets, de boire sa paye. Et qu'il sent monter en lui parfois quelques petites envies de meurtre qu'il réfrène assez vite. Au début de cette scène, j'ai évoqué dans le film le fait que Chet rentre dans un décor délabré. Là aussi, dans le roman, il y a des traces, des dégradations qu'entraîne la belle famille. Une fenêtre brisée, tout ce qui est mobilier détruit par les multiples disputes. Et donc la femme de Chet, Edna, dans le roman, Eddie ou Edith dans le film, jouée par Corinne Dacla, dans le roman, donc Edna lui dit de ne pas s'en mêler. Et on apprend également dans le roman que le beau-père, donc qui a 73 ans, se comporte comme un gamin. Et d'ailleurs, il vient d'être emprisonné pour avoir joué au dé, et sa caution pour sa libération coûte $10. Ce qui vaudra comme réflexion de Chet, ce sont les meilleurs qui s'en vont en premier. Lui, à savoir son beau-père, vivra 1000 ans. Donc voilà pour ce que je pouvais ajouter sur cette scène. Je passe à la suite, on revient au film. On enchaîne donc avec Edith, ou Eddie, jouée par Corinne Dacla, qui est dans l'escalier, qui est donc la femme de Chet, qui fume une cigarette. Elle dit qu'elle a lavé ses affaires, qu'elle a raccommodé ses habits, et qu'elle s'est fait voler de l'argent par Paul, Jean-Pierre Calfon. On voit qu'ils sont tendres l'un avec l'autre, malgré leurs faiblesses. Et on s'aperçoit aussi qu'Edith aime bien les gestes affectueux, mais qu'elle n'aime pas trop, entre guillemets, aller plus loin. C'est à ce moment-là aussi qu'est abordée la question du départ, le départ ailleurs, qui est d'ailleurs un sujet de débat avec son père. Et on voit que ses rapports avec son père sont un peu spéciaux aussi, il n'hésite pas à lui dire qu'il est une foutue ordure. Et une petite précision qui aura son importance, c'est que Eddie s'est maquillée et parfumée. Elle a été attentionnée pour Chet. Donc une petite scène très rapide, très tendre, et je me permets de développer plutôt ce personnage tel qu'il est dans le roman, donc je passe au roman, avec les ajouts. Eddie, qui s'appelle Edna dans le roman, Blake de son nom de famille, semble toujours être dans l'attente de Chet, et même dépendre exclusivement de lui. Dans le livre, c'est un petit bout de femme fragile de 29 ans, mais qui en paraît davantage, car elle a été attaquée par la vie. À savoir que Corinne Dacla, lors du tournage, avait 20 ans, par rapport aux 29 ans du personnage. Mais il y a le même effet sur elle, car elle porte sur son visage la dureté de l'environnement qui l'entoure. Elle est peu attachée à son apparence, si bien que quand elle accomplira ses gestes dans le film, ce sera le signe de son véritable amour pour Chet. C'est pour ça que je disais ici, le fait qu'elle soit maquillée et parfumée dans le film, c'est un signe de lien, c'est le signe qu'elle a fait un effort. Pour Chet, eh bien, il la voit sans la voir. Elle est impuissante à faire bouger les choses et elle se place à l'extérieur des conflits et des disputes. Elle inspire une relation qu'on pourrait qualifier de grise à Chet, qui ressent donc du poids sur sa poitrine, une boule dans la gorge, et qui voit remonter à son esprit de sombres souvenirs et des regrets. Dans le roman, en effet, ils se sont mariés depuis 9 ans. Les deux ont 5 ans d'écart, 34 ans pour Chet, 29 ans comme je l'ai dit pour Edna, et on apprend qu'elle a fait déjà 3 fausses couches. Si on remonte aux origines de leur rencontre, on sait que c'est la mère de Chet qui a donné à ce dernier une pièce pour emmener la gentille fille manger une glace. Il avait 11 ans, elle en avait 6, et cette petite fille était enchantée d'aller avec lui. Par la suite, il l'a emmenée au cirque, puis au fil du temps, il a connu d'autres filles. Tilly, qu'on verra dans le film ici, qui tient un bordel, et dont on reparlera. Bertha, qui dans le film est Manu, qui va être jouée par Christine Boisson. Et puis deux autres, Greta et Hélène. Et puis aussi des prostituées. Ensuite, et là par contre, on rappelle que le roman a été écrit en 1952, Chet a été mitrailleur dans un bombardier, ceux qui s'y connaissent c'est un bombardier Ventura, dans l'aéronaval quand il avait 25 ans. Donc le poids de la Seconde Guerre mondiale, voilà par exemple. Le fait qu'il soit américain et qu'il ait fait la Seconde Guerre mondiale dans l'aéronaval. Puis donc quand il est revenu de permission, il revoit Edna et sort faire un tour. Au détour d'un éclairage de clair de lune, il la trouve jolie. D'ailleurs, il fait preuve d'une sorte de don de télépathie, car il croit entendre « Désire-moi » et « Envie-moi », comme si Edna l'appelait. Ils vont chez elle, elle ne se donne pas de suite, et elle l'avertit que c'est sa première fois, donc elle a 20 ans. Et cela surprend Chet, car les filles de la rue, généralement, ont déjà fait la chose, si on peut décrire l'acte de cette manière, à 15 ans au maximum. Mais à ce moment-là, après avoir réfléchi, elle se sent prête, et ils font l'acte. Mais ce n'est pas quelque chose d'agréable pour elle. Quand ils ont fini, Chet entend le père et le frère d'Edna rentrer d'une soirée de beuverie. Donc on rappelle que dans le roman, c'est la belle famille de Chet, George et Paul. Chet s'apprête à prendre la fuite, mais Edna murmure son nom, ce qui lui fait l'effet d'un filet qui s'applique sur lui. George et Paul rentrent dans la pièce et au lieu de battre Chet pour avoir, entre guillemets, volé l'honneur de leur fille et sœur, ils sont hilars et trouvent que c'est une occasion pour continuer à boire. L'un des deux va dire d'ailleurs « Elle l'a enfin fait ». Ça s'arrose. Suite à cette réaction, Edna rit nerveusement. Encore dans une forme de télépathie, Chet semble en déduire qu'elle lui envoie un message. Du genre, « Tu vois comme ça se passe, Chet. Personne ne s'intéresse à moi. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. Tu ne peux pas. Tu vois que j'ai besoin de toi. » Et lui se dit dans son esprit, « Tu ne peux pas la laisser tomber. Elle a besoin de toi maintenant. Tu es obligé de rester avec elle. De rester avec elle. De rester avec elle. » Et ils se marièrent 3 jours plus tard. Pour en terminer avec le personnage d'Edna et son développement dans le roman, du moins dans la première partie, et ce qui correspond à peu près à ce qu'on voit dans le film jusque-là, encore une fois, Godis nous dira qu'elle n'aime pas faire la chose, c'est seulement quand Chet s'énerve qu'elle se prête à l'exercice, et qu'à la limite elle ne voudrait juste se limiter qu'au baiser que par contre elle adore. Dans le quotidien, Edna trouve que Chet fait beaucoup d'heures supplémentaires et pense qu'il est temps que les autres membres de la famille mettent la main à la pâte pour couvrir les frais de nourriture et le loyer. Mais elle sait que cette tâche sera difficile, avec son frère Paul qui ne se réveille qu'à 14h pour boire jusqu'au petit matin, et sa belle-sœur, dans le roman ça sera Connie ou Constance, qui cocufie son frère, alors comme on le suppose avec le beau-père, et d'autres passent, et comme on le verra aussi plus tard dans le film. D'ailleurs, revenons au film tout de suite. Donc notre couple, Chet et Eddie sortent au restaurant et vont justement dîner au restaurant chinois, celui de l'oncle de la chinoise, donc Wong. Eddie ne mange pas grand-chose, d'ailleurs elle aura une réplique, c'est « Je préfère les glaces », et dans le roman ça fait référence à leur première rencontre quand ils étaient enfants. Je l'ai évoqué, c'est la mère de Chet qui donnait la pièce pour que Chet invite Edna. Voilà. Des motards arrivent au loin, et cela rappelle justement une ancienne vie à Edith. Voyant cela, Chet essaye de la faire sourire, et c'est là qu'on voit qu'elle est vraiment admirative et amoureuse de lui, en lui disant notamment qu'il est beau comme au jour de leur mariage. Il y a donc deux motards qui entrent dans le restaurant, dont Jean-Claude Dreyfus, qui dans le film est surnommé Ned Beu, et il est accompagné de Marc De Jong, enfin l'acteur, qui est habitué à ce type de rôle. Par exemple, on avait pu le voir aussi dans Ronde de Nuit, voilà, de Mission, avec Lanvin et Eddie Mitchell, où il fera un loupard violent. Il aura une parenthèse hollywoodienne, notamment où il aura un petit rôle dans L'Empire du Soleil de Spielberg, et surtout il est plus connu peut-être pour son rôle du colonel soviétique dans Rambo 3, ce qui le met un peu dans la catégorie des rôles de salaud. Il aura encore un rôle dans Sans espoir de retour de Samuel Fuller, et puis revient en France et on le verra notamment dans des comédies comme L'Opération Connaître Biff, La vengeance d'une blonde, La cité de la peur, ou encore Un indien dans la ville. Et là aussi, comme beaucoup d'acteurs de rue barbare, je fais une digression encore une fois, qui sont morts trop tôt ou assez tôt par rapport à la moyenne, et bien Marc De Jong en effet mourra à 47 ans en 96. Et là, je me réfère à Wikipédia, car il avait oublié justement les clés de son domicile. Il a essayé d'escalader son immeuble pour rentrer chez lui, mais arrivé au deuxième étage, il a glissé et il a fait une chute mortelle. Donc, encore un des acteurs ici parti trop tôt. Et aussi un acteur dont on connaît le visage, mais sur lequel peut-être parfois on n'arrive pas à mettre un nom. Là, c'est chose faite. Bref, les deux motards rentrent dans le restaurant et le saccagent. Ils en profitent aussi pour tabasser le patron. Pendant ce temps-là, Chet et Edith restent assis comme si c'était normal. Et donc, en enlevant une sorte de rideau, les deux motards aperçoivent la victime du début. C'est alors que rentre en scène Hugo, qui sera aussi appelé Cobra, qui est joué par Jean-Pierre Santier, qui va être en fait l'associé d'Hagen. Et on découvre que c'est un pro de la lame, un pro des couteaux. Chet et Edith vont pour s'en aller, Cobra prévient Chet qu'il a 10 minutes pour accompagner sa femme et qu'Hagen l'attend à l'usine pour 23h15. C'est à ce moment-là que je dois parler du roman, puisque dans le roman, ils vont manger, alors non pas chez Wong, parce que je rappelle que dans le roman, l'oncle asiatique est un blanchisseur et pas un restaurateur, je vous dis, c'est un raccourci scénaristique, fort logique. Et donc ils vont manger chez Sam, Sam qui va être un personnage qui ne va pas être pris pour le film, ou du moins qui va être transformé, puisque dans le film, Sam correspond au personnage de Tamporini, même s'ils sont différents. En effet, Sam, par rapport à Tempo, semble plus massif. Déjà, c'est un noir, long, décharné, la soixantaine, et coiffé d'une casquette de jockey qui est vert et noir. Quand Chet emmène Edna quelque part, il pense que c'est comme emmener un enfant quelque part pour ne pas le laisser seul. On lit que Chet et Sam se considèrent l'un l'autre sans se le montrer par des sourires. Chez Sam, c'est un endroit qui requinque Chet, car c'est l'un des rares lieux honnêtes, si on peut dire, de la rue. Et justement, de l'autre côté de cette rue, il y a encore la petite chinoise qui n'est toujours pas rentrée chez elle. Et d'ailleurs, elle tombe, et Sam va l'aider à se relever. Avant de manger, Chet va se laver les mains dans les toilettes pour s'enlever le cambouis qu'il a encore sur lui. C'est là qu'apparaît Matthew Hagen. Dans le film, c'est Matt ou Mathias. Ce qui veut dire que le personnage a une entrée plus précoce dans le livre que dans le film. Dans le film, on voit d'abord Cobra. Et cela, on verra, c'est pour préserver l'apparition du principal méchant et laisser planer du mystère et aussi développer une certaine aura autour de lui. Donc je parlais de la description qu'en fait David Goddis quand le personnage apparaîtra dans le film. Alors ce qui ne change pas dans cette scène dans les toilettes, c'est qu'on retrouve Hagen interrogeant Chet sur ce que lui a dit la petite chinoise. Ce dernier donc lui dit qu'elle n'a pas parlé de ce qui lui est arrivé, qu'il ne veut pas de soucis et d'ailleurs qu'il s'en fout. Mais Hagen n'est pas rassuré et lui demande de venir le voir chez Bertha, alors qui correspond à Manu dans le film, donc c'est une boisson, 25 minutes plus tard, qui correspond à 11h du soir, 23h. Donc Hagen part et donc à la suite de cela, Sam prend Chet à part et lui dit d'être prudent. Et donc il y a des échos à la première et à la seconde discussion que Chet et Tempo ont eu et auront dans le film. Notamment le « ça fait 20 ans », alors là c'est dans le roman c'est 20 ans, pas 10 ans, « ça fait 20 ans que je m'occupe pas des affaires des autres », blablabla, etc. Voilà, donc ça on a déjà dit, ça apparaît aussi dans le roman, mais par le biais de Sam. C'est pour ça que même si physiquement, et là aussi ça aura une incidence sur l'adaptation, il y a eu la volonté de la part de Béa et de Vautrin de réinventer un personnage, de le transformer. Et on verra que ça aura des avantages, des inconvénients... Et qu'autant une scène avec Tempo, quelqu'un de plus petit, aura du sens, autant on est en droit de se demander ce qu'aurait donné justement cette même scène avec quelqu'un de plus fort et qui aurait de quoi répondre à Hagen, même de façon très imparfaite. Mais encore une fois, j'y reviendrai. On passe à la suite. On retrouve Chet qui boxe un sac dans sa cave. On voit qu'il est assez en rage, comme s'il sentait que les emmerdes étaient revenues. Le père, George, crie à la fenêtre avec son fusil à la main, et on suppose que c'est contre son fils Paul, à qui il dit de ne pas remettre les pieds à la maison. Dans la chambre, Edith a sa chemise ouverte sur sa poitrine nue, un miroir à la main. Chet dit qu'il sort prendre l'air 5 minutes. Elle lui demande de ne pas aller voir Hagen, mais il sort quand même. Au dehors, en bas de l'immeuble, il croise Paul, donc joué par Jean-Pierre Calfon, qui chuchote pour que Chet dise à son père de le laisser rentrer. Comme l'autre n'en a rien à faire, il essaye de se battre, mais il se fait vite reprendre par son frère, et on s'aperçoit que ce personnage, donc de Paul, vit dans son passé de rockstar, période durant laquelle il a dû croiser Little Richard, les chaussettes noires, et la grande salle de concert devait être le Rock Palace. On sent aussi que le grand frère, donc Paul, a conscience qu'à une époque, quand Daniel était petit, il admirait son frère. Mais à la fin, l'affection que Daniel lui donne, c'est un coup de poing, comme pour remettre Paul d'aplomb et lui faire retrouver sa dignité. Donc Paul lui rend l'argent qu'il a volé à Edith. C'est là aussi on apprend à la fin de cette scène que son groupe était les Rebel Rollers et qu'il veut les réunir plus fort qu'avant. Alors ce passé musical de Paul, il est spécialement inventé pour le film. On n'en trouve pas trace dans le roman. Donc dans la scène suivante, Chet part de l'immeuble et il arrive dans un terrain vague. Là aussi c'est une scène spécifique au film. Dans ce terrain vague, on aperçoit la génération future qui se bat, et notamment aussi qui parie sur ces combats. Cela annonce implicitement que le quartier sera encore pourri par la suite, qu'il y aura une situation de statu quo. Si on analyse le tableau, on peut voir par exemple une jeune fille qui se maquille. Là aussi, c'est une situation de statu quo, elle va être destinée à ne dépendre que d'un homme. D'ailleurs, on saura après coup quelle est la récompense du combat. Si on prend le décor, c'est assez crasseux, plein de boue. On voit des jeunes qui sniffent de la colle, avec notamment un qui s'écroule avec un tube à la main. Et finalement, cette jeunesse ne comprend que la bagarre. Elle reproduit ce qu'elle voit chez les aînés. Donc deux jeunes garçons se bagarrent, et une des filles lance un objet en métal aux deux combattants, si bien que celui qui l'attrape frappe l'autre, et donc elle se fait traiter, notamment par ceux qui ont parié, car cela est considéré comme de la triche. Au final, on s'aperçoit que la petite fille qui se faisait maquiller, c'était la petite sœur de la fille qui a lancé l'objet en métal, et qui était donc l'enjeu du combat. Or, sa grande sœur ne voulait pas que l'un des deux combattants qu'elle détestait ne gagne le combat, et ainsi, entre guillemets, salisse sa sœur. Elle avait un favori déjà, elle voulait que ce soit lui qui gagne. On peut faire le constat du climat et de l'état d'esprit de cette jeunesse qui est déjà corrompue et qui va donc reproduire le mal la génération suivante. C'est une scène qui est assez sordide si on s'attarde sur les détails. Alors, au-dessus de la mêlée, observant de loin, il y a un jeune blouson noir qui va nous être décrit comme s'appelant Lobo, qui est joué par Hakim Ghanem, qui a déjà joué dans Le Grand Frère avec Gérard Depardieu et Jean Rochefort, qui jouera après Rue Barbare la même année dans La Smala avec Josiane Balasco. Un petit rôle aussi de Mécano dans Association de Malfaiteurs de Claude Zidi, et un petit rôle également dans Roselyne et les Lions de Benex, pour finir en 93 dans Lettre pour Elle, un film de Romain Goupil. Et c'est là où il arrête sa carrière cinématographique. Donc Lobo voit Chetman longer le terrain vague et va le rejoindre. Il veut lui vendre des trucs refourgués ou volés. Chet lui dit de déguerpir et d'ailleurs le fait valdinguer, ce qui amène une insulte. Puis, Chet arrive sur le bord de la nationale, on sait pas si c'est une nationale ou une autoroute, bon bref, une... Voilà, fait du stop, mais personne ne le prend. Et au fond, on aura une résonance avec le plan final du film, en miroir, puisque là, par exemple, en fond sonore, on peut déjà entendre le titre « Il y a peut-être un ailleurs » de Lavillier, mais en instrumental. Donc c'est un plan qui va faire écho au plan final du film, un effet miroir encore une fois, là il fait nuit, le plan final sera en plein jour, ici il reste sur place, bon la fin... Si c'est un effet miroir, vous supposez ce qui va arriver. En effet, voilà, le personnage part. Et c'est aussi un effet miroir par rapport au sort qui l'attend. Dans le roman, il y a juste une allusion au fait que Chet est en léger retard à son rendez-vous avec Hagen et qu'il va vers la gare de marchandises pour prendre un train qui l'emmène loin de la rue. Et finalement, il rebrousse chemin et va pour affronter son destin. Donc après ce léger détour par le roman, nous passons à la scène suivante. Chet rebrousse donc chemin et va au hangar voir Hagen comme il était convenu avec Cobra. On voit que ce hangar est le repère des blousons noirs, il frappe à la porte et c'est Emmanuel, alias Manu Larouge, qui est interprété par Christine Boisson, qui lui ouvre. Elle lui dit de se barrer tout de suite. On observe que les deux se confrontent d'égal à égal et qu'il y a un conflit latent entre eux, une tension certaine. Elle l'accompagne et le guide au milieu de son bar. Il croise au passage sa belle-sœur, Carla, qui est en train donc de tapiner dans les toilettes. C'est visiblement un ancien habitué du lieu. Il croise Cobra, qui lui dit que Hagen aura du retard. Il est 23h30, le rendez-vous était fixé à 23h15. Je vous ai dit que Chet avait du retard, du fait de son hésitation, savoir s'il devait prendre le large totalement ou affronter son destin. Manu lui dit donc au passage de se méfier de Hugo, qu'il est dangereux. Elle refuse de le servir et fait tout pour qu'il s'en aille. On voit au passage que les flics du quartier viennent toucher leur pot de vin auprès de Manu. D'ailleurs, ils sont bizarrement accoutrés, notamment ainsi l'un qui est habillé en cow-boy. Et donc, ils sont payés pour fermer les yeux et laisser le bar ouvert, malgré les trafics et le jeu. À la fenêtre, Manu voit la voiture-taxi de Hagen qui rentre dans le hangar. Entre-temps, on apprend de sa bouche que le différend entre les deux concernait Edith, que Chet a piqué à Hagen quelques années auparavant. Les ajouts du roman sur, par exemple, la boîte à Bertha, c'est comme ça que s'appelle le bar de Manu dans le roman, c'est un lieu donc qui est réputé pour son alcool arrangé à effet immédiat, plus un lieu où on peut pratiquer le blackjack et le poker. Bertha fait la cuisine et prête des chambres si on ramène une fille. Mais ce n'est pas un bordel, ce n'est pas elle qui fournit les filles. Avec Chet, il se taquine depuis qu'il a 6 ans, une sorte d'amour vache dès le départ, puisqu'il lui a versé un pot de peinture bleu laqué, qu'il a essayé de lui faire peur dans une maison abandonnée, mais sans succès, elle a déjà son caractère. D'ailleurs, il admire sa résistance, sa fierté, sa combativité pour ne pas subir le même sort que les autres filles de la rue. Elle a un côté beauté sauvage. Mais cela a ses inconvénients, puisque ça laisse peu de place pour la tendresse. Tout doit être physique, et quand il a essayé de lui avouer ses sentiments quand il avait 18 ans, elle s'est moquée de lui, et les coups ont suivi. Encore une fois, l'amour vache. Depuis ce moment, ils s'insultent quand ils se voient, comme par exemple lorsqu'elle vient dans l'appartement pour récupérer l'argent des ardoises de la belle famille, notamment Paul et Georges. Surtout qu'on s'aperçoit que la boîte est à 15 mètres de l'appartement sur le trottoir d'en face. Quand il arrive, elle lui dit de partir, comme dans le film. Selon elle, le simple fait qu'elle dise à Hagen que Chet est venu dans le bar, ça devrait suffire, tout au moins pour ce soir, car elle sait que Hagen est particulièrement nerveux. Et dans le roman, un souvenir remonte à l'esprit de Chet, un moment où Hagen lui avait fait peur. Ça remonte à quelques années, quand la bande avait attrapé deux gamines, qui avaient refusé de leur faire quoi que ce soit, et que Hagen l'avait pris à part en lui disant de se taire s'il ne voulait pas qu'il lui arrive malheur. Si on reprend le fil du récit, dans le bar, face à l'obstination de Chet de rester, Bertha le prend pour un cinglé. C'est à ce moment-là qu'on fait la connaissance de Pancho, qui est l'équivalent dans le film à celui de Hugo ou Cobra. Et on voit donc que dans l'adaptation par Béa et Vautrin, on présente d'abord Cobra, puis plus tard Hagen, tandis que dans le roman, c'est Hagen qui vient parler d'abord à Chet, chez Sam, puis après, éventuellement, on croise Pancho, sur lequel Godis voulait faire planer d'abord une sorte de mystère. Alors que dans le film, justement, on annonce Hagen et on met un certain temps à le voir. Alors Pancho, dans le roman, en fait, nous est décrit comme un jeune Antillais, mince, associé de Hagen et qui est ancien lanceur de couteaux dans un cirque, où il avait le surnom de Droit au but. Dans le roman, on voit aussi que l'affaire avec la petite chinoise est différente des affaires habituelles qui secouent le quartier. En effet, qu'une fille ou qu'une femme soit violentée dans le quartier, c'est monnaie courante. Mais ce sont des autochtones qui sont soit dédommagés, soit qui s'en vont sans réclamer leur reste. A l'inverse, la petite chinoise, c'est une nouvelle venue, et elle ne connaît donc pas les habitudes du quartier. Hagen a donc peur que quelqu'un s'interpose. Il a l'habitude de penser pour les autres, et d'avoir un coup d'avance, ce qui fait que même s'il a un léger soupçon sur une personne, il va appliquer les coups de pression pour être sûr de son coup, être se protéger. Enfin, pour finir sur ce point, dans le roman, on nous décrit aussi trois moments où Chet a été particulièrement colérique dans sa vie. Tout d'abord, à 13 ans, il était poursuivi par une bande, il se retrouve à genoux à côté d'une poubelle où on le force à manger, mais il refuse. Et donc, après s'être fait taper dessus pendant une minute, il explose de fureur, ce qui fait que trois personnes partiront en ambulance, les autres se sauvent. Le deuxième moment, c'est à 14 ans, un an plus tard, avec une rage contre Hagen, qu'il avait forcé à se battre contre un autre, mais les deux étaient sans motivation. Il s'est donc fait poursuivre, il se bat vraiment contre la horde, et pendant ce temps-là, Hagen continue à rire et à l'insulter. En voyant ça, Chet est déchaîné, et dans la horde, il a failli faire perdre un œil à un de ses assaillants, et il a fracturé la mâchoire d'un autre. Enfin, la dernière fois où il a été particulièrement colérique, c'était durant la Seconde Guerre mondiale, quand il était dans l'aéronavale, et qu'il a abattu trois appareils ennemis. Bref, avec le roman, on a la certitude que les repères sont décalés par rapport à une vie quotidienne normale. Encore un exemple, dans ce bar, il y a une famille avec le fils qui veut continuer à boire et qui frappe sa mère qui lui dit d'arrêter. Voyant ça, Bertha s'interpose, mais c'est la mère finalement qui veut taper Bertha parce qu'elle veut protéger son petit, alors que lui-même est violent contre elle. Donc vraiment un décalage des repères. Bon, là, c'était l'ensemble du passage du roman qui concernait cette première partie dans le bar, alors chez Manu ou chez Bertha. On passe à la suite du film. Nous arrivons donc à la fameuse scène où Hagen nous est présenté, visuellement. Il arrive donc dans le hangar à bord de sa voiture taxi. Il en sort et joue un petit jeu vidéo. On verra dans les suppléments que ce petit jeu vidéo, il aura une importance au niveau scénaristique, au niveau de la crédibilité du personnage. Pendant qu'il joue, il ne regarde pas Chet. Il lui demande comment ça va, Chet ne répond pas, puis il s'assoit dans son fauteuil. Un homme de main lui apporte une valise pleine de billets des commerçants du quartier. Il lui apprend que un d'entre eux est réticent à payer. Et donc il va envoyer sa milice pour régler le problème. On apprend aussi que cette dernière fait des extras pour les policiers et pour les hommes politiques. Et si on regarde rapidement au niveau des acteurs, on voit que parmi les blousons noirs, il y a Christian Roth, que j'ai déjà évoqué dans le rôle de Monocouille, qu'on connaîtra aussi pour son rôle dans Père et Mère, avec Daniel Rialet, qu'on a déjà croisé dans Baxter. Si on reprend le récit du film, Hagen parle de Paul et de Carla, qu'il fournit en drogue. Au passage, il demande des nouvelles d'Eddie. Le sujet étant chaud entre les deux, Manu entre dans la danse pour essayer de le calmer en faisant diversion. Par la suite, on retrouvera à peu près la même chose dans le roman, les remarques notamment de Hagen sur le régime alimentaire drastique qu'il doit suivre et dans lequel il n'a plus le droit à rien, et dès qu'il fait un excès, il le paye cash. Et c'est un véritable jeu du chat et de la souris qui s'installe entre Chet et Hagen, notamment le fait que Hagen veut faire boire Chet, qui refuse. Manu lui dit alors qu'il est devenu une lopette. On verra après que c'est pour faire diversion, pour calmer Hagen et lui faire croire que Chet a peur. C'est ce qu'il cherche. Hagen en profite pour rappeler le passé glorieux de Chet dans la bande, et ce dernier finit par boire le remontant. Ce qui fait qu'Hagen le resserre une deuxième et une troisième fois. Manu dira que c'est un jeu de con, et Hagen la rembarrera. Ce qui va amener le désaccord et le défi de Chet sera le rappel que quand Eddie était là, tout le monde lui est passé dessus. Comme Hagen ne les reprend pas dans leurs propos, Chet avance le verre sur le bord du bureau petit à petit, puis le fait tomber. Hagen lui posera donc la question « Pourquoi tu m'as volé, Eddie ? On était les barbares, unis comme les six doigts de la main. » C'est là que débarque quelqu'un qui est en affaire avec Hagen, un homme noir et sa bande, car il y a eu un problème du fait que Hagen n'a pas respecté une partie de son contrat, et on voit que c'est une affaire de trafic de drogue. L'homme noir pointe donc un pistolet sur Hagen, mais Cobra lui lance un couteau à la gorge, ainsi que sur le reste de la bande. C'est là où on voit ses talents avec des lames et son talent de lanceur de couteau. Chet va pour s'en aller, mais Hagen lui dit qu'ils doivent parler. Il lui avoue qu'il est dingue de la petite chinoise croisée au début, et on enchaîne sur ce dialogue. Faut qu'on se parle, Chet. Laisse-moi partir, Marc, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je veux rien savoir. Ah, tout est dit, ton départ, tout ça, c'est du passé oublié. Je te pardonne. Et puis tu sais d'ailleurs, des filles, il y en a eu, oh là là. Mais je me suis toujours dit, bon Dieu, faudrait bien qu'un de ces jours, je me dégote une petite first class, tu vois. Un engin tout chrome super luxe. Une petite douce mignonne mince, qui sent propre. Pure, quoi. Et toi? Le visage de la chinoise, c'est important, comment le trouves-tu? Je l'ai à peine vu. Arrête de déconner. Tu gueules comme ça, ça se remarque. Et puis tu dis pas non, je t'avais lui parler. Qu'est-ce que tu lui disais? Qu'elle venait de se faire sauter par un malade. Et ce corps? Est-ce que tu as remarqué ce corps au moins? J'ai seulement remarqué qu'elle pleurait mat. Mais rien que ça, ça m'a fait bander. Essaye de me comprendre. J'ai jamais rien vu de comparable. Alors je me suis dit, Mathias, elle est faite pour toi. D'ailleurs, j'ai enlevé ma main de sa bouche pour voir si elle allait crier. Mais non, elle s'est contentée de me regarder. Oh, Chet, si t'avais vu cette bouche entrouverte, ces petites dents qui brillaient comme des perles, ces lèvres sensuelles qui sentaient la framboise. Oh, je te jure. Mais il fallait que j'y goûte là tout de suite. Elle m'a mordu, tu sais. Mais même ça, c'était bon. Alors c'est là que je l'ai prise, tu vois. Comme ça. Tu veux savoir, Chet, j'étais le premier. C'est ce qui m'est passé par la tête. Qu'elle était faite pour moi. Pour moi tout seul. Et cette fois, personne au monde, tu m'entends? Pas un petit connard sera assez fort pour se mettre en travers de ma route, t'as pigé? Si je suis venu ce soir, Matt, c'est pour te dire que ça me regarde pas. Fais l'ennui. Et tu me poses un problème. Comment veux-tu que je sois sûr que tu vas fermer ta gueule? Si t'en es pas sûr maintenant, tu le seras jamais. Non, mais essaie de comprendre d'où m'a volé ma confiance. Tu t'es posé de l'autre côté de la rue. Et maintenant, je te signale que t'es en face de moi. C'est toi qui m'as demandé de venir, je suis venu, je suis là. Mais t'aurais pas dû venir. Je suis venu parce que j'en ai rien à foutre de la petite chinoise. Si toi t'as quelque chose à me dire, accouche parce que moi je m'en vais. Ouais, tu t'en vas maintenant? Oui, je tiens plus. Manque d'endurance? Non. Coup de fatigue. Bocasse. Ouais, non. Moi je dis que oui. Daniel. Daniel. Va, Chet. Je te jure, Chet, que ça me fait pas plaisir. S'en suivent donc deux coups de boule, un coup de coude et un coup de pied de la part de Hagen envers Chet, sans que ce dernier ne réplique. J'arrête là pour ce qui est du récit du film et j'enchaîne directement sur le roman, notamment la description qui nous est faite de Hagen, qui nous est décrit comme plus large que haut, 1m75 pour 120 kg. Il porte une chemisette noire à pois jaunes, il a un visage rond, une peau huileuse. Il a également le teint jaune du fait d'un problème au foie. Il a 38 ans, peu de cheveux sur le crâne, et le peu qu'il a sont blancs. C'est un ancien boxeur, et il vend désormais de l'alcool de contrebande. Quand il entre dans le bar, Hagen avance sur sa proie avec une étrange lenteur et en la fixant. Il s'assoit à côté de Chet sans lui accorder ni regard ni parole. Là aussi, comme dans le film, il le pousse à boire et fait la même remarque sur son régime. C'est là qu'on voit que son regard aimante celui des autres. Dès qu'il nous fixe, on ne peut s'en détourner. Il commence donc à parler de la petite chinoise à Chet, en lui disant notamment « Cette fille, c'est comme une fleur, une orchidée blanche, une fille de première classe, un engin de grand luxe, pure comme une source de printemps. » D'ailleurs, je reviendrai tout de suite sur ce dialogue après avoir précisé que Hagen a perdu sa mâchoire supérieure lors d'un combat de boxe du fait qu'il avait perdu son protège-dents. Maintenant, il a une dentition entièrement en or. Au passage, Chet s'aperçoit que la chinoise a mordu Hagen à la lèvre supérieure. Là aussi, c'est évoqué dans le dialogue. D'ailleurs, voici ce que dit Hagen en substance sur la chinoise pour compléter le dialogue que j'ai déjà inséré. Alors, il nous dit « C'est hier que je l'ai vue pour la première fois. Elle sort de cette blanchisserie chinoise, des livres à la main. Moi, je me dis, je rêve et je regarde mieux. Elle est vraie parole, bien réelle, et elle se promène, tranquille comme un petit canard sur une rivière. Moi, j'en ai tout de suite plein la tête, et je me mets à la suivre, en me sentant tout drôle à l'intérieur, parce que, tu comprends, de toute ma vie, je te jure que je n'ai jamais vu quelqu'un de comparable. Je la suis jusqu'à l'arrêt du tramway, et la voilà qui monte dans le tram. Et moi, j'ai l'impression de dégringoler du 10e étage. Quelle chute! Puis je te dis que je suis un con, que j'aurais dû au moins me douter qu'elle était seulement de passage, qu'elle ne peut pas être une fille de Ruxton. Alors je me dis que je ferais aussi bien de l'oublier, mais je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai bien dû lire une douzaine de journaux et boire 10 litres de flotte. Et puis ce soir, je me balade dans la 7e et je l'aperçois, dans un tram. C'est bien elle, impossible de me tromper. Le tram s'arrête, elle descend. Alors que je vois quelle direction elle prend, je prends une bonne avance. Alors, quand elle traverse la 6e... Moi, je suis là, à l'attendre dans l'impasse. Alors je suis là, à l'attendre, quelques pas en retrait de manière qu'elle ne puisse pas me voir. J'entendais son pas qui s'approchait, et c'était comme de la musique. Une petite chanson chinoise sautillante, délicate, tu vois. Je suis immobile, mort d'impatience. Et puis tout d'un coup, elle passe à ma hauteur. Alors je sors de mon trou. Je l'attrape, je la prends sous mon bras et l'entraîne dans l'impasse. J'ai une main sur sa bouche, et mon autre main écrase une brassée de pétales de fleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Des lys froissés. Au fond de la passe, j'ôte ma main de sa bouche pour voir si elle va crier, mais non. Elle se contente de me regarder dans la lumière de la lune, comme si la lune était là que pour éclairer son petit visage et rien d'autre au monde. Oui, elle me regardait sans dire un mot, mais sa bouche était entrouverte et je voyais ses dents comme des perles et ses lèvres qui sentaient la framboise. Il fallait que j'y goûte, là, tout de suite. J'ai posé une main derrière sa nuque, j'ai soulevé son visage jusqu'à ma bouche et j'ai dégusté ses lèvres. Ah, crois-moi, c'était bien ça, le vrai fruit de la passion. C'est là qu'elle m'a mordu, et ça aussi, c'était bon. Je vais te dire ce qui m'a passé par la tête. Si un troupeau de léopards affamés lui avait couru après, je les aurais affrontés sans problème pour la protéger. Je te jure que c'est vrai, parce que cette fille-là était pour moi seule. J'avais attendu si longtemps avant de la trouver, je ne voulais pas la perdre. C'est ce que je lui ai dit, tu vois. Alors elle a cessé de se débattre, elle a poussé une sorte de petit cri étouffé, comme un oiseau effarouché. Écoute bien ce que je vais te dire. Je te jure que c'est vrai. Si un banquier s'était pointé à ce moment-là et m'avait dit « Matt, si tu la laisses, je te donne séance tenante 7 millions de dollars », j'aurais refusé net. Aussi vrai que je suis assis maintenant sur cette chaise, j'aurais piétiné tout ce tas de billets. Et tu sais à quel point j'aime le fric. Pour moi, ça a été toujours primordial de gagner du fric. Mais là, dans cette impasse, le fric, c'était de la merde. Tout était de la merde, sauf elle. Alors, comme je te disais, cette petite chinoise, elle est tout pour moi maintenant. Rien d'autre n'a d'importance. Je voudrais te faire comprendre que dans ma tête, c'était comme des petites lumières qui s'allumaient dans tous les coins. J'avais envie de me promener avec elle, de l'emmener dans les magasins, de lui offrir des cadeaux. Tout ce qu'elle aurait voulu, je lui aurais acheté. Tu peux me croire, j'y aurais laissé jusqu'à mon dernier nickel. Même cette montre pleine de rubis qui m'a coûté 300 tickets, je l'aurais mise au clou. J'ai essayé de lui dire tout ça, tant bien que mal. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Mais je pense qu'elle n'a rien compris, parce qu'elle s'est mise à courir. Je n'ai pas voulu la poursuivre. Je l'ai seulement suivie de loin, dans Ruxton. Je l'ai vu tomber dans la rue. Ça me remet un peu les idées en place. Je ne veux pas trop me permettre de me montrer dans les parages, mais je ne veux pas qu'elle m'échappe à nouveau. Tu comprends ? Alors je traverse la rue, j'essaye quelques portes, j'en trouve une ouverte, je me planque derrière, en la laissant entrebâiller, de sorte que je puisse observer. Il se passe à peine une minute, et je te vois arriver. Bien sûr, je m'imagine que tu ne vas pas t'occuper d'elle, que tu vas continuer ton chemin, comme tu l'as toujours fait, que tu vas rester en dehors des affaires de Roxton Street, garder ton nez propre, ma cache, voilà que tu t'arrêtes. Que tu la regardes, que tu lui parles, que tu l'aides à se relever, qu'elle te dégoise des trucs, sans doute qu'elle te raconte ce qui lui est arrivé, qu'elle te donne ma description. J'en avais le foie en révolution, je te jure, des coups de poignard. Et puis tu es parti, et moi, je me suis dit qu'il faudrait qu'on cause un peu, toi et moi. Donc voilà pour le dialogue, version étendue de ce que vous avez entendu dans l'extrait, avec un Hagen qui est complètement troublé par cette jeune chinoise. Pour ne pas entamer le rythme du dialogue, j'ai enlevé tous les moments où il interpelle Chet pour l'inciter à boire. C'est ce qu'on voit aussi comme tactique de manipulation de Hagen. En même temps qu'il raconte une histoire, il va donner des ordres de façon très furtive, mais répétée et insistante. Là, par exemple, en effet, le fait de faire boire Chet. Alors, toujours dans le roman, on apprend que l'alcool trafiqué, c'est du whisky de maïs, que Chet n'en avait pas bu depuis qu'il avait quitté la bande, qu'il n'en aime pas le goût, mais plutôt la sensation de torche brûlante qu'il procure, la sensation d'être en rébellion contre toute chose. Quand Chet boit, Hagen pense « Enfin, te revoilà parmi nous, sois le bienvenu ». Hagen en profite pour faire les présentations avec Pancho, qui est très méfiant vis-à-vis de Chet. Hagen lui dit qu'il est régulier, et il fait l'article de Pancho comme étant quelqu'un de très capable, très efficace, un homme d'action, très rapide. Une vraie mitrailleuse, mais qui ne fait pas de bruit. Cela va gêner Pancho. D'ailleurs, Hagen lui demande de faire une démo sur un cafard qui se dirige vers un trou dans le mur, et avec sa lame, Pancho coupe le cafard en deux en un éclair. Ce qui va épater Hagen, qui compare cela à de la sorcellerie. Et on verra aussi que c'est une de ses techniques pour contenir les prétentions de Pancho, et éviter que le second soit tenté de prendre la place du premier. Donc après cette discussion, Pancho part mettre en exécution le plan qu'il a conçu pour s'emparer de la petite chinoise pour Hagen. Ça, on y reviendra. Il laisse donc Chet et Hagen en tête-à-tête dans le bar. Et là, donc, comme dans le film, ça reprend à peu près avec le même enchaînement de dialogue, avec Chet qui va dire qu'il n'en a rien à faire de cette histoire, qu'il veut partir. Mais pour autant, Hagen n'est pas rassuré après sa venue, puisque Chet reste digne. Il ne montre pas de signe de peur quand Hagen avait fait son entrée dans le bar, ni même après la démo de Pancho sur le cafard. Chet va donc pour partir. Il ne s'arrête pas quand Hagen lui dit de rester et de se rasseoir, si bien que ce dernier est obligé de montrer de la rage. Il fait tomber un pichet et une chaise. Ça veut dire que le résultat est le même, il va se battre contre Chet, à part que dans le film, on sent que c'est plutôt pour une démonstration de force face à la bande, montrer qui est le chef. Là, la rage montre qu'il va devoir faire usage de la violence plutôt malgré lui. Ce n'était pas forcément prévu qu'il se batte avec Chet. Donc après avoir fait tomber le pichet et la chaise, il se jette sur Chet. S'ensuit donc une bagarre de bar, ce qui aurait fait donc redondant avec le final si Béa et Vautrin avaient gardé ce passage tel quel. Puisqu'en effet, dans cette bagarre, Chet réplique. Tandis que dans le film, il se fait frapper par Hagen sans répondre. Les spectateurs qui assistent au combat font des remarques qui montrent déjà qu'Hagen a sa réputation. Ça ne sera pas long, c'est un vrai taureau. On a aussi la comparaison entre les deux physiques, avec Hagen, comme j'ai dit, qui fait 1m75 pour 120 kg, et Chet, qui fait 1m78 pour 90 kg. Le combat d'ailleurs qui s'ensuit va être assez équilibré. Chet constate donc que Hagen est souple, malgré son surpoids. Encore une fois, je le répète, Chet réplique, contrairement au film. Il lance une bouteille sur Hagen, qui va être en difficulté et même à deux doigts de perdre la bagarre. Mais Chet se prend un mauvais crochet qui l'emmène peu à peu à s'évanouir, convaincu par Bertha qui lui fait signe de se coucher. Il va tomber alors avec une lenteur qualifiée d'irréelle, mais le rire de Hagen en arrière-plan sonore lui donne la ressource pour se relever. Vous vous souvenez peut-être, hein, je l'ai dit, que ça ramenait un souvenir de jeunesse où, de rage, il avait voulu aller frapper Hagen qui se moquait de lui. Donc quand il se relève, on est entre deux chemins, soit que Chet se laisse tomber, et pour Hagen ça signifiera « tu as raison d'avoir peur », pour Chet, il va se dire « s'il ne me relève pas, si j'abandonne maintenant, si je laisse tomber, je tomberai plus bas que le sol, beaucoup plus bas encore ». Mais au final, après deux coups, il se retrouve au sol après une dernière gauche de Hagen. Donc c'est Hagen qui sort quand même vainqueur de ce combat, mais avec Chet qui a répliqué, contrairement au film. D'ailleurs, on revient à celui-ci. Une fois le combat terminé et après une ellipse, on retrouve Chet sous la douche, ensanglanté. Entre guillemets, le casse-croûte de Manu, qui répond au nom de Jésus, l'insulte, ce qui fait que Manu lui demande de partir. Elle continue de doucher Chet, qui est habillé, puis lui enlève son t-shirt. Après cela, il s'en va de la salle de bain, elle le soutient lorsqu'il descend le petit escalier de l'appartement, il essaye de la repousser, c'est là qu'on sent une nouvelle fois un rapport attraction-répulsion entre deux. Chet apprend que c'est Hagen qui l'a remonté à l'appartement de Manu, que dans un état de demi-conscience, il lui a demandé de ne plus frapper et que c'est ce que Hagen voulait entendre. En apprenant cela de la bouche de Manu, il refuse de se coucher. Il va pour retrouver Hagen et Manu l'en empêche. Encore une fois, c'est dû au fait que ça dérange son souci de garder sa dignité. Il ne veut pas se mettre à genoux. Comme il y a un ascenseur pour descendre de l'appartement, un ascenseur fermé par une sorte de grille, Manu lui prend les clés de cette grille, elle lui fout une claque, et Chet lève le poing sur elle. On assiste à un combat physique, où Chet fait preuve de sa puissance, et Manu fait preuve de son aspect félin. Puis, ils finissent par rigoler. C'est là qu'intervient le dialogue qui suit. Tu sais bien que je t'ai fracassé le crâne avec un cendrier. T'as pris une bonne trempe après, si. Ouais, mais tu m'as pas sauté. Bah évidemment, t'avais 13 ans. Non, 14. T'avais 14 ans ouais. Oh, merde, j'aurais dû. Ah, tiens, voilà ta clé. Dis-donc, pas mal chez toi, hein? Gentil, c'est propre, c'est simple, quoi. Ouais, j'aime bien que ce soit propre. En bas, je fais de la monnaie. Ici, c'est pour les amis. Parce que toi et moi, on est... On est intimes, non? Écoute, tu fais ça chez toi si tu veux, mais pas ici, hein? Quoi? Oh, excuse, madame. C'est bizarre, non? Hein? Je t'aimais pas, tu pouvais pas me piffer, puis d'un seul coup, comme ça, pof! Nous voilà devenus intimes, dis donc. Un élan, soudain. Ouais. C'est fou. Ouais. J'aimerais bien savoir pourquoi tu m'aides. Hein? Pourquoi? Un souvenir du bon vieux temps? Devine. Bah non, je vois pas très bien, je compte pas pour toi. Regardez-moi ça, le petit malin. Qu'est-ce que tu veux t'entendre dire, Daniel? Hein? Ça me fait plaisir que tu sois venu là ce soir. Ça me fait plaisir que tu sois venu. La merde avec toi, c'est qu'il faut toujours que tu cherches la petite bête. Tiens, explique-moi. Je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui t'a poussé à étendre la main à cette malheureuse petite chinoise, hein? Bah pour voir si elle avait une bonne poignée de main, tiens. C'est bien ce que je disais, t'as toujours été trop bon. T'es un brave petit soldat, Chet. On se refait pas, Manu. J'ai jamais supporté qu'on brutalise les femmes. Bah oui. Alors une chinoise, tu penses? Avec ton raisonnement, il faudrait t'occuper de la rue entière. Oui, comme ça, j'arrêterai pas de serrer des mains. Non, sérieux. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette chinoise? Rien. Rien. Je vais rentrer. Parce que j'ai du travail demain. Comme un bon ouvrier. Comme si les trains avaient déraillé sans toi. Je m'en tape des trains. Ce que j'ai besoin, c'est de ma paye, c'est tout. Ta paye, le pitié. Le boulot, dodo, 8 heures. Manger bien chaud, bobonoli. C'est la Dolce Vita, hein, pour toi. C'était 4 fort, Chet. Chet. Chet. Donc ce qu'il faut retenir de ce dialogue, c'est qu'ils se rappellent quand ils se sont battus dans leur jeunesse, qu'ils décident implicitement de faire la paix, puisqu'un grand danger plane au-dessus de lui. Elle a choisi son camp, indirectement. Elle essaie en même temps aussi de le raisonner, de le mettre en face de son caractère, et en même temps lui reproche son train-train. Mais au final, la fin de la scène où il s'endort alors qu'elle lui parle, montre qu'il a désormais trouvé un refuge auprès d'elle. Le fait aussi qu'il avait besoin d'un autre endroit que chez lui, pour trouver une paix intérieure provisoire, on va dire. Si l'on prend ce passage de l'après-bagarre tel qu'il nous est décrit dans le roman, on a donc affaire à Chet qui s'est évanoui 5-6 fois, qui met 20 minutes pour revenir à la réalité, qui se remémore vaguement qu'on l'a dessapé, qu'on l'a passé sous la douche, qu'on l'a allongé. En regardant le réveil, il s'aperçoit qu'il est 3h40 du matin, soit l'équivalent de 4 heures de néant. En contemplant son reflet dans le miroir, il se trouve vénard car moins abîmé que prévu. Il a une entaille sur le front, un bleu au-dessus de l'œil droit, une coupure sur la lèvre et le côté droit de la mâchoire tuméfié. Il chancelle peu après et va donc se rallonger. Puis Bertha arrive avec des sels remontants pour diffuser dans les narines. Après, nous avons à peu près les mêmes remarques de Chet sur l'appartement. Ce dernier voit sa salopette tachée de sang. Il demande à Bertha « J'ai saigné tant que ça ?» et elle lui répond « C'est le sang de Hagen. C'est lui qui t'a transporté jusqu'ici par pure amitié. » Et elle ajoute qu'il ne l'embêtera plus car Chet s'est aplati et humilié. C'est ce que recherchait Hagen. Chet, là aussi, veut aller aussitôt s'expliquer avec Hagen. Il y a la même lutte avec Bertha, qui fait tout pour l'empêcher de partir, car elle dit « Je déteste les enterrements ». Elle le ramène prendre un bain, après les empoignades. Par la suite, ils boivent un alcool encore plus puissant que le whisky de maïs, un alcool intitulé « Tonnerre et éclair » que Bertha se voit fournir par Hagen. Elle dit à Tiet qu'elle n'accueille que des amis dans son appartement, elle espère donc qu'ils le sont, et elle dit l'avoir aidé en souvenir du bon vieux temps, et qu'elle l'apprécie à part son sale caractère de cochon. Et elle lui demande d'apprendre à se contrôler. Par contre, en supplément du film, elle a, dans le roman, un dialogue sur le fait que la rue est tenue par l'organisation, avec un O majuscule, et que les habitants, par leur silence, en font partie. Donc voici à peu près ce dialogue, ça donne ceci. Depuis le temps, tu devrais connaître les coutumes de cette rue. Tu vois les sales histoires que tu évitais quand tu étais gosse. C'était déjà dur à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est 1000 fois pire. Parce qu'alors, c'était des jeux d'enfants. Mais les enfants ont grandi. Ils sont adultes et ils ne jouent plus. C'est du sérieux. C'est pour de vrai. Quand on rencontre quelqu'un en travers de son chemin, on ne se contente plus de lui abîmer le portrait, on le liquide. Tiens, tu veux que je te dresse la liste de tous les mômes et de toutes les filles que tu as connues et qui ont disparu du quartier ? Ce n'est pas qu'ils aient simplement déménagé. C'est qu'ils sont morts. Et tu n'en as jamais entendu parler dans les journaux. Et il est certain que personne n'a bavardé. À moins que tu ne fasses partie de l'organisation. Chet lui demande justement « Quelle organisation ?» Et elle répond « Elle n'a pas de nom, c'est nous qui l'avons baptisée comme ça. Pour devenir membre de l'organisation, il suffit d'être un escroc, un trafiquant, un macro, un alcoolique, ou simplement un cinglé du couteau. Nous ne tenons pas d'assemblée générale, nous ne payons pas de cotisations, mais c'est tout de même une organisation. Tu y appartiens ou non. Si tu en fais partie, tu ne peux plus en sortir. Si tu n'y appartiens pas, tu dois rester en dehors et surtout ne te mêler de rien. Un faux mouvement. » Une seule imprudence et tu es éliminé. Sans même un avertissement. Le no man's land ou le cimetière. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc après cela, Chet demande à Bertha qui va prendre le relais le concernant, qui va le surveiller, qui va lui mettre la pression. Eh bien, elle lui répond, toi seul. Maintenant, tu as appris quelque chose que tu n'étais pas censé savoir. Bienvenue chez nous. Hagen t'a déclaré bon pour le service. Quand il est parti d'ici, en te laissant vivant, ça voulait dire que tu étais embauché. Mon vieux, tu es dedans jusqu'au cou. Et comme une sorte de regret pour elle-même, elle conclura « Rien n'est plus difficile que d'être au courant de tout ce qui se passe, de ne pas être d'accord, mais de ne rien pouvoir empêcher. Regarde-moi par exemple. Je vends de l'alcool frelaté et je prends un pourcentage sur les jeux. Rien de plus. Et pourtant, à mieux y regarder, je suis mouillé dans toutes les activités annexes. Le vol, les escroqueries, les attaques à main armée, le meurtre et d'autres choses bien pires encore. Comme ce qui se passe en ce moment même autour de cette petite chinoise. » Donc voilà, elle aura aussi les mêmes remarques sur le train-train de Chet, en ajoutant que travailler pour contempler au final les atrocités qui se déroulent dans la rue, c'est finalement bien triste. Donc c'est ce que dit le roman. Sur ce passage-là, on passe à la suite, où Chet rentre chez lui. Pour la scène suivante, on s'aperçoit qu'Eddie attend Chet en fumant dans la cage d'escalier. Dans l'appartement, il y a un combat entre Carla, Paul et George. Ce dernier se fait voler sa pension par son fils. On s'aperçoit aussi qu'ils se reprochent tous quelque chose. Paul arrive à prendre l'argent. Carla négocie donc une alliance pourrie pour dire d'avoir sa part. Pour cela, elle lui rappelle qu'elle est sa femme, alors que les liens sont très distendus et qu'elle le trompe. C'est comme si pour obtenir sa part, elle jouait sur la corde sensible, mais que ça sonne un peu faux, et que les uns et les autres se laissent berner pour dire d'avoir un calme provisoire. Le père, George, prend alors le fusil. Il tire, mais il n'est pas chargé. Et c'est alors qu'il se lance dans un monologue en disant que Carla est une messaline, mais en plus vulgaire. Et lui-même finit cette scène en disant qu'il ne veut pas se considérer comme un retraité du sexe. Je vous fais tout de suite part des ajouts du roman qui correspond à peu près à cette chamaillerie entre le triangle George, Paul, Carla. Et dans le roman, ce passage correspond au moment où Chet, revenu de chez Bertha ou Manu, comme vous préférez, selon que ce soit le roman ou le film, s'installe dans le salon et contemple les trois en train de faire une partie de craps. Jusque-là, pendant 9 ans, Chet les voyait comme trois silhouettes inanimées, qui n'étaient vivantes que quand elles lui demandent de l'argent ou quand il l'insulte. Pour lui, ils font office de vieux meubles. D'un coup, ayant bu avec Hagen, ils prennent une nouvelle dimension pour Chet. Finalement, ce sont des humains qui respirent le même air que lui. Ils sont son égal, car il a goûté et il a bu le torboyau. Il est dans la même division qu'eux. On apprend que le trio occupe une même chambre, avec le beau-père Georges sur un lit militaire et le couple dans le grand lit, dont Paul est parfois éjecté et ce qui le fait finir la nuit au sol. Dans le roman, le trio nous est décrit un par un. Godis commence par Paul, le bof de Chet. Bon, dans le film, c'est encore une fois, c'est joué par Jean-Pierre Calfont et c'est son frère. Alors Paul, qui est presque chauve, qui a une veste et un pantalon en lambeaux, ce qui fait de lui quelqu'un de limite habillé en clochard. Il est de taille moyenne, il a 39 ans, c'est un arnaqueur au billard, ce qui lui permet de ramener un peu d'argent. Il est très timide, à part quand il boit, ce qui est souvent le cas. Et enfin, il pousse des cris d'oiseaux exotiques et donne des coups de griffe à sa femme, qui s'appelle dans le roman Connie ou Constance. Si on passe à la description de cette dernière, elle fait donc 1m60 pour 47 kg, elle a une tignasse de caniche couleur chocolat, la nuque rasée, 29 ans, une maigreur lui donnant des dons de contorsionniste, ce qui fait qu'elle est très prisée dans les parties fines qui lui apportent $30 par semaine qui sont dépensés dans le gin et dans les instituts de beauté sans grand résultat. En effet, elle avait beaucoup d'acné en étant adolescente, elle a traité cela à la lame, d'où un visage écumoire. Si bien que le tableau, ça nous donne un œil exorbité, un nez brisé et un menton sans contour défini. Enfin, le troisième membre du trio, Georges, ou George, 73 ans, veuf, la police, sans âge, qui joue souvent au somnambule pour aller toucher Connie dans le lit. Des fois, il arrive à ses fins quand elle est bien alcoolisée, et donc souvent, il essaye de la saouler. Il a les yeux jaunâtres et c'est un habitué des tripots. D'où son aptitude à bien manier les dés, qu'il manipule souvent avec maestria, une sorte de flambeur artistique. Dans cette partie de craps, Connie et Paul se partagent les gains. Paul s'énerve pour que Connie lance les dés plus rapidement, sous l'effet de l'alcool. Il y a des premiers soupçons de triche. Georges dit que le lancer de Connie est régulier, et Paul soupçonne donc Connie d'avoir truqué les dés. Il y a donc une alliance Georges-Paul pour tricher, avec les dés qui sont sous-pesés, ce qui fait que Connie est en furie. Lorsqu'elle conteste, Paul lui donne un coup de coude dans le ventre et elle proteste bien sûr en disant « J'ai gagné, je veux mon fric » et elle crie au complot, au coup monté et que ses canailles la dépouillent. Elle plonge sur l'argent, elle se reprend un coup au bas-ventre par Paul. Georges replace les enjeux, 12 cents, c'est quand même pas beaucoup, comme s'il tenait un casino. Et Paul en profite pour remplacer les dés sous les yeux de Chet qui, encore une fois, assiste à la scène depuis son fauteuil. Jusqu'à ce moment, Chet faisait comme s'il ne voyait rien. Mais là, il se sent comme happé, comme poussé à agir. Paul dit à Connie que les dés sont truqués et il empoche donc le fric et qu'elle aille se faire pendre. La réponse ne se fait pas attendre. Connie met un coup de poing en pleine figure à Paul, puis un autre. Elle est projetée près d'une petite table où elle empoigne un cendrier que Paul lui défie de lancer. Elle est partie pour le faire quand elle voit le vieux en train d'essayer de piquer l'argent. Paul se jette donc sur son père qui zigzague comme un torero. Connie lance le cendrier qui passe entre les deux. Elle ne savait pas sur qui le lancer en priorité. Georges va pour partir, mais il est retenu par son fils qui lui met un coup de genou dans les reins. Connie essaye de récupérer l'argent dans les poches du père. Paul se rapproche et manque de se prendre un coup de pied bien placé par son père qui faisait le mort pour mieux attaquer. Paul veut donner un coup de pied décisif à Connie, mais Chet se lève et l'expédie loin de Connie et de Georges. Paul s'énerve, il se fait envoyer à l'autre bout de la pièce, et c'est là qu'on voit toujours ce réflexe de violence ordinaire, puisque celui qui s'est fait battre juste avant par l'un, quand celui-ci est attaqué, il le défend. Et ben là c'est le cas, alors que Connie allait se faire taper de façon assez forte par son mari, et bien le défend quand Chet porte la main dessus, en lui disant « Brute, laisse mon mari ». Paul de son côté lui répond « Laisse-le, c'est une affaire entre lui et moi ». Connie, toujours à Chet, « Tu n'as pas le droit de toucher à mon homme, c'est mon Paul à moi, je ne laisserai personne lui faire du mal. » Et Chet lui répond « Je ne lui fais pas de mal, je veux simplement qu'il se trouve tranquille. » Connie, « Tu l'as frappé, je t'ai vu espèce de sadique. » Et Paul finit sur « Amène-toi si t'es un homme, tu l'as voulu ta correction, tu vas la voir. » Donc Connie se rapproche de lui, lui dit « Ça t'a fait mal chérie, dis à maman ce qu'il t'a fait. » Et Paul lui balance un très beau « Oh ta gueule, Connie enlace Paul, qui la repousse. Finalement, elle l'entraîne dans sa chute. Il ne peut se relever car il est engourdi. Et entre deux, ils passent un marché. Donne-moi le fric et je t'offrirai à boire. C'est là que Chet sort son portefeuille et donne $1 à Connie pour pas qu'elle ait à se rabaisser au marchandage de Paul. Et c'est Paul qui empoche le dollar. George se lève aussi et les aide à se remettre sur pied et à sortir pour aller dépenser justement ce dollar en boisson. C'est alors que le repas qu'Edna a fait pour Chet est prêt et qu'il se dirige vers la cuisine. Voici donc pour ce qui est donc du roman. On voit donc ce système de violence ordinaire entre le trio, une sorte de rapport de force, d'alliance, de deux contre un, qui se retourne assez vite, et le fait que c'est limite un jeu entre eux, puisqu'on voit que quand Chet intervient, Connie se plaint que la dynamique soit cassée, alors qu'elle n'était pas en position de force. Donc tout ça est très bien décrit par Godis. On en revient donc au film avec la scène suivante. Cette scène nous amène donc le lendemain matin où on retrouve la voiture taxi de Hagen sur le bord d'autoroute. On voit visiblement qu'il a un supérieur à qui il remet l'argent de la veille, notamment la valise du noir qui était venue se plaindre. Ça nous montre indirectement qu'il est loin d'être tout puissant et qu'il doit répondre à des ordres au-dessus de lui. D'ailleurs, si on a l'oreille fine, on peut entendre dans les dialogues qui sont un peu marmonnés qu'il s'excuse pour quelque chose qui fait défaut. C'est alors qu'il revient dans sa voiture et qu'il discute avec Cobra ou Hugo à l'arrière. Et c'est là que Hagen lui fait part de sa volonté et de son envie irrépressible d'être avec la chinoise, et qu'il la lui faut donc à tout prix. Je vous passe donc le dialogue qui correspond au marché entre Cobra et Hagen. La petite chinoise, il me la faut. Je la veux. Je sais, Matt, je sais, j'ai bien pensé à ton problème. Pas si simple. Je voudrais te faire comprendre que dans ma tête, c'est plein de petites lumières qui s'allument. Ça clignote dans tous les coins. J'ai envie de me promener avec elle. J'ai envie de l'emmener dans les grands magasins. Lui offrir des cadeaux. Le vieux chinois ne se laisse pas convaincre. Eh ben alors pourquoi tu n'utilises pas la force? T'as qu'à l'enlever. Enlève-la. C'est une faveur personnelle que tu me demandes. Je sais. Je te serais très reconnaissant. J'espère bien. Mais je ne me contenterai pas d'un merci. Bah, demande-moi ce que tu voudras. Dis-moi ce que tu veux. J'aime bien les belles voitures. Les grosses voitures. L'odeur du cuir, la couleur noire. C'est distingué. Je me fous de la marque pourvu qu'elle soit grosse et distinguée. Comme celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux ma voiture? J'aimerais bien la même. C'est que c'est beaucoup de fric. Cobra. Je te préviens, je veux la fille bien emballée. Avec un certificat de garantie. Quelle garantie? Je veux pas qu'elle meure. Elle ne mourra pas. Et si elle se suicide? Je vais payer une femme qui ne la quittera pas d'une semaine. Et toi, Matt? Tu fais de drôles de trucs, parfois. Tu pourrais bien t'énerver, lui foutre une raclée, et peut-être qu'elle en mourra. Ça, c'est déjà vu. Je sais bien. J'essaierai de pas lui faire de mal. Si je perds la fille, tu perds la voiture. La petite chinoise, il me la faut. Je la veux. Je sais, Matt, je sais, j'ai bien pensé à ton problème. Pas si simple. Je voudrais te faire comprendre que dans ma tête, c'est plein de petites lumières qui s'allument. Ça clignote dans tous les coins. J'ai envie de me promener avec elle. J'ai envie de l'emmener dans les grands magasins. Lui offrir des cadeaux. Le vieux chinois ne se laisse pas convaincre. Eh ben alors pourquoi tu n'utilises pas la force? T'as qu'à l'enlever. Enlève-la. C'est une faveur personnelle que tu me demandes. Je sais. Je te serai très reconnaissant. J'espère bien. Mais je ne me contenterai pas d'un merci. Bah, demande-moi ce que tu voudras. Dis-moi ce que tu veux. J'aime bien les belles voitures. Les grosses voitures. L'odeur du cuir, la couleur noire. C'est distingué. Je me fous de la marque pourvu qu'elle soit grosse et distinguée. Comme celle-ci. que ça veut dire? Tu veux ma voiture? J'aimerais bien la même. C'est que c'est beaucoup de fric. Cobra. Je te préviens, je veux la fille bien emballée. Avec un certificat de garantie. Quelle garantie? Je peux pas qu'elle meure. Elle ne mourra pas. Et si elle se suicide? Je vais payer une femme qui ne la quittera pas d'une semaine. Et toi, Matt? Tu fais de drôles de trucs, parfois. Tu pourrais bien t'énerver, lui foutre une raclée et peut-être qu'elle en mourra. Ça, c'est déjà vu. Je sais bien. J'essaierai de pas lui faire de mal. Si je perds la fille, tu perds la voiture. Retour au film où Tchett est toujours chez Manu. Il se réveille. Manu est sur le lit avec un peignoir déboutonné. Tchett en profite. Il copule. Et en fond commence, chanté par Rocky Malone alias Paul Tchettman, Midnight Shadows. Que je ne résiste pas au plaisir de vous diffuser. Midnight Shadows, rock de cuir rouge. Midnight Shadows, personne ne bouge. Attendre l'aube, grise et rouillée. Chanter tout seul, c'est ma tournée. Midnight Shadows, c'était mon hit. Rocky le rouge, prince de la street. Personne ne bouge, laissez passer. Rocky le rouge, dans la fumée. Heavy metal, noce de parquet. Je suis le seul fils de James Dean. Donc la scène de copulation entre Manu et Tchett enchaîne sur la scène où Rocky Malone chante. On a donc au total une dizaine de spectateurs, des mannequins animés pour faire le groupe et quelques spectateurs supplémentaires. Tchett arrive donc dans ce hangar où il y a le concert improvisé et on peut déceler dans son regard de l'admiration pour son frère quand il chante. La joie aussi de le voir faire quelque chose de constructif, quelque chose pour les autres. Et cela doit rappeler bien sûr l'admiration qu'il avait pour lui dans sa jeunesse. Bref, le rappel furtif d'un bon moment passé dans ce quartier. Si on revient au roman et au rapprochement entre Bertha ou Manu et Tchett, eh bien on peut lire que Bertha est affectée par le fait d'être membre de l'organisation malgré elle. Le fait aussi de laisser faire des atrocités ou des choses peu glorieuses. Et d'ailleurs, elle descend une bouteille d'alcool fort, ce qui la fait s'écrouler sur le lit aux côtés de Tchett, qui lui aussi ressent le contre-coup de l'alcool, hein, cet alcool appelé tonnerre et éclair. À son réveil, Tchett a donc Bertha à ses côtés, elle est un peu dénudée, et il se sent comme aimanté vers sa peau. Il a d'un seul coup un sentiment de vie qui lui remonte à l'esprit, comme s'il avait été mort tout ce temps, et que la période qui va de son mariage à aujourd'hui avait été purement et simplement effacée en un instant. C'est comme s'il avait d'ailleurs attendu cet instant toute sa vie. Les deux donc se réveillent à 15h le lendemain, ils se rhabillent et se regardent. Ils ont un comportement de, on peut appeler ça, de silencieux contents. Ils sont contents de leur rapport, d'être passés à l'acte, sans niaiserie, sans sentimentalisme. Mais c'est quand ils se remettent à parler qu'ils commencent à s'embrouiller de nouveau. Une sorte de retour à la réalité, avec un café qui est refusé, lui qui a faim, qui est en retard à son travail. Et surtout, les deux qui ne veulent pas reconnaître qui a été à l'origine de leur étreinte. Finalement, Tchett sort rapidement de chez Bertha et va pour aller chez Sam, mais finalement, il est stoppé par le fait qu'il trouve Edna sur le seuil de leur domicile et qu'il attend. Donc si on revient au film, on enchaîne sur Lobo, le jeune déjà croisé près du terrain vague, qui veut à tout prix aller voir la grosse prostituée Tilly, qui est jouée par Myriam Salvodi, qu'on a déjà croisé dans Canicule. C'est elle qui jouait Lolo Adenauer, celle à qui donc Kim met de l'argent entre les seins à l'entrée de l'Ange Bleu, le bordel de Chartres, si vous vous souvenez un peu. Bref, on revient à Lobo qui se fait jeter car il n'a pas assez d'argent. Il croise donc Chet dans la rue, il a une discussion avec lui sur Tilly, où l'on voit donc Lobo admiratif par le fait que Chet connaissait déjà Tilly et qu'ils avaient eu des relations ensemble. Donc le fait que Lobo soit admiratif, ça lui fait même donner gratuitement une paire de Ray-Ban volées sans rien demander en contrepartie à Chet. Encore une fois, si on ajoute quelques petits suppléments par rapport au roman, donc Tilly est une prostituée de 150 kg qui a énormément de succès du fait de la variété des prestations qu'elle propose. Et le prix toujours le même, 6$. Donc on poursuit avec la scène suivante. Dans cette scène, Eddie, à savoir Corinne Dacla, est dans la chambre avec des ciseaux et un masque de soudeur sur la tête. Elle porte l'ancien blouson de cuir de Chet quand il était membre du gang des barbares. Elle lui demande où il était et avec qui. Il lui dit qu'il a perdu connaissance du fait qu'il a bu. Elle enlève alors le masque de soudeur, on s'aperçoit qu'elle a les cheveux coupés courts, ce qui effraie Chet. Il se rapproche et elle lui brûle la main avec une cigarette. Par réflexe, il la gifle. C'est la première fois d'ailleurs qu'il lève la main sur elle. Pendant ce temps, Georges, Michel Auclair, joue la scène du grand départ. Avec une parole adressée à Chet, « Tu devrais partir avec moi, on n'est pas fait pour ici, ils te suceront jusqu'à la moelle. » Chet n'y prête pas attention comme si c'était habituel et regarde plutôt les cheveux coupés d'Eddie dans le lavabo. Il n'écoute pas son père qui s'en va dans l'indifférent général. Il prend Eddie dans ses bras, l'embrasse et lui dit qu'elle est jolie quand même. Dans l'escalier, on assiste au retour de Rocky Malone avec Carla. On voit qu'il a clairement sniffé de la poudre. Et ça confirme l'image de Paul, qui dans ce passage-là est un beau raté, car il prend son fiasco pour un triomphe. Si on revient aux ajouts du roman, on a donc Chet qui sort de chez Bertha, comme on l'a dit, qui va pour manger chez Sam, mais qui tombe sur Edna, qui l'attend juste en face, puisque leur domicile est juste en face de chez Bertha. Là aussi, Chet est comme aimanté vers Edna. Là encore, comme s'il y avait une sorte de main invisible au-dessus de lui. Il lui dit qu'il veut aller manger chez Sam. On lit qu'Edna lui semble désormais comme une étrangère, maintenant qu'il a connu intimement Bertha, qui est un désir ancien. Finalement, Edna lui fait à manger. En attendant, il part au salon et observe donc la partie de crabes de sa belle famille dont j'ai déjà parlé. Après l'altercation qui finit peu glorieusement, et dans la boisson, nous avons droit à un passage où Edna a donc préparé un repas à Chet, durant lequel ils ont une discussion à peu près équivalente à celle du passage du film. On y voit le même décor de piles de vaisselle sale dans l'évier, de pieds de table rafistolés. Chet mange très vite son repas. Edna lui apprend que c'est Hagen qui a fait sortir George de prison. On rappelle qu'il avait une amende de 10 dollars et qu'il avait été libéré 3-4 heures auparavant. Donc cette libération, bien sûr, est due à la collusion entre Hagen et la police locale. Notamment des pots de vin pour arrondir les fins de mois contre le fait de fermer les yeux quand l'alcool est livré dans les estaminets de la rue. Edna questionne Chet sur ses blessures et lui demande pourquoi il a passé la nuit chez Bertha. À nouveau, il lui dit « J'ai bu, j'ai perdu connaissance ». Edna lui dit donc qu'elle ne demande simplement que la vérité, car elle est sa femme. Et pourquoi est-ce qu'il a replongé avec Hagen alors qu'il s'est tenu à l'écart tout ce temps ? Face à ce déferlement de questions, Chet s'en va en furie. Il va chercher son masque de soudeur dans la chambre pour partir travailler. Edna se met en travers de la porte pour continuer à parler de la situation. Chet menace de la frapper. Elle le met au défi. Pour ne pas avoir à le faire, il jette donc son casque contre le miroir de rage. Puis, Edna va lui parler indirectement. C'est-à-dire qu'il est dans la pièce, mais elle ne le regarde pas. Elle l'informe que le matin même, elle avait demandé de ses nouvelles à Sam. Sans que ce dernier ne dise quoi que ce soit, elle a deviné à l'expression de son visage que quelque chose de mauvais était survenu. Puis, elle l'a vu sortir de chez Bertha. Et elle dit à Chet, « L'homme que j'ai vu sortir d'en face n'est pas Chet Lawrence, mais toi. Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus mon mari, celui que tu as été pendant toutes ces années. Mais rien qu'un bon à rien comme les autres. Un cloporte sortant d'une flaque de boue. » Et ces paroles claquent dans l'esprit de Chet qui n'arrive pas à sortir un seul mot. Elle poursuit. J'ai toujours eu peur de ça. Je savais que ça se produirait tôt ou tard. Quand un homme vit dans un voisinage pourri, il finit par être contaminé. Je ne te critique pas. Et là aussi, à ces mots, il est sec. Il ne répond rien. Elle lui propose donc de ne pas aller travailler et de faire une balade dans le parc. Ils trouvent ça un peu cucu la praline, si on peut dire ces mots-là, car ils devront revenir tôt ou tard. Cette balade, ça serait une sorte de pansement éphémère au mal, mais ça ne le guérirait pas. Il lui propose carrément de prendre les voiles, car il ne peut partir sans elle. Et il se fait un film où ils se voient tous les deux partir loin de la rue, mais il est ramené assez brutalement à la réalité par Edna, qui lui dit qu'elle ne peut pas abandonner son père et son frère, car ils deviendraient des chats de gouttière affamés si elle n'était pas là. Il reprend alors son masque, dont les verres sont cassés, du fait de la projection de rage dans le miroir. Edna le relance sur la balade au parc, et il fait style de ne pas entendre, et demande s'il reste des verres pour réparer le masque. Le rêve d'évasion est donc parti, et il fait tout pour l'oublier, ou du moins laisser de côté tout ce qui pourrait s'y apparenter. On revient donc au film. On retrouve donc Chet sur le chemin de son travail, et il voit le restaurant chinois fermé, avec la porte entrouverte. Il y entre, c'est toujours le même bazar. Il entend du bruit et s'aperçoit que c'est Tempo. Ce dernier l'informe que le chinois est à l'hôpital et que la chinoise a été enlevée et amenée chez Tilly. Il a eu cette information par Lobo, qui a vu qu'elle y était, attachée sur un lit. Il sait également que la grosse Tilly là-bas pour qu'elle se taise. C'est elle donc qui doit la surveiller pour qu'elle ne mette pas fin à ses jours. D'après eux deux, Hagen va jouer avec la petite chinoise à petit feu. Ils se rendent compte qu'ils sont impuissants. Et pour Chet, c'est « chacun sa peau ». Ce qui aurait dû d'ailleurs donner le titre au film, chacun sa peau. Tempo décide donc de prendre sa destinée en main et déplore que Chet baisse les bras. Dans le roman, après la première entrevue entre Chet et Hagen chez Sam, Chet a le même dialogue. « Ça fait 20 ans que je m'occupe pas des affaires des autres. J'ai vu des types poignardés, assommés à coups de nerf de bœuf, découpés au hachoir. S'ils m'appelaient au secours, je tournais la tête et je m'en allais. Je ne suis jamais intervenu, même pas quand ils se vidaient de leur sang dans le ruisseau. » Le passage équivalent dans le roman est celui où Sam attend Chet après son poste du soir, le poste de Chet quand il revient à minuit. Roxanne Street est toujours comparé à un serpent avec des pavés qui correspondent à des écailles. Chet trouve Sam habillé en costume. Dans le film, ça fera référence à la scène de Temporini qu'on évoquera juste après. Sam emmène donc Chet chez un oracle, chez une voyante. Il dit à Chet qu'il est hanté par la chinoise. C'est ce qu'il dit dans ce dialogue. Depuis hier, je transporte un poids énorme dans ma poitrine. Ce soir, c'est devenu trop lourd pour moi. Il fallait absolument que je m'en débarrasse. Je suis donc venu parler à cette femme. On apprend aussi qu'il a fermé le restaurant à 22h30, qu'il a pris un bain, qu'il s'est mis en costume, qu'il est allé voir l'oracle, qu'il lui a parlé pendant une heure et qu'elle lui a dit ce qu'il devait faire. Et d'après lui, il va le faire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans cet extrait. Il vient un moment où le couvercle de la bouilloire saute. C'est ce qui s'est passé pour moi la nuit dernière, sur le coup des 3h30. Je suis en train de préparer un sandwich pour un ivrogne, et voilà Hagen qui s'amène avec ce petit magouilleur qu'il appelle Pancho. L'ivrogne s'en va, et Hagen commence à parler. Ce Pancho regarde dans ma direction, et Hagen lui dit de ne pas s'en faire, que Sam est régulier, et que Sam peut tout entendre. Là-dessus, il continue à parler de cette petite chinoise. Il raconte tout ce qu'il lui a fait et tout ce qu'il compte lui faire pour la rendre docile. Et puis, il me demande de préparer un casse-croûte pour la petite, qu'il lui portera dans la chambre. Chez l'oracle, cette dernière s'adresse à Chet. Elle lui demande quel est son métier. Il lui dit donc qu'il répare des rails de chemin de fer. Elle lui dit « Tu vis à Roxton. C'est une mauvaise rue qui a besoin d'être nettoyée. Tu répares les rails à la gare, mais tu vis dans une rue qui a grand besoin d'être réparée. Tu le feras avec ton cœur et du feu dans le sang. » Et elle a une phrase assez sibylline. « Aucun homme n'est partout, mais chaque homme est quelque part. L'homme doit savoir où il est. Regarder autour de lui ce qui se passe, faire ce qui doit être fait. » Donc après avoir cru que la vieille était folle, Chet rentre chez lui pour dormir. Au passage, il essaye de dissuader Sam de faire quoi que ce soit. On revient donc au film. Après avoir quitté Tempo, on retrouve Chet qui croise la route de Monokouille, joué par Christian Roth. Et ce dernier, on va dire, cherche. Chet cherche à le provoquer, ce qui donne une scène un peu what the fuck, puisque finalement, Chet le maîtrise, voilà, avec trois bons coups de pied qui montrent que Girodo maîtrise quand même un petit peu la boxe thaï, ou du moins a un potentiel de combat certain. Puis après cette scène, on retrouve Temporini, qui est en costume et lunettes, et qui lit le droit à Hagen, notamment le droit de ne pas retenir une personne contre son gré. Quand il dit cela, il est entouré de blousons noirs qui se moquent de lui. Et on a le droit donc à ce dialogue entre Hagen et lui. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne sera soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5, c'est marqué noir sur blanc. Vous n'avez pas le droit de séquestrer cette petite fille contre son gré. De droit. Monsieur. Monsieur. Tamporini. Et quel droit? Le droit des personnes à disposer d'elles-mêmes. Le droit, c'est moi. C'est Hagen. Hagen a tous les droits. Sale petite frappe. Je vous ordonne de libérer cet enfant immédiatement. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? J'ordonne. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Je vais t'écraser, sale rital! Mais vos kilos de muscles ne me font pas peur! Non, ils ne me font pas peur! Vous n'êtes qu'une vermine, un dévoyé! Un obsédé sexuel! Relâche-la, sinon! Sinon? Vous pouvez me tuer, mais vous ne me faites pas peur! Vous pouvez me tuer, mais vous ne me faites pas peur! Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne sera soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5, c'est marqué noir sur blanc. Vous n'avez pas le droit de séquestrer cette petite fille contre son gré. Le droit, monsieur... Monsieur... Tamporini. Et quel droit? Le droit des personnes à disposer d'elles-mêmes. Le droit, c'est moi. C'est Hagen. Hagen a tous les droits. Sale petite frappe. Je vous ordonne de libérer cet enfant immédiatement. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Mais j'ordonne... Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Je vais t'écraser, sale rital! Mais vos kilos de muscles ne me font pas peur! Non, ils ne me font pas peur! Vous n'êtes qu'une vermine, un dévoyé! Un obsédé sexuel! Relâche-la, sinon! Sinon? Vous pouvez me tuer, mais vous ne me faites pas peur! Vous pouvez me tuer, mais vous ne me faites pas peur! On se retrouve donc à la gare de marchandises avec Chet qui te travaille. J'en profite tout de suite pour faire une parenthèse avec le développement apporté par le roman de Godis en ce qui concerne le rapport de Chet avec son travail. On le retrouve à minuit, il continue à travailler alors que c'est l'heure de la relève, et il persévère dans la réparation d'une section de rail qui est très endommagée. Tout ça pour dire que ce travail est une source d'évasion de l'esprit pour lui, notamment avec les couleurs des flammes contre le métal, bleu, orange, jaune, qui l'emmène dans son esprit près d'une piscine, ou dans un jardin de fougères par exemple. Quand la flamme mord le métal, il se voit dans une tour avec une lumière blanche éclatante, des murs bleus, avec un patient qui aurait des membres brisés sur une table d'argent. Bref, Chet le répare. Cela lui amène un état de sérénité. Son masque de soudeur est tel un tapis volant l'emportant loin de la réalité, loin de son quotidien. Il se sent utile, il y chérit sa solitude. Et ses yeux deviennent tristes dès qu'il retire son masque. À son travail, il envie les conducteurs des wagons de marchandises qui, eux, partent ailleurs. Dans la suite du roman, on arrive à un passage évoqué précédemment où Sam, justement, emmène Chet chez l'oracle, après son travail. Là aussi, Chet a, comme toujours, son comportement d'être là malgré lui. Il est constamment sur le départ, mais quelque chose le retient toujours. Un sentiment, un personnage. Et c'est donc une scène parallèle avec celle de Tamporini qui fait part de ses remords sur la chinoise à Chet. C'est ce qu'on avait vu dans le film. D'ailleurs, si on revient à celui-ci, on voit donc Manu au loin qui prévient que Tamporini a provoqué Hagen. Et qu'après leur confrontation, il est allé voir les flics. Et qu'un contrat a été mis sur sa tête. À la fin de cette discussion, Manu et Chet s'embrassent les mains et cette dernière lui glissera la phrase « Tu sais pourquoi je suis venu ». Chet va donc d'urgence chez Tempo. On voit la voiture taxi de Cobra en bas. Quand il entre, il n'y a ni courant ni lumière. Et Cobra ou Hugo l'attend avec sa lame. Avant d'apercevoir, Chet ouvre ce qui va s'avérer être une porte-fenêtre qui donne tout de suite, en contrebas, sur des pics de métal. Cobra lui demande de mettre les mains au mur, d'écarter les jambes et d'allumer la lumière. C'est alors que Chet aperçoit Tempo, Temporini, qui est crucifié avec un couteau planté dans chaque main et un dans le dos, ce qui provoque les larmes de Chet. Si on revient au roman, il va y avoir également une scène où Sam meurt, mais avec une organisation complètement différente. C'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Dans le roman, comme je l'avais évoqué, après être allé avec Sam chez l'oracle, Chet était rentré chez lui dormir, mais il ne trouvait pas le sommeil. Il était perturbé par une énième dispute entre les trois membres de la belle famille, avec le vieux George qui essaye de tripoter Connie, et les trois finissent par se réconcilier en décidant d'aller au bar. Situation que, bizarrement, Chet leur envie cette fois-ci, car ils se rendent compte que pour eux, ils n'ont pas la crainte du lendemain. Edna s'offre à lui, mais il refuse. Ils se disputent, notamment sur le fait qu'il a passé la nuit dernière chez Bertha et que des nouvelles de cocufiage ont fait leur apparition. Et Chet lui fait la confession de vivre plutôt une mort lente qu'une vie. Il décide donc de sortir en plein milieu de la nuit, avec un beau passage de fin de chapitre, avec le clair de lune qui parle à Chet et qui lui dit, à propos d'Edna, « Elle ne pourra pas s'endormir avant ton retour, alors ne la fais pas trop attendre. » Il fait donc pour aller chez Sam, mais il ne connaît pas son adresse. Il l'obtient par le biais d'un marchand aveugle, qui va s'appeler Claude, qui se méfie d'abord en soupçonnant Chet d'être un flic, car justement il demande l'adresse de Sam. C'est le fait que Chet lui laisse la monnaie sans avoir de réponse qui fait changer d'avis Claude, en lui proposant d'aller apporter des petits cigares en cadeau à Sam. Dans ce cas-là, faisant livreur, il lui donne l'adresse. Sur le chemin vers le domicile de Sam, c'est toujours la même chanson, avec un Chet qui pense à reculons, qui pense simplement qu'il ferait mieux de rentrer chez lui, mais c'est son corps qui l'emmène naturellement vers son destin, et donc vers la minuscule cabane de Sam. Ce qui le motive, c'est que dès qu'il ferme les yeux, il voit la chinoise, alors qu'elle n'est rien pour lui, d'après lui. Quand Chet arrive, la cabane est vide. On voit juste qu'il y a un lit de camp, un sac de couchage, une table et une chaise. Sam arrive peu après et raconte justement à Chet l'histoire d'une aire de bœuf chez Tilly, avec Hagen qui n'a même pas pris la peine de le poursuivre et qui s'est contenté de rire à gorge déployée. Il dira donc à Chet « J'ai tout perdu il y a un moment. Je ne suis même plus un homme. Rien qu'un cloporte comme les autres. » Sam demandait juste qu'Hagen fasse quelques pas de poursuite. C'est ce qu'il dit. « J'aurais eu l'impression que j'existais. » Chet lui dit qu'il a au moins tenté quelque chose. Sam est content de voir les cigares de Claude et c'est à ce moment-là qu'Hagen et Pancho arrivent. Sam se sent revivre. Hagen entre en souriant à la cabane, mais il perd tout de suite ce rictus dès qu'il voit que Chet est présent. Il demande à Chet de lui laisser la chaise, car il a à parler avec Sam. Il fait une remarque sur les cigares offerts, qui est celle-ci. « Vous devez être sacrément amis pour que Chet vienne t'apporter des cigares en plein milieu de la nuit. » Pendant ce temps-là, Pancho enfile un gant couleur chair pour ne pas laisser d'empreinte digitale sur ses poignards, qu'il compte peut-être utiliser. Il veut que l'affaire se conclue vite, par la mort des deux. Mais Hagen prend le temps de réfléchir. Et Pancho lui dit « Tu vas encore faire une connerie, tu en as déjà fait une hier. » Mais Hagen lui demande quand même de ranger son couteau. Au passage, il constate qu'il n'y a pas de peur dans le regard de Chet. Il se tourne vers Sam, qui a les yeux bien ouverts et lucides. Et il lui dit « Jusque-là, tu as été l'homme d'inaction parfait. Mais ce soir, tu viens avec une aire de bœuf, qu'au passage Hagen a ramené. » Et donc Sam lui parle de la fille brutalisée. Hagen lui dit « En quoi cela te regarde ?» Et il répond « Cette fille n'a personne pour la protéger. Il faut que quelqu'un l'aide. » « Ça n'est pas juste que tu puisses faire du mal à cette fille et t'en tirer sans encombre. » Hagen lui répond « Cette fille n'est rien pour toi, Sam. Ce n'est pas comme si elle était ta fille ou ta frangine. Enfin bordel, qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que je lui fais ou pas ?» Il rétorque « Ça me concerne. Ça me dit que je dois faire quelque chose. » Hagen « Mais tu sais que tu ne peux rien y faire. » Sam « Je peux essayer dès qu'une occasion se présentera. » Hagen « Pour parler comme ça, il faut que ta tête soit malade. Tu parles comme un fou. C'est comme ça que parle un homme qui veut mourir. C'est ça que tu veux ?» Mais enfin, qu'est-ce qui t'a mis ces idées en tête ? Et Sam répond, quand je pense à ce que tu es en train de faire à cette fille, je sens les coups qu'elle reçoit. Tu dis qu'elle n'est rien pour moi, eh bien je vais te dire quelque chose, gars. Elle est tout ça. Elle est faite de chair et de sang, tout comme moi. Et ce que tu lui fais subir, je ne le supporte plus. Donc Hagen lui dit, tu vas essayer de m'arrêter ? Oui, j'essaierai. Hagen rigole, Pancho sort son couteau et demande à Hagen s'il peut l'utiliser. Hagen lui dit qu'il s'en charge. Chet dit à Sam de s'asseoir et de rester loin de Hagen. Mais il fait totalement l'inverse et il avance vers lui. Hagen lui tend le nerf de bœuf et lui dit de frapper. Le premier coup, porté par Sam, est détourné de l'épaule. Le deuxième est encaissé au niveau du biceps. Le troisième est esquivé. Sam est debout sur son lit. Hagen profite pour simuler une prise aux jambes pour lui envoyer un direct à l'estomac, ce qui fait plier Sam en deux, ce qui lui coupe le souffle et ce qui le fait tomber au sol. Hagen le redresse en souriant, lui enlève la matraque et le jette sur le lit de camp. Il continue de tenir, il arrête de sourire et regarde Chet avec des yeux disant « C'est bien dommage ». Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Il frappe donc Sam plusieurs fois au même endroit du thorax, jusqu'à ce qu'on entende le craquement des côtes brisées. Sam ne crie pas. Il se fait frapper au visage. Sa main recherche toujours le nerf de bœuf. Hagen l'achève en le frappant 3 fois sur la tempe, puis le massacre en le frappant au visage alors qu'il est allongé sur le lit, la main tendue, cherchant toujours la matraque. C'est donc la mort de Sam. Si on voit au niveau du scénario, outre le côté graphique qu'aurait donné cette scène s'il avait été filmé ou adapté, et qui aurait peut-être donné des problèmes avec la censure, il y a sûrement le fait qu'elle aurait fait doublon. Il y a une volonté, comme le dira Bernard Pierre Donadieu dans la partie bonus, de faire de Hagen un méchant crédible, qui agit malgré lui. La fin de ce passage du roman le montre au contraire déchaîné, agissant pour l'exemple, pour montrer à Chet. Mais cela dans le film, il l'a déjà fait lors de leur première entrevue. Et justement, en faisant tuer Tamporini par Cobra, cela donne plus d'épaisseur et plus de noirceur à ce personnage de Cobra. Plus d'emploi aussi. Si on remet d'ailleurs au film, la scène entre Cobra et Chet, eh bien Cobra lui dit comment il va l'exécuter. Notamment le fait qu'il aimerait avoir un prétexte pour lancer un couteau. J'aimerais tellement que tu tentes quelque chose. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est Hagen qui téléphone. Cobra l'informe qu'il a tué Tamporini, mais qu'il risque d'être un peu en retard car Chetman est là et qu'il va s'en occuper. Ça lui fait plaisir. Selon son goût, si ça n'avait tenu qu'à lui, Chetman serait mort hier. Donc ce dernier s'assoit, il replie le bout du tapis sous son pied, le saisit par la main qu'il a sous la table. C'est alors que les deux ont ce dialogue. Mais c'est pas tout seul. À quoi tu penses? Ça t'intéressera pas. Fais-moi participer. Tu sais, quand on est dans la merde, on essaie de penser à quelque chose d'agréable. Toi aussi, tu te fais tes petites lumières. Non, je pense à une femme. La tienne? Pas forcément. Ah, tu penses à une fille qui te fait bander. On peut dire ça comme ça. Les femmes, moi, j'aime pas ça. Hein? T'as déjà essayé? Moi? Jamais. Ah. Oh. C'est avec ça que je prends mon plaisir. Elle est belle, non? C'est surtout ta façon de la manipuler. T'as raison. Elle va toujours où je veux. Parfois, quand je suis seul, je joue avec elle pendant des heures. Des heures. Je la lance dans l'oreiller, sur les murs, partout. Et au bout d'un moment, ça jette de plus en plus vite. Toujours plus vite. Et je me mets à suer. C'est là que ça commence à être bon. Donc ce dialogue nous montre un Cobra asexué. À la suite de ce dialogue, comme on peut l'entendre vers la fin de la scène, Chet tire le tapis et il bascule la table pour se protéger de la lame et du rasoir. Il dirige Cobra vers la porte-fenêtre et ce dernier est plongé dans le vide et tombe sur un des pics en métal et il meurt donc empalé. Dans le roman, pour cette scène, on revient après la mort de Sam par Hagen. Ce dernier donc fait les 100 pas pour réfléchir à la situation. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Chet a le sentiment que Sam l'abandonne contre deux fauves, et dans un certain sens, il lui en veut. Pendant ce temps-là, Pancho continue à s'amuser avec ses lames. Hagen lui demande les clés de la voiture neuve pour aller la chercher, et promet de remettre à neuf les parties endommagées par le cadavre de Sam. Le but est de ne pas laisser de traces. Pancho va mégoter beaucoup, mais finit par donner les clés. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils s'occuperont de Chet à son retour. Selon Hagen, Chet ne va rien tenter car il connaît la réputation de Pancho avec les couteaux. Et il s'en va. De suite, Pancho continue son numéro avec ses lames pour montrer justement à Chet qu'il en a 4 au total et ce dernier lui demande s'il peut s'asseoir. Dans son esprit, il faut qu'il gagne du temps et attaquer au moment le moins évident, mais il sait aussi que les minutes sont comptées jusqu'au retour de Hagen, qui ne lui laissera aucune chance de s'en sortir vivant cette fois-ci. Il pense qu'il trouvera un prétexte pour frapper car il ne peut jamais rien faire s'il n'a pas une bonne excuse de le faire. Il demande aussi donc s'il peut fumer. Et Pancho va lui dire « Oui, mais tu m'enfiles une à la régulière. » C'est-à-dire que Pancho est aussi sur le qui-vive. Il s'attend à une réaction de Chet. Pendant ce temps-là, ce dernier pense à Inna et à ce qu'elle deviendrait s'il était amené à trépasser. Dans sa tête, il refait vite le film. Il a peu d'économies, moins de $200 à la banque, qui serait vite bouffé par sa belle famille. Il songe aussi à la nuit passée avec Bertha, ce qui le réconforte. Et il fait part de ses réflexions à Pancho, comme on peut l'entendre dans le dialogue. C'est là que Pancho va dire ne pas vouloir de la compagnie des femmes qui, je le cite, « l'emmerde à crever ». et il préfère justement les lames qu'il lance, même quand il est seul, et là, donc, on a la même tirade que dans le film. Il avoue aussi qu'il a intimidé l'oncle de la chinoise la veille avec une démonstration de ses talents. Chet donc cherche donc à faire diversion avec le cadavre de Sam en tirant sur la couverture. Le corps de Sam tombe donc à la renverse, ce qui va distraire Pancho, qui ne rattrape pas la lame qu'il avait lancée. Le temps qu'il reporte son attention sur Chet, ce dernier est déjà en train de foncer sur lui. Il y a donc bel et bien un effet de surprise, puisque Pancho était sûr de tout ce qu'il avait cherché à démontrer auparavant. La démonstration avec les lames, plus les couteaux qu'il a sur lui, plus le fait qu'il montre qu'il est sur le qui-vive. Il y a donc un effet de surprise, et au lieu de chercher une autre lame avec sa main, il l'utilise pour faire signe à Chet de ne pas avancer. Ce dernier sait qu'il ne doit laisser aucun répit à son adversaire pour qu'il trouve ses armes de prédilection. Il lui tord le poignet et lui donne un coup de poing dans la face, ce qui va faire tituber Pancho. Il continue avec un swing au menton et deux coups à l'estomac, puis un droit de gauche à la face et un dernier entre les deux yeux. Malgré le fait qu'il soit sonné, et à l'image de Sam qui continue à chercher de la main le nerf de bœuf, les réflexes de Pancho le guident vers ses lames. Chet, d'ailleurs, évite l'une d'elles de peu. Elle lui frôle la poitrine de quelques millimètres, alors que Pancho est diminué. Donc ça veut dire que s'il avait eu tous ses moyens, c'était la mort assurée pour Chet. Ce dernier se jette donc sur lui et l'étrangle pour éviter qu'il ne décoche le poignard qu'il a en main. Une fois Pancho décédé, Chet sort de la cahute, déambule dans la ruelle, groggy, et entend le moteur de la voiture neuve avec Hagen à son bord. Il se cache donc pour la voir arriver. Il va observer Hagen qui entre sans couper le moteur, ramener le corps de Pancho puis celui de Sam dans la voiture sans montrer de signe de panique. Lorsqu'il redémarre, Chet espère que Hagen le remarquera pour qu'il puisse en finir. Mais finalement, il reprend ses esprits et sait qu'il perdrait à nouveau si le combat avait lieu maintenant. Il lui fallait donc du temps pour agir correctement, contrairement au film où il crie et où il veut en découdre au plus vite. Cependant, il brûle de passer à l'action et dans le roman, ça nous est décrit comme, voilà, comme s'il avait son masque protecteur et qu'il s'apprêtait donc justement à réparer la rue comme lui avait dit l'oracle. À titre indicatif, à ce moment-là du roman, il est 4h20 du matin. On revient donc au film, pour ce qui va être l'avant-dernière scène. On retrouve donc Chet qui crie « Again !» dans les rues. Il va dans son atelier, Eddie veut qu'ils partent ensemble et qu'ils ne cherchent pas à se venger. Or, Chet est dans son élément et dans son action, et continue de souder ce qui va s'avérer être un point américain. Eddie continue de lui rappeler qu'ils sont mariés, et même l'origine de leur mariage. Pour le retenir, elle se déshabille et elle s'offre. Ce qui, je le rappelle, n'est pas quelque chose qu'elle aime particulièrement, mais c'est un moyen pour elle de négociation avec Chet, et un signe d'amour. En partant, Chet croise George dans l'escalier, qui revient sous le prétexte qu'il n'a pu se résoudre à abandonner sa famille. Chet poursuit son chemin et rejoint le jeune Lobo, pour mettre en place un stratagème où ce dernier va payer Tilly, entre guillemets, pour tirer son coup, ce qui va lui permettre de laisser la porte ouverte pour que Chet rentre chercher la petite chinoise. Une fois que Lobo est dans la chambre avec Tilly, il prétexte une panne et s'en va. Cela, ça sera pour ne pas être soupçonné par Hagen. Tilly referme donc derrière elle avec une barre. Elle entend du bruit dans la chambre. Elle prend justement cette barre et menace Chet qui va la projeter dans l'escalier et on suppose qu'elle mourra d'un coup du lapin, ce qui permet à Chet et la petite chinoise de partir. Dans le roman, en parcourant la rue, Chet tombe sur un clochard dont il achète les services contre assez d'argent pour qu'il puisse acheter une bouteille de vin. Dans le roman, le SDF remplace donc le jeune Lobo du film, qui n'existe pas dans le roman. Chet monte simplement le stratagème d'envoyer le clochard taper chez Tilly, mais avec pas suffisamment d'argent pour que le clochard puisse offrir ses services et qu'il se fasse renvoyer après avoir insisté lourdement. C'est donc ce qu'il fait. Après que le clochard ait importuné assez de temps Tilly, Chet apparaît comme si c'était le hasard et aide Tilly à se débarrasser du clochard. Le but de Chet est qu'elle lui propose d'entrer de sa propre initiative, sans qu'elle ne se méfie, car elle est décrite comme disposant toujours d'un objet contendant pour faire fuir les mauvais payeurs. Il va donc la complimenter sur ses vêtements, lui rappeler le bon vieux temps qu'ils ont passé ensemble durant leur jeunesse. Chet va faire sous-entendre aussi qu'il perd du temps à travailler, qu'il n'est pas heureux chez lui. Et donc, ayant le sens du commerce, Tilly sent ce qu'on peut appeler le bon pigeon, et finit d'ailleurs par le laisser rentrer dans sa maison de passe. Il va donc dans cette maison, et il est surpris par le côté chic de l'intérieur, qui va contraster avec le côté crade de la façade, qui d'ailleurs se trouve à côté d'un terrain vague. Tilly indique justement qu'elle a dépensé l'argent gagné dans la déco. Chet aperçoit aussi qu'elle a une clé anglaise sur le côté de la robe, et il en profite aussi pour repérer la configuration des lieux. Ils arrivent donc tous les deux dans la chambre de Tilly, qui est décorée avec notamment des objets à sa gloire. par exemple un tableau fait par un admirateur. Elle raconte aussi qu'elle reçoit souvent un joueur de flûte qui la paye juste pour être en sa compagnie et jouer de son instrument, la flûte, allongée sur un tapis, pendant que elle prend un bain. D'un coup, on entend taper et les cris parviennent d'une chambre à côté. Bien que Chet sache de qui il s'agit, il fait le surpris face à Tilly. Cette dernière dit au cri de cesser, sinon elle se déplace. Or, ces bruits ne s'arrêtent pas. Elle dit donc à Chet de l'attendre. Restant dans la chambre, il se rappelle qu'elle a sa clé anglaise, qu'elle est rapide malgré son poids. Il se remémore aussi comment elle était intelligente quand elle était à l'école, mais qu'au final, la rue l'a transformée en personne dure et mangeuse d'hommes professionnels. La prisonnière chinoise est pour elle un objet plus qu'une personne. Il constate à nouveau qu'il ne peut plus supporter la situation. Cela fait trop longtemps, selon lui, qu'il se tourne les pouces. Revenant dans la chambre, Tilly tourne le dos à Chet quelques secondes. Il en profite donc pour saisir la clé anglaise et la frapper par deux fois. Elle est donc assommée, mais contrairement au film, elle ne semble pas mourir des suites de ses coups. Ce qui change aussi par rapport au film, c'est qu'il va délivrer la chinoise, qui est attachée à la barre du lit. La chambre, pour ne pas parler de placard, est décrite comme minuscule avec un simple lit. Et la chinoise fait plus de résistance et semble atteinte d'une sorte de syndrome de Stockholm par rapport à Hagen. Chet va donc chercher, dans la panique, un endroit où la mettre en sûreté. Et par rapport au film, c'est dans une situation moins calme que prévu. Pour lui, il est bien sûr hors de question de la ramener chez son oncle. Il se dirige donc chez Bertha. Et c'est là qu'on arrive à la dernière scène du film. Dans le film, nous sommes donc de retour chez Chet, où on voit donc Paul et Carla qui font la chose, et Hagen qui débarque. Bien sûr, il cherche Chet. Il ne le trouve pas et il repart en voiture taxi, il va au hangar. Pendant ce temps-là, Chet est dans l'appartement de Manu avec la chinoise. On voit que Ned Beu, donc Jean-Claude Dreyfus, a été frappé lorsque Hagen débarque et avant de descendre, Manu propose à Chet un flingue. Il le refuse, il descend et c'est là que l'ascenseur s'ouvre. Il s'apprête donc à affronter Hagen. Je reviens tout de suite après sur cette scène. Si on reprend le cours du récit du roman, Chet a toujours à ses bras la chinoise qui se débat. Il voit une fenêtre éclairée chez Bertha. Il a un dilemme car il sait que s'y trouvent beaucoup entre guillemets d'ennemis silencieux qui obéissent inconsciemment à la règle de la rue qui est basée sur la peur que suscite Hagen. Il se dit intérieurement « Tu es le roi des cons. Si tu frappes à cette porte, tu es un homme mort. Dès que Bertha va te voir, elle va te cracher à la figure. » Mais comme à de nombreux moments dans le roman, Chet est comme téléguidé. Il va donner un coup de pied dans la porte pour frapper. Bertha, qui pense que c'est un client lambda qui frappe, dit d'aller à l'avant. Bon, pour faire voir que c'est lui, Chet s'annonce. Elle ouvre, demande un petit moment pour réfléchir à la suite des événements, et Chet pense encore se faire envoyer balader, car Bertha risque gros si elle lui vient en aide. Finalement, elle lui dit d'emmener la fille au premier étage dans sa chambre. Les ivrognes voient passer le paquet sous le bras de Chet, il y a même sa belle famille qui est présente. Or, Chet continue son chemin et emmène la chinoise dans la chambre de Bertha. Quand il s'y trouve, Bertha rassure la jeune fille. Elle demande à Chet de donner la bouteille de tonnerre et éclair et de faire couler un bain chaud. Pendant ce temps-là, des ivrognes essayent de se rapprocher de la chambre pour savoir ce qui s'y passe. Bertha sort pour les faire descendre. Parmi les récalcitrants, il y a la belle famille de Chet, dont Paul, qui est le plus véhément, qui notamment menace de le dire à Edna. Et Connie essaye de l'en dissuader. Il pense que Chet est venu se payer du bon temps avec la fille. Or, il est bien loin de tout ça, il se concentre sur la fille pour qu'elle reprenne ses esprits, notamment avec l'alcool. Bertha l'emmène prendre le bain chaud. Une fois celui-ci pris, il discute de ce que Hagen peut être en train de faire. Enterrer les corps, les découper en morceaux, les brûler dans une chaudière. Il semble inutile d'appeler la police, qui est aux mains de Hagen. Il s'interroge pour savoir s'il va prendre la peine de venir. En prévision de cela, Chet demande à Manu s'il a de quoi se défendre. Elle lui répond par la négative, à part quelques outils rudimentaires. C'est à ce moment qu'on entend des pas dans l'escalier, Chet va voir, et c'est Hagen qui se ramène. Si on revient dans le film, quand l'ascenseur s'ouvre, Chet brandit son poing américain. De son côté, Hagen a un manche en métal avec des picots qui lui couvrent l'avant-bras. Et les premiers coups qui sont portés, c'est Chet qui joue avec ses jambes dans la face de Hagen. On s'aperçoit que le combat est équilibré, que les blousons noirs commencent à sortir des baramines. Mais pour Chet, il y a sa belle famille qui se ramène. George, le père, avec son fusil. Paul, le frère, avec un rasoir. Et Carla, sa belle-sœur, avec un couteau. Hagen commence peu à peu à être en mauvaise posture. Certains essayent de l'aider pour qu'il récupère. Pendant ce temps-là, Chet a perdu son poing américain. Pour lui venir en aide, on voit Eddie qui débarque avec une chaîne, mais elle est projetée dans le mur par Hagen, avec la tête qui cogne, et elle meurt sur le coup. Accablé par le chagrin, Chet va la voir, il s'aperçoit qu'elle a trépassé. C'est cet acte qui va faire que le public présent va être atterré par le comportement de Hagen qui essaye de profiter de ce temps-là pour aller frapper Chet. Ce dernier, donc de rage, rugit et le finit à coups de boule. Et on voit Hagen qui est à terre. Si je reviens dans le roman pour cette scène, une fois que Hagen arrive au bas de l'escalier, qu'il monte assez vite, il essaye de choper Chet au mollet. Celui-ci se recule à temps, puis donne un coup de pied en plein visage à son assaillant, qui arrive à se raccrocher à la rampe pour amortir sa chute. Chet enlève son veston, déboutonne son col de chemise et remonte ses manches. Hagen lui fait signe de le rejoindre. Bertha essaie de dissuader Chet et lui propose de s'enfuir par la fenêtre. En vain. Pendant ce temps-là, les ivrognes dégagent les tables et les chaises pour faire du bar une arène. Quand ils descendent l'escalier, Chet est surpris de constater chez eux une joie méchante sur leur visage, comme s'ils le prenaient pour un traître désormais. Pour eux, en effet, il a osé déranger l'ordre établi de leur enfer. Ils encouragent donc Hagen à battre Chet à plate couture et sans pitié, avec des invectives comme « sors-lui les tripes, casse-lui les reins, mets-le en bouillie, descends salopard, tue-le ». Hagen lui-même dit à Chet « descends si t'es un homme ». Chet va donc en avant, même s'il sent qu'il ne s'en sortira sûrement pas vivant. Hagen a le même sourire qu'avec Sam, mais il se prend un coup au visage. Chet esquive un coup à l'estomac, mais se voit dresser le poing droit de Hagen sur la tempe, ce qui lui fait l'effet d'un parpaing qu'il aurait reçu en plein visage. Un peu au hasard et dans un instinct de survie, Chet parvient à lui envoyer un crochet du gauche, ce qui met Hagen au sol. Chet s'avance, Hagen le chope au mollet et l'emmène aussi vers le sol, mais Chet arrive à se dégager d'un coup de coude. Ils se relèvent tous les deux, et Chet attaque des deux poings sur la face de Hagen. Plus un uppercut à la mâchoire, plus un coup dans la zone sensible. Chet sent donc qu'il gère le combat, mais il se montre très prudent car il sait qu'il ne faut pas qu'il se précipite et risquer de se prendre 2-3 coups par pain, on peut les appeler comme ça, qu'il ne pourrait plus endurer. Il ressent une fatigue soudaine. Hagen se relève, toujours encouragé par les spectateurs. Il a notamment droit à des fracassus de la gueule. C'est alors que le regard de Chet croise celui de Bertha, ce qui le rebooste. De plus, d'autres voix commencent à être en sa faveur, notamment sa belle famille. Connie qui va lui dire « attaque Chester ». George qui va lui dire « soigne ta gauche ». Hagen met donc des petits coups vicieux. C'est là qu'Edna fait son entrée. Elle a été cherchée par Paul, ce qui lui amènera des reproches de la part de Connie, qui lui dit qu'il aurait dû s'abstenir. Edna va hurler en disant « arrêtez ça, par pitié ». Or, Hagen continue de marteler Chet au ventre. Edna se lance donc sur lui et se fait envoyer balader tout de suite sur la rampe d'escalier. Chet va vers elle, Hagen le retient en riant et il est parti pour l'achever, une sorte de finish him. C'est là qu'il se prend à s'enrayer par le vieux George, un vase par Connie et d'autres éléments du mobilier par les autres spectateurs. Surpris, il ressent donc stupeur, colère et puis du dédain pour eux. Et assez vite, il saigne sous l'impact de la pluie d'objets aux contours anguleux. Bertha va dire aux clients du bar « tuez-le, c'est du poison, il faut l'éliminer ». Hagen demeure donc silencieux face à ce spectacle, malgré une douleur atroce. Il veut s'enfuir, mais il trébuche et il est vite immobilisé par la masse. Connie a le temps de sortir un pic à glace d'un tiroir, Paul un couteau à pain et George une boîte de soude caustique qui a pour propriété d'être irritante et corrosive pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives. Voici cette scène dans le roman et on arrive donc à l'épilogue. Dans ce dernier, il y a une ambulance qui arrive avec ce qu'on suppose être la mort de Hagen puisqu'on voit son bras qui dépasse. Il est sur une civière avec un drap au-dessus de sa tête, donc on suppose qu'il n'a pas survécu. Les policiers donc prennent les dépositions avec personne qui n'a rien vu. Et dans le film, ce sont les policiers qui sont ceux qu'on a vus plus tôt dans le film et qui sont corrompus. Chet qui se trouve près du cadavre d'Eddie reprend son alliance. Manu fait une déposition également pour les policiers où elle dit qu'elle n'a rien vu. Ces policiers, justement, sur demande de Chet, vont s'occuper de la petite chinoise. Ils s'éloignent, la tête en sang, et on a le droit à un plan final miroir, comme je l'avais déjà évoqué, où on le revoit faire du stop. Et cette fois, un routier le prend dans son camion. Il s'en va donc en laissant sa famille derrière lui et son passé. Et c'est comme ça que se conclut le film. Pour ce qui est du roman, on revient au moment où Chet et Bertha sont au-dessus d'Edna qui va rendre son dernier souffle. Chet se lève au milieu des gens et va vers la rue. Bertha l'informe que la masse a liquidé Hagen, qu'ils l'ont coupé en morceaux et qu'il n'y a presque plus rien à enterrer. Les flics aussi sont prévenus. Bertha dit qu'elle veut s'en aller, qu'elle veut laisser son bar, qui d'ailleurs risque d'être fermé, et ils entendent au loin un train en partance. Même les lumières de la rue semblent dire à Chet « Tu es resté assez longtemps dans le ruisseau, il est temps de t'en aller et tu sais très bien que maintenant, il n'y a plus rien qui puisse te retenir. » Bertha lui dit finalement « Bien sûr que je vais rester dans le quartier. Où pourrais-je vivre ailleurs qu'ici? J'appartiens à cette rue. J'y suis planté pour toujours. » Au final, après cette déclaration, Chet comprend qu'il restera aussi dans cette rue qu'il a aidé à reconstruire et que les paroles de Bertha s'appliquent finalement aussi à lui. La fin du roman sous-entend qu'il ne perd pas de temps avec Bertha et qu'ils vont assez vite être ensemble puisqu'il l'amène devant sa maison, qu'il voit désormais sous un autre œil. En effet, plutôt qu'un lieu de mort lente, c'est plutôt l'endroit d'une vie nouvelle. On a donc une fin sensiblement différente puisque ce sont les gens du quartier qui tuent Hagen et non Chet dans un accès de rage après le coup de Hagen porté sur Edna. De même, dans le roman, il reste dans la rue alors que le film laisse sous-entendre que la nature a horreur du vide et que Manu va prendre la suite de Hagen, sûrement pour faire le bien, mais avec, encore une fois, l'idée de domination comme règle chronique de cette rue. La fin du roman semble aussi plus consensuelle, avec l'idée d'une dépollution d'un espace, alors que le film porte plutôt sur le personnage de Chet, qui arrive à trouver une forme de libération une fois qu'il a la conscience tranquille par rapport à une mission implicite qu'il devait accomplir. En effet, la politique de l'autruche qu'il appliquait depuis un bon nombre d'années semblait arriver à sa fin. Si je conclue rapidement, sans grande surprise, il y a donc un véritable travail d'adaptation de la part de Gilles Béat et de Jean Vautrin pour retranscrire l'ambiance du roman de Godis qui se déroule dans l'Amérique des années 50 et lui faire faire le voyage scriptural pour qu'il puisse intégrer la France des banlieues de la première moitié des années 80, dont le décor premier était amené à disparaître. On peut prendre comme exemple Ciao Pantin et son quartier qui fut totalement réhabilité par la suite. Je vous conseille de voir cela notamment dans le documentaire « Il était une fois Ciao Pantin » où il y a des comparatifs entre l'époque du tournage et aujourd'hui. Rue Barbare est aussi un film représentatif de la fin d'une époque, l'époque des blousons noirs qui est apparue dans les années 50, puis celle des loubards. Béat et Vautrin ont donc gardé l'idée des bandes, l'idée d'un quartier aux mains d'une organisation avec un chef à sa tête. Comme je viens de le dire, ils ont changé l'angle du point de vue général, à savoir dans le roman un quartier qui prend au final son destin en main, contre un point de vue plutôt centré sur le personnage de Chet, sur la destinée d'un personnage dans le film. Il y a aussi l'idée des alliances opportunistes, des alliances temporaires, qui se font selon les besoins et selon le contexte. L'importance de l'image qu'on renvoie aux autres, l'importance de l'apparence, l'importance des ressentis, dont le prédominant doit être la peur, même pour Hagen qui a des supérieurs et qui doit par exemple aussi négocier avec Cobra, la peur d'être trahi par exemple. Enfin, il y a l'idée donc tout simplement du rapport de force qui est prégnant dans ce film, ce qui est enfin un divertissement beaucoup moins basique qu'on pourrait le penser. Encore une fois, je le répète, on peut lui reprocher son aspect daté au niveau années 80, mais on peut avoir de l'affection pour lui du fait de sa sincérité et de l'implication assez forte des acteurs et auteurs dans sa fabrication. Je ne m'attarde pas plus et on passe donc tout de suite à la catégorie des suppléments où on va avoir quelques éclairages supplémentaires sur justement cette fameuse implication des acteurs pour apporter une certaine plus-value à ce film par rapport à la production qui se faisait à l'époque. On passe donc tout de suite aux suppléments. Ah ben voilà autre chose. Je vais essayer d'obtenir la participation de Charles à ce supplément. Pas mal de bonnes qui t'attendent. Vous savez, en payant un petit supplément, vous seriez couvert jusqu'à 4 millions. Et dites aussi à votre copain là, qu'aujourd'hui, pour arracher les gens à leur télé, ça suffit plus les belles histoires. Faut leur montrer en supplément des scènes qui feraient dégueuler les singes du Jardin des Plantes. En guise de supplément, je vous propose donc d'écouter les propos des deux principaux protagonistes du film, à savoir Bernard Giraudot et surtout Bernard-Pierre Donadieu, qui nous a livré un gros témoignage assez riche en anecdotes et en informations dans le bonus du DVD paru en 2006 et qui constituera donc l'essentiel des suppléments. Mais tout d'abord, je me permets de passer un extrait d'une interview que Bernard Giraudot avait donnée à l'époque, donc le 10 janvier 1984, au journal de 13h d'Antenne 2, à l'époque c'était Antenne 2, avec Daniel Bilalian et France Roche, qui était la spécialiste cinéma. À cette occasion, il était interviewé en même temps que Gérard Lanvin, qui venait présenter Ronde de Nuit, qui est sorti une semaine après Rue Barbare. Et, comme vous allez l'entendre, Bernard Giraudot répond à la question de Daniel Bilalian sur son implication par rapport à ses tournages et la façon dont il conçoit le métier d'acteur. Je vous passe donc tout de suite ce court extrait. Que les acteurs de votre génération demandent à plus participer d'une manière générale avec le réalisateur, ou bien ça dépend du réalisateur. Si c'est un grand, on se tait, on tourne, et puis si c'est un autre, on... Moi, je participe énormément, je peux pas faire autrement. Avec Gilles Béat, ça a été formidable. J'ai travaillé 2 mois avant avec lui. Je suis allé travailler avec Vautrin, qui avait l'adaptation, et avec Gilles. Moi, j'allais improviser des scènes comme ça pour me marier, me liser. Et on a travaillé en collaboration 2 mois avant le tournage, tout le tournage. Je peux pas faire autrement. Moi, ça m'intéresse pas de faire du cinéma si je peux pas savoir comment Jean-François Robin éclaire le film, comment le caméraman tient sa caméra. Moi, j'ai envie de tout savoir sur un tournage, ça m'emmerde d'arriver avec mon texte sur rasoir, d'ailleurs je l'apprends jamais, et de me dire, on me dit, mais là, tu vas là et tu fais ça. On en a rien à foutre, finalement, ça ne veut plus rien dire, ça. Il faut qu'on participe, parce que les personnages, on s'investit énormément dans ces personnages, on s'y amuse beaucoup, mais pour s'amuser jusqu'au bout avec la technique. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on est au théâtre, on a les spectateurs. Maintenant, quand on est au cinéma, on a la caméra qui risque de nous bouffer, on n'a pas envie de se faire bouffer par la caméra, on a envie de jouer avec elle, on a envie de se marrer. Vous voyez que ça nous énerve, quoi. Alors on va en rester là avant que ça tourne mal et que vous nous remerciez le studio. Nous reviendrons donc sur Bernard Giraudot un peu plus tard, quand il sera question notamment de la chorégraphie du combat final du film. Mais j'enchaîne tout de suite avec l'interview très précieuse qu'a donné Bernard Pernonadieu pour le DVD de 2006, où il évoque différents axes très intéressants et qui vont nous apporter des informations supplémentaires et assez précieuses. Tout d'abord, sur la façon dont il a obtenu le rôle et le fait que ce n'était pas l'interprète forcément prévu à la base pour ce rôle de Hagen. Bernard Pierre, vous vous souvenez de votre première rencontre avec Gilles Béat ? Non, pas vraiment, mais je me souviens par contre de la deuxième dans un café avec lui et Giraudot. Voilà. Passé une petite heure ensemble et puis au bout du compte, j'ai pas été pris. Ben non. Suite à ce premier rendez-vous, j'ai pas été pris. Enfin, on parle de rue Barbare. Hein. J'ai pas été pris. Ils ont choisi Jean-Roger Milhaud. Et moi, ils m'ont appelé après pour me demander de faire le bras droit de Hagen, celui qui a quitté tout là. J'ai dit, ah non, moi j'ai dit, on me propose, on m'appelle pour faire Hagen, c'est pas pour faire après son bras droit et puis donner un petit peu de poids à Hagen, à celui qui le fera, quoi, c'est pas possible. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un souci, je me demande si Jean-Roger n'a pas eu un accident ou quelque chose comme ça, ça faisait une semaine. Et du coup, j'ai été rappelé vite fait pour le remplacer, quoi. Après cela, il nous livre une information très cocasse sur la raison pour laquelle Hagen est celui qui domine dans la bande. Il faut qu'il trouve une motivation, car il ne part pas forcément gagnant, et ça montre toute l'intelligence et l'implication de ce métier d'acteur. Je vous laisse donc écouter cela. Quand j'ai lu le scénario, il était écrit que Hagen était un géant, avec la nuque comme un tronc d'arbre, et puis quand il posait le pied par terre, il faisait un trou. Alors bon, sur le papier ça va, mais quand moi je suis arrivé sur le tournage, j'ai pas trouvé en fait que j'avais l'air d'un géant et que j'avais ces caractéristiques-là. Et je l'ai pas trouvé d'autant plus que tous les hommes de Hagen, enfin tous les barbares qui étaient autour de lui, bah, ils étaient tous plus grands que moi. Donc je trouvais qu'il y avait quand même un problème. Et je me suis dit, bon, alors pourquoi je suis le chef ? Pourquoi je suis le chef ? Parce que c'est pas normal, je veux dire, tout le monde me dépasse à peu près d'une tête. En fait, j'exagère, mais enfin, je suis pas le plus grand. Je suis pas non plus le plus fort, enfin, je veux dire. Et je me suis donc, je me suis donné comme explication que Hagen était celui qui était le plus politique, qui était capable de mettre en scène la puissance de ces hommes, la puissance des barbares. Il avait le sens du spectacle et de mettre en scène comme ça ses actions, en fait tout ça. Et par exemple, c'est vrai que je joue très peu souvent l'intimité. Avec, même quand Giraudot Bernard vient me voir, je ne dis pas ça va Tchet, tu vas bien, etc. Je fais ça va Tchet, tu vas bien. C'est-à-dire qu'en fait, je parle fort pour que tous les gens, tous les barbares m'entendent. Je suis sans arrêt en train de mettre en scène la puissance des barbares. Puis donc, Bernard Pernonadieu nous donne quelques informations supplémentaires sur la raison du costume et du look de Hagen, avec des causes qui peuvent parfois être extérieures au tournage. On se retrouve tout de suite après. Bon, alors évidemment, j'ai hérité du costume qui avait déjà été fait pour Jean Roger, qui lui faisait effectivement 1m85. Il a fallu donc l'adapter à moi. Ce qui a frappé aussi les gens dans le look, c'est les deux queues de cheval. Mais ça, c'est les circonstances. C'est une idée comme ça, parce que dans ce film, on a eu beaucoup d'idées, énormément d'idées qui n'étaient pas du tout prévues dans le scénario, uniquement parce que les circonstances nous obligeaient à en trouver. Effectivement, le look. À l'époque où je commence le film, je suis frisé. Parce que je suis en train de tourner un autre film pour la télévision qui s'appelait Machination, dans lequel je faisais un scientifique et je m'étais fait faire une permanente. Le problème, c'est que je n'avais pas terminé le film. Donc comment on faisait? Et la seule façon, je ne pouvais pas me faire redéfriser, enfin je pouvais. Bon, la seule façon qu'on a trouvée, ça a été de me tirer les cheveux, de me les lisser. Et j'ai eu l'idée de ces deux queues de cheval, quoi. Ce qui faisait un peu. Qui donnait un petit peu au personnage ce côté un peu samouraï. Voilà. Les deux extraits qui vont suivre, dont le suivant va être le plus long et le plus intéressant également, va surtout nous permettre d'analyser deux scènes importantes du film, à savoir la première fois que l'on voit à l'écran le personnage de Hagen, qui est annoncé pendant assez longtemps durant le film, et qui concrètement à l'écran apparaît au bout de 33 minutes de film. Donc ces propos nous informent sur la façon dont le rapport de force et de domination est mis en place de façon assez intelligente entre Chet et Hagen. Puis nous verrons, après cet extrait, une deuxième scène dont je parlerai assez vite. Il fallait vraiment que ce personnage existe. Et là, on a rencontré des difficultés. D'abord, grosses difficultés. Pendant 20 minutes, on parle de Hagen. On n'arrête pas de dire aux gens, à Giraudot et à tout le monde, « Attention Hagen, ne te frotte pas à lui, c'est un mauvais, il va t'éclater les couilles, il va t'éclater la tête, oh là là, oh là là, oh là là. » On n'arrête pas d'en faire des tonnes sur Hagen et on se dit... Et on se dit, les gens, pendant 20 minutes, se disent, mais c'est qui ce mec? C'est un monstre. Alors ça, c'est bien, parce qu'on vous déroule le tapis rouge. Vous savez qu'on vous est attendu, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème aussi, le danger, c'est que quand vous arrivez, que les gens fassent, ah bon, c'est que ça. Que les gens vous aient tellement idéalisé, vous tellement magnifié, vous aient donné de telles dimensions, que quand ils vous voient arriver, ils disent, ah bon, bah, je pensais que c'était mieux que ça, quoi. Alors donc, l'arrivée de Hagen avec son taxi comme ça dans ce loft, le gros plan sur la botte, tout ça, ça c'est formidable. Mais après, il y a Giraudot qui m'attend sur son bureau, qui est appuyé à mon bureau comme ça et qui m'attend. Et il y a 30 mètres qui nous séparent. Et là je dis à Gilles, mais je suis dans la merde. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que l'homme fort, c'est celui qui ne bouge pas. L'autre, il est là, il est appuyé sur mon bureau, il me regarde, il a les bras croisés. Et moi, qu'est-ce que je fais alors maintenant? Je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui en le regardant comme dans un western. C'est-à-dire, comme ça, droit dans les yeux. Je dis, c'est un peu exagéré, je dis, ça passe pas. Je fais quoi? Je vais vers lui comme si je ne l'avais pas vu. Donc je fais, je regarde ailleurs comme si je ne l'avais pas vu. Puis arrivé devant lui, je fais, ah, t'étais là? C'est pas possible. Et donc moi je me suis senti en position d'infériorité. J'étais plus du tout dans la position de force par rapport à lui. Et c'est là où j'ai suggéré à Gilles cette idée du petit jeu. Il est tellement sûr de lui, il est tellement fort qu'il n'a même pas une arme. Au contraire, il est d'une tranquillité, il joue avec un petit jeu comme les mômes. Et du coup, j'ai une vraie raison là. Une vraie raison de ne pas voir Giraudot, de ne pas voir Bernard. Et puis à un moment donné, je sens que mon bureau est par là, donc je le contourne. Voilà. Mais moi, je suis concentré par mon jeu. Et donc vraiment, je veux dire, en plus, tout le monde attend que j'ai fini. Enfin, et en se disant pour lui qu'il gagne, parce que si jamais il ne gagne pas, alors il va être de mauvaise humeur. Donc, et du coup, Giraudot est obligé de m'attendre. Et du coup, je réinverse, si vous voulez, le rapport. C'est-à-dire que c'est moi le patron. Des propos donc très instructifs. Et comme promis, on passe donc à l'analyse de la deuxième scène, qui est celle où Temporini vient chercher Hagen pour protester contre le fait qu'il séquestre la petite chinoise. Et là aussi, il y a une réflexion qui est à faire sur la façon d'installer une domination douce. car il y a une grosse disproportion entre le petit physique entre guillemets de crevette de Tom Porini et la masse qu'est Hagen. Et il y a une importance de faire garder une crédibilité au personnage de Hagen et encore une fois de faire perdurer une sorte de terreur douce face à Tom Porini. Je vous passe tout de suite ce que dit Bernard Pierre Donadieu sur ce sujet. Le problème, c'est que quand on a un personnage à défendre, une petite scène, une petite erreur peut foutre en l'air un personnage. Alors je vais vous donner un autre exemple, parce que là, je trouve que là, on a bien réagi aussi avec Gilles. Il est 5 heures, on n'a plus qu'une heure pour tourner une scène qui est très longue. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne sera soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'était marqué dans le scénario que je m'énervais, qu'à un moment donné je l'interrompais, que je lui gueulais dessus, que Hagen a tous les droits, et que j'allais lui prendre ses lunettes, lui casser ses lunettes, que je le prenais, que je le bousculais, enfin bref. On fait la répétition, et là tout d'un coup je dis à Gilles, c'est pas possible. Et Gilles me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi? C'est vrai, c'est un peu chiant. Et je dis, Gilles, moi demain, si je vois un gars qui fait 2 mètres de haut, qui tabasse un mec d'un mètre 50, il me fait plus peur. C'est fini. Et on s'est dit, mais faisons le contraire. Allons le consoler, le petit. Soyons gentils avec lui. Il est déjà liquéfié, il est déjà comme ça quand il lit la déclaration de l'homme. Alors au lieu de lui gueuler dessus, il peut prendre mon mouchoir, il est en sueur, je vais lui tamponner le front en lui disant, mais mon petit gars, Hagen a tous les droits. Au contraire, je vais le faire très gentil. Et puis au contraire, je vais même faire rire, parce que tous les barbares qui sont autour, c'est-à-dire comme je le ridiculise, c'est-à-dire le rire est cruel, le rire est assassin. Je veux dire, plus je fais rire, et plus les barbares vont se foutre de sa gueule, et plus l'autre, je l'assassine, quoi. Mais en douceur, on a eu l'idée de lui faire la buée sur les lunettes. Que l'haleine de Hagen est tellement, il est tellement puissant que même l'été, quand il fait comme ça, c'est-à-dire il fait de la buée sur les lunettes, l'autre il ne peut plus lire. Et du coup, effectivement, il est tellement, une telle démesure, une telle force, ce type, que quand il arrive au combat, là, oui. Nous en venons donc aux propos que tiennent Bernard Giraudot et Bernard Pierre Donadieu sur la chorégraphie qu'a nécessité le combat, la préparation également, et le ressenti. Alors pour ce qui est de la préparation, du tournage, des conditions, ce sera d'abord Bernard Giraudot qui va s'exprimer sur le sujet, toujours tiré de la même interview du 13h d'Antenne 2 en 1984, puis après je passerai donc à ce qu'en dit Donadieu. Et alors quand vous jouez une scène comme ça, est-ce que vous prenez quand même un peu de coups de temps en temps ou est-ce que vous êtes tranquille, tout est réglé pour que vous en sortiez sain et sauf? En général c'est bien réglé, je crois d'ailleurs que c'est Daniel Vérité qui a réglé les tiennes, et puis chez nous aussi. Moi la différence c'est que j'ai des coups de pied, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boxe thaïlandaise. Donc avec Bernard Pierre Donadieu, bon on a réglé ça, on a tourné 3 jours là, la bagarre de la fin, 6 minutes. 3 jours de tournage, 3 jours et demi. Et évidemment, les coups de pied à la figure, il faut que ce soit très très précis parce que. Oui, parce que oui. Ça passe, ça fait pas mal. Mais il y a quand même la figure. Et puis on est beaucoup moins habile quand même. Si on n'est pas une ceinture noire, quatrième dan, on n'a pas la même précision. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire et on prend des coups. On a pris des coups avec Bernard Pierre Donadieu, on a pris pas mal de coups quand même. Des coups de boule. Et voici donc ce qu'en dit Bernard Pierre Donadieu plutôt sur la façon dont le public a pu ressentir cette bagarre, cette scène finale. Et là aussi, une grande réflexion sur la notion de véracité, de réalité, de réalisme, de crédibilité que cette scène devait avoir. Il y a effectivement une chorégraphie, mais une chorégraphie qu'on a voulu intelligente. Parce que le problème, c'est que on voulait pas du tout que ça fasse chorégraphie. Souvent dans les films, c'est je te donne un coup de poing, je fais ça, je reviens, et puis hop, on dit bon. Pourquoi ce combat est si fort? C'est parce que Gilles l'a beaucoup découpé. Bon, il y a eu un master certainement ou deux, mais surtout, il a énormément découpé. Et là encore, il a appliqué cette théorie que je dis, laissez faire le spectateur à votre place. Laissez-le souffrir, laissez-le travailler. Donc avec Bernard, on s'est parfaitement entendu. De toute façon, c'est un type qui est très précis. Donc, je veux dire, à un moment donné, on l'a même fait peur à l'équipe, parce que quand Bernard... fait son vol planer comme ça pour arriver sur moi et me donner une coup de boule, on s'est vraiment touché. Quand j'y repense maintenant, je me dis, bon Dieu, on a eu de la chance quand même, parce qu'on aurait pu se faire mal, mais il m'a donné son coup de boule, mais je me suis reculé, donc j'avais pratiquement rien senti. Mais il fallait vraiment qu'on soit parfaitement synchrone. C'est pour ça que tout d'un coup, ce combat devient effectivement... Il est magnifié. Et ce qui faisait sa force à l'époque, effectivement, c'est qu'il a cette apparence de réalisme, alors qu'il ne l'est pas. Si on réfléchit bien, encore une fois, au premier coup, il y en a un qui tombe. Et les gens avaient le sentiment, effectivement, que c'était vraiment violent. Et moi, je me souviens, les gens dans la salle avaient du mal à le supporter. Les gens prenaient des coups, quoi. Les gens les sentaient, les coups. Il reste une dernière partie de cette interview de Ben Appernonadieu à diffuser, qui est celle plutôt sur son ressenti par rapport au film, par rapport au personnage et son côté négatif qu'il nuance fortement, et aussi sa vision par rapport à l'évolution du genre, l'évolution aussi de la représentation des voyous et les regrets que cela engendre chez lui. Vous allez donc entendre plutôt des propos de libre penseur. Je vous laisse ça tout de suite à disposition de vos oreilles. Le film, il est intéressant parce que je pense que Gilles a traité un peu tous ces personnages comme de la bande dessinée. Enfin, un peu, quoi. Je veux dire, c'est pas surjoué. On joue de premier degré, mais le traitement fait qu'on est quand même un petit peu dans le... On n'est pas dans le quotidien, dans la réalité. On est dans... C'est ce décor, tout est un peu quand même magnifié, tout est un peu... C'est du cinéma, quoi. On est vraiment dans du cinéma. Donc tous ces personnages se prennent eux-mêmes pour des personnages. Comme souvent d'ailleurs, quand on voit les voyous, ils font souvent référence à des mythologies qu'ils ont dans leur tête. Ils se prennent généralement pour autre chose que ce qu'ils sont vraiment. J'ai traité ce personnage, comme l'indique aussi, pareil. Je les traite toujours, non pas comme des méchants, mais comme des subversifs. Des gens qui désobéissent au système. Mais c'est pas un héros. Ah ben moi, de toute façon, pour moi, celui qui désobéit à la loi est forcément un héros. Celui qui dit non est forcément un héros. Parce que tout le monde dit oui, tout le monde s'écrase. Même s'il séquestre des petites filles et qu'il envoie des couteaux dans la gorge, des voisins. Mais si on réfléchit bien, moi je trouve toujours un moment où on peut sauver le personnage. Qu'est-ce qu'il fait à Gunn? Qu'est-ce qui le rend comme ça? C'est qu'il aime la petite chinoise. C'est sa faiblesse. Du coup, alors comme il a le pouvoir, comme il est confronté tout d'un coup à une petite bonne femme, une petite chinoise de rien du tout, il l'aime. Et l'autre, elle peut lui dire, moi je t'aime pas. Il peut pas comprendre ça. Donc lui, comme d'habitude, c'est on m'obéit, on fait ce que je dis, eh ben tu veux pas le faire, je te prends. Et puis c'est tout. Mais c'est en même temps, ça, en même temps, moi je trouve que c'est même attendrissant. Je dis que tout d'un coup d'aimer une petite femme comme ça et puis de la vouloir à ce point-là. Je suis pour celui qui désobéit, moi. De toute façon. Regardez maintenant, il n'y a plus de films comme ça. Il n'y a que des films de flics. On est toujours du côté des flics. On est bouffé par des séries policières. Je veux dire, avec des flics d'ailleurs qui n'ont sans saveur, enfin des flics sans intérêt. Alors que le plus intéressant, à mon avis, c'est celui qui désobéit la loi. Si vous regardez bien, ça fait 10 ans que j'ai pas fait un film de cinéma, moi. Vous faites beaucoup de télé? Pas beaucoup. Des beaux rôles? Ben non. Ah, non, je ne fais que des beaux rôles, donc ça veut dire un film tous les 2 ans. D'ailleurs, les gens ont toujours une idée de moi. Pas que je fais peur, que je suis un type pas facile du tout, etc., etc. Alors que c'est le contraire. Je vais dans le sens du travail, je vais dans le sens du film. Je veux au contraire qu'on en donne pour du pognon, quoi. Je veux dire, pour ce que les gens attendent. Et qu'on les surprenne à chaque fois, que les gens se disent pas, oui, j'ai pas envie d'être un acteur consensuel. Prévisible, 15 minutes avant de jouer sa scène, on sait, ah bah oui, il a joué comme ça, bah oui, bah comme d'habitude, quoi. Parce que moi, par contre, je ne mens pas et je suis sincère. Voilà. Voici donc, pour ce que je pouvais diffuser de ces inestimables témoignages sur ce film, j'aurais pu également diffuser, et vous aurez non seulement en lien dans la description de l'épisode et le lien de l'interview de Giraudot sur le site de l'INA, également le lien de l'interview de Donadieu sur Dailymotion, Et enfin, le lien d'une chronique qui a été faite sur la chaîne YouTube, donc titre provisoire par Ulrich Salé, et que je vais surtout résumer ici, pas diffuser d'extrait, mais voilà à peu près ce qu'il peut nous en dire. Donc, à savoir que Rhubarbare est un titre qui évoque un imaginaire, qui est un témoignage aussi de ce que la France était, de la peur des loupards par exemple, le témoignage aussi de la fin d'une époque, des petits mafieux locaux. Un film aussi qui est à la frontière du ridicule mais sans jamais tomber dedans. Chaque phrase prononcée a un impact et présente un petit peu un théâtre de la misère. Certes, il est caricatural et les dialogues sont déclamés, mais c'est pour qu'ils aient plus de claquants. Donc le métrage nous présente aussi une succession de losers magnifiques et incroyables. Tous les personnages sont quasiment détruits et ne semblent pas avoir une once d'espoir. Il n'y a pas de piliers sur lesquels se reposer. Again est un vrai méchant, il tient le film sur ses épaules et ça marche. C'est un film dramatique avant d'être un film de combat. La BO de Bernard Lavillier rehausse ce côté dramatique, tout comme Charlie Couture l'avait fait avec celle de Tchao Pantin. On ressent bien l'esprit urbain, l'esprit désenchanté du film. Enfin, Rurik Salé nous dit que ce film n'est pas une Madeleine de Proust pour lui. En effet, il l'a découvert sur le tard et non pas à sa sortie. Donc, le fait qu'il le conseille rehausse aussi son côté film à voir, ou film qui présente quand même un intérêt certain pour qui voudrait exploiter le cinéma bis, honnête et sincère. Donc voici en substance ce que dit Rurik Salé dans sa vidéo YouTube Petite Provisoire, et je rendrai aussi hommage à sa plume dans la partie avis et critique. Et par contre, je fais juste une divagation sur le titre du film. Alors, donc à savoir que le titre français du roman en 52, c'était Épave, au pluriel. Le titre original, c'est Street of the Lost, donc la rue des paumés, on peut dire ça comme ça. Et que le premier titre du film, ça devait être Chacun sa peau. Je tire ça des excellents livres, Le cinéma français, c'est de la merde. À ce qui paraît, donc, c'est quand Bernard Lavillier, quand on a appris que Bernard Lavillier participait au projet et à la musique du film, qu'on a dévié sur le titre Rhubarbare. Et donc pour ce qui est des États-Unis, donc ce film, si on traduit, il a soit ce même titre, Rhubarbare, ou La rue des damnés, La rue des maudits. Au Danemark, le film aura plutôt le titre de La nuit de la vengeance. En Espagne, c'est plutôt Le plus sauvage de tous. Au Portugal, le film aura comme titre Les sauvages de la rue. Et en Grèce, c'est plus le côté Les durs du béton, les combattants du béton, quelque chose comme ça. Et enfin, en Norvège, par exemple, il y aura le Rhubarbare, bien sûr, ou Rue impitoyable. Je termine la partie supplément par une découverte musicale un peu cocasse, à savoir donc celle d'un rappeur, CJ Sordide, qui a sorti donc un titre en 2016 appelé Rhubarbare, qui fait référence à l'esprit du film. Et donc ce morceau est tiré de son album Crasserie vocale. Je me permets de l'insérer dans l'épisode à titre de curiosité et pour dire d'essayer d'être le plus complet possible sur ce que Rhubarbare a pu susciter aussi bien à l'époque de sa sortie qu'aujourd'hui. Là aussi, pour ceux et celles qui sont intéressés, je mettrai le lien en description. On se retrouve tout de suite après le morceau pour la partie avis et critique. C'est Rhubarbare pour mes loupards. Ça sent l'asphalte, les phalanges éclatées, mes loupards sont prêts, ceux d'en face font la thé. On est baroudeurs comme c'est pas permis, ça rôde à toute heure pour gâter la vermine. On sort la tiraille, le perfecto est usé, j'ai deux vélos qui résonnent, ce soir on va s'amuser. Fini le temps où les conflits se réglaient à coups de poing, pas d'écran interposé entre deux mecs habitent loin. J'écoute la nuit, chanter Midnight Shadow, j'aime faire mal à l'ennemi, c'est mon côté sado. Un vrai salaud, mec j't'aurais prévenu, si tu me dois un peu de pêche, ça va très sur l'avenue, qu'on tape des gens, puis genre plus à l'arrêt, puis qui viennent à plusieurs, genre tirer le grand arrêt. Ça traîne dans les gares, les veux caler en gare. Et si les cris s'égarent, c'est qu'il y a eu du sang gars. C'est Rhubarbare, ressort ton cuir loupard. Soit il y aura de la bagarre dans les rues boulevard. On fait du street fight, des coups de barre contre phalange. On laisse au balance un sourire de l'ange. C'est Rhubarbare, ressort ton cuir loupard. Soit il y aura de la bagarre dans les rues boulevard. On fait du street fight, des coups de barre contre phalange. On laisse au balance un sourire de l'ange. Là, je suis nord, de Rhubarbare à la vie dure. Blanc l'anus force et tout barbe à la bite dure. Ils veulent du corset, mais leur corps est séca. J'aime cogner sur Sega comme sur un jeu de Sega. Les rues nous égarent, les passons nous calcinent. Pendant que fils à papa, nos bas-fonds te fascinent. De sale racine, sur béton ça donne moi. Parce que j'ai fait aspect de fil après, Dieu pardonne-moi. Après minuit, dans les ténèbres, je me noie. Je suis un chien comme Cerbère devant la jeunesse en émoi. Le cœur sur la main, si tu demandes un service. Mais si tu fais un coup de vis, tu prends un coup de tournevis. Ici c'est la street, les coudes sont goudronnés. Ils peuvent pas me sentir, ils ramassent leur bout de nez. Mon père, tes frères reposent en pétchette, man. Pour les nuits en enfer, j'ai équipé de machette, man. C'est rue barbare, ressort ton cuir loupard. Soir, y'aura de la bagarre dans les rues boulevard. On fait du street fight, des coups de barre contre phalange. On laisse au balance un sourire de l'ange. C'est rue barbare, ressort ton cuir loupard. Soir, y'aura de la bagarre dans les rues boulevard. On fait du street fight, des coups de barre contre phalange. On laisse au balance un sourire de l'ange. Je suis un loupard, c'est mon style de vie. Avant j'enfonce les pommettes, après on parle du devis. Mais t'es méchant qu'avec ceux qui méritent. J'ai leur sang sur les pompes, c'est que dans le fond ils méritent. Sur le béton j'ai laissé des chicots. J'en ai fait peur de ces opticons qui faisaient leur psycho. Un toxico, de la violence urbaine. T'attends pas Nirvana, tu rejoindras Kurt Cobain. J'éteins le mégot de clope sur une tronche de cake. Si bronche le tronche, mais je laisse les baskets. J'suis pas dans le racket, mais dans le cassage d'arcade. Comme DJ Monarch au platine, c'est macabre. Du son de zone, rien à foutre de Dubaï. Pour mes frères, mes loups, pas qu'on paye le temps dire goodbye. Comme dans Warrior, voir les gangs unifiés. C'est le clan sorti, les autres qui viennent nous défier. C'est rue barbare, ressort ton cuir loupard. Soir, y'aura de la bagarre dans les rues boulevard. On fait du street fight, des coups de barre contre phalange. On laisse au balance un sourire de l'ange. C'est rue barbare, ressort ton cuir loupard. Soir, y'aura de la bagarre dans les rues boulevard. On fait du street fight, des coups de barre contre phalange. On laisse au balance un sourire de l'ange. Qu'est-ce qu'a mis le loup avec un agenou? C'était Chet. Eh oui, c'était Chet. Qui lui avait mis la tête dans les ordures? C'était Chet. Eh oui, parfaitement, c'était Chet. Et qui l'avait forcé à bouffer sa merde, hein? C'était Chet. Eh oui, c'était Chet. Ta santé, Chet. Sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Capitaine, j'ai une opinion sur ce sujet. Bah, je t'en prie, partage-la avec le peloton. À mon avis, tu me prends pour un con. Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortel. Alors pour ce qui est de cette partie sur les avis et les critiques, elle sera beaucoup plus rapide, je vous rassure, que celle sur Baxter, car ce dernier film avait une aura qui avait dépassé la sphère francophone. Là, pour Rue Barbare, on a clairement des critiques franco-françaises ou francophones. Voilà, il n'y a pas de... Par exemple, sur IMDb, il n'y aura pas de, critiques. Puisqu'en effet, il y a la critique d'un spectateur, mais il est français. Donc on va surtout se centrer sur ce qui ressort en effet de ces différentes critiques, que ce soit par la presse, par les sites internet, et aussi par les spectateurs, surtout par le biais d'Hallociné. On y va tout de suite. Pour ce qui est des critiques Hallociné, donc le film récolte la note de 3,6 sur 5 pour 124 notes. Il y a 29 critiques écrites, et parmi celles-ci, 41% lui donnent la note de 5, 24% la note de 4 étoiles sur 5, 10% 3 étoiles, 17% 2 étoiles, et 6% pour des notes entre 0 et 1 étoile. Sur IMDb, j'en profite rapidement pour évoquer le site, car il n'y aurait pas des critiques extraites de ce site. Le film récolte la note de 5,4 sur 10 pour 406 votes. Je lis quelques-unes des critiques Hallociné. La première, celle de Chris Chambers 86, qui est une critique de 2011, qui donne la note de 4 sur 5, qui nous dit que ce film est un énorme succès des années 80, où Gilles Béat adapte brillamment le roman de David Godis, qui louche vers un Mad Max à la française par la violence de certaines scènes, sans perdre de vue l'aspect désespéré du roman. Avec Rue Barbare, le regretté Bernard Giraudot trouve peut-être son plus beau rôle au cinéma, et montre qu'il peut jouer aussi bien un héros romantique qu'un justicier solitaire dans le monde des loupards. Bernard Pierre Donadieu, une vraie gueule qui vient également de nous quitter. C'est vrai que quand la critique est écrite, Bernard Pierre Donadieu est mort depuis 4 mois. Je reprends donc, Bernard Pierre Donadieu crève l'écran, composant l'une des plus belles silhouettes de méchants du cinéma français. Des personnages à la dérive, avec des blessures personnelles à assumer, la violence paroxystique de l'histoire, la beauté clinquante des décors très 80s, le combat final d'anthologie entre Chet et Matt font de cette rue barbare une œuvre sombre, violente et désespérée. Il faut également ajouter la qualité de jeu des actrices, la fragilité de Corinne Dacla, la virilité du corps et de la chair de Christine Boisson, quelques scènes cocasses et quelques dialogues comme « Merci ma pute, c'était court mais c'était bon » et la superbe musique en parfaite osmose avec l'atmosphère sans espoir du film. Même le Midnight Shadows de Jean-Pierre Calfon est fort agréable à l'oreille. Toujours sur le ciné, deux critiques qui vont se compléter, qui vont même se répondre. Tout d'abord une critique de Vodka Martini qui met 0,5 sur 5 au film. C'est une critique de 2006 et qui nous dit donc « Rue barbare, où le règne du cuir le plus bas de gamme, du sky phosphorescent, des coupes de cheveux interdites par la Convention de Genève, des dialogues dignes des meilleurs aphorismes des films flics d'Alain Delon. Il y en a 5, j'ai compté, et certains sont éligibles au rang de nanar du siècle. De la musique américaine telle qu'a dû se l'imaginer un boucher du Périgord tombé malencontreusement sur une guitare électrique et un synthétiseur tout en un. Des chaînes et des mousquetons qui n'ont d'autre utilité que de faire du bruit pour rien et d'obliger les idiots qui les portent à marcher comme des robots efféminés. En plus, Giraudot, avec sa moustache d'Astérix, est à se pisser dessus de rire. Et les acteurs se tirent la bourre pour savoir qui sera le plus effroyable de ridicule désinhibé. L'ensemble donne l'impression d'un énorme clip vidéo des Village People en duo avec Trust. Une vraie belle grande leçon de n'importe quoi. Et donc il y aura une réponse à cette critique qui viendra 3 ans plus tard et qui est de Post-Ado, qui lui par contre met 5 sur 5. Et il nous dit donc « Trop facile de critiquer ce film 25 ans après pour lui trouver trop de ceci, passé de cela. Les années 80 c'était aussi cela. Je ne parle pas du film, je parle de l'ambiance décrite, volontairement radicalisée. Je voudrais répondre à la critique 0 étoile en précisant que les mousquetons et autres coupes interdites par la Convention de Genève étaient monnaie courante à cette époque, y compris les moustaches Astérix. Les loubards en Sanchag ont toujours eu une démarche chaloupée, mais personne ne serait venu écrire une critique à l'époque de ces faits. Ce film dégage quelque chose de magique, qui me touche et qui n'a rien à voir avec le jeu d'un acteur ou une réplique pas assez bonne. Enfin, Jean-Pierre Calfon est l'acteur qui m'a donné la clé de ce film, et pourtant c'est le plus déconnecté. J'aime les états d'esprit insinués, les parcours personnels décrits, les désespoirs et des illusions, la vie misérable assumée. Adressé à un public en fin d'adolescence, ce film peut faire réfléchir à pas mal de choses sur ce que je crois, ce qui est, ce qui dépend de soi ou des autres, comment on se voit, etc. Bref, j'adore ce film. Alors beaucoup de critiques hallucinées sont assez positives sur le film comme je l'ai dit, mais dans leur contenu on retrouve à peu près toujours les mêmes choses, donc c'est pour ça que je vais pas non plus m'éterniser et radoter, et je vais en lire aussi quelques-unes qui sont donc négatives, j'en ai déjà lu une. Une donc de Jean-Christophe B, qui met 1,5 sur 5 au film, une critique de 2014, et qui nous dit donc « Comment peut-on trouver un intérêt à ce genre de film? Cela me dépasse. Tout y est volontairement choquant, aussi bien le scénario que les dialogues volontairement vulgaires. Tout nier que sensationnalisme et obscénité, ce film fait l'apologie de la violence sous toutes ses formes et me laisse franchement sceptique. J'ai connu Bernard Giraudot beaucoup plus inspiré que dans ce très mauvais film. Bref, je le déconseille et ceux qui ne l'ont pas vu sont les plus chanceux. » Bon, comme quoi le film ne fait pas forcément l'unanimité, mais c'est aussi un peu le but des films traités dans Pellicule et pour Tchernobyl. Je me permets de réinsérer une autre critique positive, celle de Jean-Guy C, qui met 5 sur 5 au film en 2015, et qui dit en substance « 30 ans après, ce film reste pour moi un must, qui m'a durablement marqué. Je l'ai revu il y a très peu de temps, avec un plaisir intact. Les acteurs sont formidables, tous donnent chair à leur personnage, c'est profond, intelligent, très bien filmé, les scènes de combat sont fantastiquement chorégraphiées, Giraudot utilise à plein ses talents de danseur, bon, il fait aussi un peu de sport de combat quand même, c'est sombre, violent, et en même temps plat d'humanité. Merveilleux Tamburini. Rajoutez à ça la musique du Grand Lavilliers et vous obtenez le film parfait, à voir absolument. » Pour ce qui est des critiques sur le forum de Mad Movies, il y en a une très intéressante de X, Rod X, qui nous dit « Ah, bon, ce film de Gilles Béat, qui s'est coltiné depuis tous les feuilletons policiers navants de TF1, a atteint le statut de film culte. Dans un sens, c'est vrai. Il a tenté de transfigurer la rue du roman noir américain Épave de David Godis dans l'univers banlieusard français. Si à l'époque, Le film a dû choquer. 25 ans après, la voyoucratie a pris un sacré coup dans la tronche. L'histoire est usée. Un ex-tolard, Bernard Giraudot et sa moustache de patron, qui a repris une vie stable, se fait emmerder par ses ex-potes blouson noir, une bande de loubards multiraciales faite de chaînes et de cuir façon Turnbull Axe du mythique The Warriors. Tu rajoutes 2-3 gonzesses, Christine Boisson, la pute fatale, à voir dans le très froid rue du départ, une jeune chinoise violée et une épouse trompée, et tout ce joyeux bordel est piloté par Hagen, Bernard-Pierre Donadieu et ses Sang Tiang en fer. Le maître, habitué des rôles de nazi et de gilou qu'il retrouvera dans Urgence l'année d'après. L'histoire d'un mec solitaire, prisonnier de la zone, la banlieue est grise et piégeuse, l'atmosphère glauque et les scènes de conflit très caricaturales, mais c'était le cas de beaucoup de films de l'époque. La bande-son est signée Bernard Lavillier, souvenez-vous, je cite, « L'avenir est un chien crevé sous un meuble ». Fin de citation. Ce monde parallèle fait très bande dessinée, on est en plein dans la déferlante rock plus BD qui faisait hurler Nab chez Michel Pollack. De toute façon, rien que pour voir Bernard usiner son poing américain chez lui, Monsieur Marie, alias Jean-Claude Dreyfus, qui a troqué ses plats surgelés pour une baramine, et Jean-Pierre Calfon, en rocker has-been cocaïné, ce film vole des tours. Donc un avis intéressant, parce qu'il est assez nuancé, et il sait reconnaître à peu près les défauts du film, à savoir son caractère daté. Toujours sur le forum de Man Movies, on a Rocking Bones, qui nous dit que Rue Barbare, c'est le film sur les horizons bouchés, sur les parois épaisses d'anciens rêves définitivement morts. Retour en force d'un passé qui tiraille, celui qui souhaite s'y soustraire au profit de l'effacement de l'anonymat. Perspective nulle, donc. Pas de relief, juste des aplats qui vont du gris au noir le plus profond. Coincé dans une existence sans avenir, Chet est résigné à vivre une vie sans rêve dans le seul souci de protéger Eddie. Cette dernière, une jeune femme écorchée, morcelée, qui ne peut exister qu'au travers de Chet. Cet ancien barbare violent, sans état d'âme, qui par amour l'a sauvé des serres brutales de Hagen, toujours furieux de cette trahison de son ancien acolyte. Chet est sa vie misérable, coincé entre une femme carbonisée, un frère instable, une belle-sœur vaginale et un géniteur vénal. Accepte son sort et travaille comme soudeur dans une des gares de triage aussi terne que son monde quotidien. Chet, qui ne demande rien, n'attend plus rien. Va devoir, pris au piège d'une logique de la violence et de la peur, laisser parler ses poings. Et quand il laisse ses directs du droit prendre la parole, c'est dans des flots de sang que la communication s'établit. Chet qui, pris en étau, n'aura plus d'autre choix que de foncer tout droit vers l'affrontement final. Ultime, au poing américain. Cette arme terrible qui défonce la gueule d'une de ses premières victimes, avec cette rage meurtrière retrouvée, intrinsèque, viscérale. Rue Barbare, c'est la meilleure baston de tous les films que j'ai pu voir. Jamais affrontement physique n'avait été filmé avec cet impact-là. C'est court. Chaque coup fait mal et les deux hommes sont rapidement à bout de souffle. Mais c'est puissant. Et puis, jamais série de coups de tête, de coups de tronche, de coups de boule n'a suscité autant de frissons dans la rage et le désespoir qui les anime. Il y a peut-être un ailleurs comme le chante Bernard Lavillier à la fin du film. Évidemment non. Et il y a enfin, oui, j'avais dit que je rendrais hommage aussi à Rurik Salé, indirectement, par le biais des très bons volumes « Le cinéma français, c'est de la merde » dont on pourrait faire plusieurs épisodes de pellicule et pourriture noble. Tant les films décrits dedans correspondent tout à fait au profil des films que je veux défendre. Et il y a donc une entrée dans le premier round, en fait le premier volume, une entrée rue Barbare, avec un texte de Laurent Fenoglio, dont je vous fais part tout de suite. Un acteur de premier plan, Giraudot, t-shirt sale et poing américain en garde, un film de fight français, pardon, de baston, on croit rêver. Mais qui a eu les burnes de produire ça? Alors oui, les mecs déclament, il y a Jean-Claude Dreyfus en loubard. On dirait un post-apo rital foireux. Eh bah oui, eh bah alors. Initialement titré Chacun sa peau, puis rebaptisé lorsque Lavillier se greffe au projet, Rue Barbare est adapté d'un roman de David Godis, tout comme La Lune dans le caniveau, sorti un an plus tôt. Mais elle le confesse, Benex a fait sauter le verrou, sa proposition aura du caractère. Il coécrit avec Jean Herman, Vautrin, qui a signé Billy the Kick, Garde à vue en 81, s'entoure d'un directeur photo solide, Jean-François Robin, 37-2 le matin en 86, tourne à Saint-Denis mais délaisse les cités déjà omniprésentes. Difficile d'y reconnaître la ville, tout est resserré autour de quelques cadres de maisons ouvrières et de voies ferrées. Nous ne sommes pas dans le réalisme social d'un « Le thé au harem d'Archimède » qui sortira l'année suivante. L'histoire se résume à son carton épais comme un pitch, et c'est déjà en ça qu'il détonne dans notre pays très réticent au genre. Daniel Chetman avait décidé de ne plus jamais se mêler des affaires des autres, pourtant, ce soir-là, dans ce western urbain, intemporel et daté à la fois, la tendance est au Sontag et au blouson noir. Le carburant du récit, c'est la rue, ses codes. Ou bien plus qu'ailleurs, tout peut se casser la gueule en une soirée. D'un côté, celui qui règne, Hagen, Bernard-Pierre Donadieu, génialement abominable. De l'autre, celui qui est sorti des clous, Chet. Bernard Giraudot, karatéka pratiquant à la ville et préparé à la boxeille pour l'occasion, dont on ne doute jamais. Contrairement au film Les rues de feu de Walter Hill, en 1984, dont l'œuvre est très proche, et particulièrement de son sous-titre de fable rock'n'roll, Chet n'est pas un héros de passage. Il vient du quartier, et c'est le rejet de son passé peu glorieux qui ne va cesser de lui revenir en pleine tronche. Jean-Pierre Calfont en vieille gloire toxico, Christine Boisson affûtée comme une panthère, Jean-Pierre Santier, Michel Auclair, que d'amateurs, hein. N'écoutez pas les grincheux, rue barbare, c'est bon comme une partie de Manhattan Dealer, de la poésie en barre à mine, sauvée du désespoir le plus total, seule issue, partir, par la justesse de la partition de Lavillier. Rue barbare sera, malgré la violence des critiques, un succès populaire. Nous, on rêve encore de péloges de cette trempe dans l'Hexagone. Alors une critique assez complète de Avoir à lire, titrée « La brune dans le caniveau », qui date du 7 février 2011, qui se résume par « D'une violence toujours efficace, Rue barbare propose une vision esthétisante de la banlieue, au risque de tomber dans le kitsch. Une plongée dans les bas-fonds des années 80. » Avec une note donc de 2 étoiles sur 4. Si on lit plus précisément l'avis, il nous dit que plus de 20 ans après le gros succès rencontré par Rue Barbare, que reste-t-il exactement de ce métrage très controversé ? Tout d'abord, la filiation avec La Lune dans le caniveau de 1983, d'après un autre roman de David Godis, est d'une frappante évidence. Gilbert lui-même avoue avoir été marqué par la vision du film de Benex. Prenant un parti pris similaire à celui de son prédécesseur, Béa choisit d'esthétiser au maximum son film, oubliant toute forme de réalisme, typique d'un certain cinéma français. Avec son ambiance à la lisière du fantastique, Rue Barbare est une œuvre étrange, peuplée de personnages improbables, tous plus paumés les uns que les autres, et en proie à une violence quotidienne éprouvante. Ici, point de condamnation sociale, ni même d'engagement quelconque, le cinéaste se contente de suivre le destin de personnages déglingués, proposant une vision du monde particulièrement âpre et désespérée, car aucun horizon clair ne se dessine dans ce film d'une rare violence. En cela, le combat final reste un modèle de coup de poing à l'estomac asséné au spectateur. Magnifiquement chorégraphié, la danse macabre de Bernard Giraudot et de Bernard-Pierre Donadieu est une merveille de violence brute. Cette scène a fait beaucoup pour la renommée du film, concluant de façon tétanisante une œuvre pourtant inégale. Effectivement, le metteur en scène a un peu de mal à installer son histoire sordide, et sa réalisation, trop sage et trop statique, n'emporte pas l'adhésion. Si le travail du chef opérateur Jean-François Robin est impeccable, quelques choix esthétiques sont tout de même malheureux, notamment dans certains décors kitsch. Enfin, le film nous propose une plongée sympathique, mais terriblement datée, dans l'univers barbare des années 80. Il s'inscrit dans la lignée des Mad Max de George Miller et autres Guerriers de la Nuit de Walter Hill, alors très à la mode. Malheureusement, cet univers punk rock, à base de cuir et de clous, a bien mal vieilli et ressemble fort aux films du bis italien comme Les Guerriers du Bronx d'Enzo Castellari. Ce côté vieillot est renforcé par la musique, très bonne au demeurant, de Bernard Lavillier. Finalement, malgré ses chutes de rythme, Rue Barbare demeure un film recommandable, même s'il est impératif d'être nostalgique des années 80 pour apprécier sa vision esthétisante et complètement dépassée de la banlieue. Très vite, je mettrai aussi dans la description la critique du site Also Known As, qui analyse très bien le film, qui revient beaucoup sur ce qui a déjà été dit, mais qui a un point de vue intéressant sur le personnage de Hagen, et aussi la volonté de centrer le film sur lui pour le rendre plus intéressant. Il y a juste un petit passage que je vais lire, et qui nous dit « En fait, excepté la scène de bagarre, Hagen n'agit pas vraiment. Ce sont ces barbares qui font les choses, comme s'il n'était que l'incarnation de ses décisions. En ce sens, si l'on peut penser que Chet, en reniant Hagen, renie le mal, il me semble que le film se penche davantage sur la réciproque. C'est-à-dire que c'est bien plutôt Hagen qui souhaite supprimer une partie de lui qui voudrait le bien. Mais, et c'est l'auteur de la critique qui parle, mais il ne s'agit peut-être que de mon désir de centrer le film sur Hagen dans le but de, entre guillemets, sauver l'ouvrage. » Donc voilà pour le morceau de critique qui sort de l'ordinaire. Alors tout de suite la critique du site Oh My Gore qui nous dit « Eh oui, encore et toujours les 80s avec ce film hautement recommandable et on ne peut plus représentatif de cette période bénie. En m'attendant Rue Barbare pour la première fois, je m'attendais vraiment à ce que le titre pouvait laisser présager. Un gros film bourrin, genre Brigade des Mœurs. Pourtant, il n'en est rien. L'ambiance y est tout aussi glauque et malsaine, si ce n'est plus, mais l'interprétation des acteurs et l'aspect violent et réaliste qui s'en dégage en font un film beaucoup plus profond et dérangeant que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Bernard Giraudot est excellent dans ce rôle de mec paumé, ancien délinquant et adepte de la baston de rue. Son physique, son flegme et son style le rendent tout à fait convaincant et il tient là, pour moi, son meilleur rôle. Ne vous attendez pas à de la baston et de l'action pendant 107 minutes, car vous serez déçus. Rue Barbare nous narre plutôt l'histoire d'un mec rattrapé par son passé douteux et qui va tout faire pour le laisser derrière lui, quitte à y replonger le temps de sauver une gamine des griffes du violent Hagen, interprété par le trop rare Bernard-Pierre Donadieu, qui en fait des tonnes tout en restant crédible. Le pauvre Tchett ne sera malheureusement pas avantagé par une famille de barges. Une femme un peu simplette et enfantine, un frangin voleur, fidèle consommateur de substances illicites et rockstar déchu, une belle-sœur prostituée et un père obsédé et névrosé. On peut noter également une belle brochette de second rôle, l'excellent Jean-Claude Dreyfus, le regretté Marc de Jong, le coiffeur homo de Mon curé chez nudiste et colonel russe dans Rambo 3, Christine Boisson, la femme de Delon dans Le Passage, Michel Auclert, vu dans La Belle la Bête de Cocteau, 7 morts sous ordonnance, Le coup de Sirocco ou encore 2h moins le quart avant Jésus-Christ, et on ne parle même pas de la première apparition de Jean-Claude Van Damme, mais que je n'ai pas réussi à trouver dans le film. De toute façon, même en cherchant, on ne le voit pas. En bref, Rue Barbare est un film glauque et violent, porté par une musique lancinante signée Lavillier, à voir absolument, au moins pour la scène de baston finale entre Tchett et Hagen, et pour l'ambiance unique qui y règne. Un très bon film qui symbolise à merveille tout ce que j'aime dans les années 80. Des films comme ça, on n'en fait plus, et c'est bien dommage. Comme autre supplément, on pourrait également inclure un commentaire sur le roman en lui-même. Alors je tiens cette critique du site Mœurs Noires, et cet article a été fait en décembre 2014 par Jérôme Jucal. Il est titré « David Goodis, Chester Lawrence et la rue » avec un R majuscule. En substance, il nous est dit dans cet article qu'en 1952, la même année qu'Obsession, paraît « Street of the Lost ». Ce roman fait partie de ceux qui ne nous parviennent qu'une trentaine d'années plus tard, lors du retour en grâce d'un auteur dont on nous dit pourtant qu'il est surtout reconnu chez nous. C'est en 1980 que Clancier Guénot en publie sa traduction par Michel Lebrun, sous le titre « Épave ». 4 ans plus tard, il sera adapté par Gilles Béat, avec l'aide de Jean Vautrin pour le scénario, sous un titre qui sera adopté pour les publications suivantes, à savoir « Rue Barbare ». Une adaptation musclée, libre, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable, mais qui aura au moins eu le mérite, de mon point de vue, de donner à Bernard Giraudot l'occasion de montrer qu'il pouvait être un acteur de films noirs, ce qu'il confirmera assez remarquablement, toujours de mon point de vue, quelques années plus tard avec « Poussière d'ange » d'Edward Niermans. On nous parle alors de l'événement pivot qui a fait basculer la vie de Tchett, à savoir secourir une petite chinoise, et le fait que, par cet événement, son passé va lui revenir, un passé qu'il a enfui bien au fond de sa mémoire, ce passé dont il ne veut plus se souvenir, ce passé dont Hagen fait partie, un passé de petite délinquance dont il s'est éloigné avant qu'elle ne devienne trop grave, Hagen, lui, a continué, devenant petit à petit celui qui règne sur Rockstone Street, celui qu'il faut redouter, celui dont on doit avoir peur. Mais Tchett n'a pas peur, et il accepte de le retrouver plus tard chez Bertha. Bertha, un autre retour vers le passé. Bref, c'est une intrigue ramassée, concentrée sur quelques heures, 2 jours à peine, que nous propose Goodis avec ce 8e roman. Les retours en arrière sont peu nombreux, juste suffisants pour comprendre Tchett Lawrence, le personnage central. Personnage qui est de chaque page, quasiment de chaque ligne. Un personnage qui semble happé malgré lui dans une histoire dont il ne veut pas, même si sa vie n'a rien d'enviable. Un personnage de la rue, cette Ruxton Street, dont David Goodis fait un des pivots de son roman. Cette rue qui modèle ceux qui y vivent. Nous sommes d'emblée dans cette ambiance de misère, de survie au jour le jour, que Goodis avait déjà approché, une fois directement, avec Cassidy's Girl. À d'autres reprises, il y est arrivé ou s'en était approché pour en repartir comme avec Obsession ou La Garce. Nous sommes de plein pied dans ce bas quartier de Philadelphie, un bas quartier où l'on est, où l'on vit, puis on meurt. Le quartier de Chester Lawrence. Chester qui, pour survivre, a choisi de raser les murs, mais qui, comme d'autres personnages de Goodis, va tout à coup se réveiller et être tiraillé entre 3 femmes. Edna, sa femme, Bertha, l'amie d'enfance oubliée, et la petite chinoise, déclencheur de l'intrigue. Le roman de Goodis monte en puissance, mais, pour la première fois, il est habité dès le début par la violence. Une violence qui semble être dans les gènes de beaucoup d'habitants de la rue, les Ruxtoniens comme Goodis finit par les appeler. C'est au final un roman prenant, résolument noir, qui s'inscrit parfaitement dans l'évolution du romancier et dans son œuvre. Une confirmation. Un roman qui fait partie de ceux qu'il faut lire. Un auteur qui fait partie de ceux qu'il faut lire. Un de ceux qui ont marqué le roman noir de leur empreinte. Toujours sur un rythme élevé, Goodis publie 2 romans l'année suivante, en 1953, Le Casse, puis La Lune dans le Caniveau, qui seront tous deux adaptés par le cinéma français également. Voici pour ce qui était de cet épisode de Pellicule et Pourriture Noble qui portait sur Rue Barbare. Comme vous avez pu le remarquer, cet épisode a mis beaucoup de temps avant d'arriver à terme. J'en suis sincèrement désolé, surtout que tout à chacun sait que l'une des sacro-saintes règles d'un podcast est la régularité de publication. Cela pour qu'il soit de plus en plus suivi et qu'il devienne un rendez-vous pour ceux qui le suivent. Je remercie donc la communauté de départ qui est restée patiente et présente, malgré une très longue pause, quelque chose comme 7 mois. Et je salue aussi les nouveaux arrivants, qui sont arrivés au fur et à mesure du temps, alors que la pause était déjà présente. Les raisons de cette longue pause sont multiples. Il y a d'abord le fait que j'étais parti sur un couple de films, après l'épisode sur Baxter, mais je me suis aperçu qu'il fallait que j'y revienne plus tard, que c'était pas pour tout de suite. Bref, j'ai perdu du temps pour en gagner après. Il y a eu aussi tous les temps, entre guillemets, inaudibles, qui sont inhérents à la préparation d'un épisode, la recherche, la lecture du roman, l'écriture, la préparation des extraits, et qui plus est, cette préparation s'est faite de façon beaucoup plus dispersée que sur les autres épisodes de Pellicule et Pourriture Noble. Par exemple, Rue Barbare, j'y suis depuis janvier, mais en grappillant par-ci par-là, telle écriture, tel extrait, telle lecture, ça ne s'est pas fait d'un bloc. Par exemple, ce message de conclusion que j'enregistre ou que même je réenregistre ici, il a lieu alors que je viens de finir le nettoyage de l'épisode, dont j'ai fait l'enregistrement depuis déjà 2 mois. Et pareil, je nettoyais par-ci par-là quand j'avais le temps. Et là aussi, si on veut faire un minimum de qualité, bien sûr je parle de qualité à mon niveau, parce que certes je suis passionné par mon sujet, mais je ne suis pas professionnel, et bien la qualité demande même encore plus de temps. Et un temps qui m'a fait énormément défaut, ne serait-ce que par mes occupations professionnelles et quotidiennes, tout simplement. Bref, l'afflux de nouveaux abonnés m'a motivé à achever cet épisode, à poursuivre, bien sûr, Pellicule et Pourriture Noble, j'espère de façon beaucoup plus régulière, et d'ailleurs déjà à prévoir une prochaine incursion avec un métrage qui a déjà été choisi. Je peux déjà annoncer que le prochain métrage qui va être traité nécessitera certainement moins de temps. Non pas parce que j'irai plus vite, mais parce que le travail préparatoire que j'ai pu entamer montre qu'il y a très peu d'écrits dessus. Voilà, donc c'est vraiment un film dont je veux parler, mais qui amènera certainement un épisode beaucoup moins long que la durée moyenne des épisodes habituels. Il faudra simplement que je vois ce que je peux tirer du roman, parce que pour le coup, il s'éloigne assez vite du film. Donc ça entraînera peut-être un changement occasionnel du format de l'émission, mais pour le mieux. Bref, j'espère donc vous donner des nouvelles assez vite. Je vous remercie encore de l'écoute de cet épisode sur Rue Barbare, un film certes imparfait, qui peut paraître daté pour beaucoup, mais qui garde une valeur certaine par l'honnêteté, la préparation et la sincérité de tous ceux qui s'y sont impliqués, ce qui en fait un film donc pleinement sauvable, ce qui est le concept de Pellicule et Pourriture Noble. N'oubliez pas que Pellicule et Pourriture Noble est disponible sur quasiment l'ensemble des plateformes podcast, à savoir PodCloud, iTunes surtout, que le podcast a sa page Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à faire vivre les réseaux sociaux, éventuellement à proposer aussi des films que vous souhaiteriez voir traités dans le podcast. Ça peut me donner des idées très utiles. Donc bref, n'hésitez pas, la porte Pellicule et Pourriture Noble vous est grande ouverte. Profitez-en. Sur ce, je vous quitte sur la chanson finale du film, Il y a peut-être un ailleurs, de Bernard Lavilliers. Sur ce, c'était Monsieur Gravelax, qui vous quitte sur sa devise habituelle. Soyez curieux, soyez nuancés. À la prochaine. Sur cette note, on envoie la musique. Je prends la tangente sous l'arc de la nuit, sur ma nuque bleue, cheveux noirs de pluie. Y a peut-être un ailleurs, un accord majeur. J'attends pas la fin de cette mort grise, de mes yeux éteints, des chevaux de frise. Y'a peut-être un ailleurs, plus loin du malheur. Y'a peut-être un ailleurs, y'a peut-être un ailleurs. Le vice les fout toujours plus fort. Partir, partir. La crasse l'ennui, le feu, la honte, l'angoisse, les cris, la pluie, la trouille. Partir, partir.